C'est le DJ le plus joué dans tous les clubs européens. Une nouvelle fois, premier ce soir de l'Eurodance 25, Avicii avec Hey Brother. Et grâce à Fun Radio, vous allez pouvoir vous barrer, le rencontrer en Belgique. Et en plus, comme on n'est pas radin ici, on vous file 1 000 € d'argent de poche, histoire de bien démarrer l'année. Ça va débarquer dans quelques jours. Je crois que c'est le 13 février en Belgique, plus exactement le concert d'Avicii. Mickaël pourra nous donner la réponse, peut-être, ou pas. Alors, je ne t'entends pas. Ah pardon, toi pour moi, j'étais en train de parler avec Sandro qui me parlait d'un chat. Donc... Ah bah toujours. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux. Plus précisément d'une chatte, mais enfin bon après. Ah oui. On s'en fiche du sexe à la limite. Ah mais non, mais ça n'a rien à voir avec le sexe, hein. C'est une chatte sur internet. Enfin sur le Facebook. Enfin je l'ai mise hier. Allez voir si vous voulez. Ce sera plus simple. D'accord. Tu l'as vu ou pas la chatte? Sur ton épaule? Non, pas du. Oui, sur l'épaule, exactement, oui. Oui, je l'ai vu, oui, je parle de l'animal. Voilà, exactement. Oui, je parlais du sexe masculin ah, féminin. Très bien, ah, moi je pensais que tu parlais de cul. Je me dis putain, à 20h, il y va un peu fort, notre ami Miko là. Non, non, on va attendre minuit pour faire pour ça. Oui, bah c'est ça, exactement, exactement. Bon, mais Miko qui va revenir le week-end prochain, hein, dimanche exactement, même, dimanche à partir de 18h. Nouveau classement, etc., etc. Et puis, bah, passe une bonne soirée, un bon dimanche. Ouais, il faut que je collecte des fonds là, je vais acheter un rasoir Apollo. C'est une bonne idée, oui. On va lancer le peloton ce soir. On avait pour le jour, mais ça marchait pas, donc c'est peloton. Exactement. Bon, allez, bonne soirée, Miko. Hein. Bonne émission, salut. Salut, salut, ciao. 20h minuit. Mickaël. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. La Mickaël No Limit. On est ensemble jusqu'à minuit, comme tous les dimanches, et puis du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat, évidemment. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y a Florian qui est déjà avec nous. Tiens, salut Flo. Salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Passé un bon week-end? Oui, ça va. Bon, bah écoute, tant mieux. Alors, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, Flo? Ben, j'aimerais reconquérir mon ex. Ah, oh, très bien. Choupinou. C'est elle qui s'est barrée ou c'est toi qui l'as virée? En fait, c'est un peu des deux. Ah, c'est un peu des deux. Bon, écoute, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes. Si vous voulez passer à l'antenne comme Flo, là, bah, il suffit d'appeler le 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Si vous avez déjà voulu récupérer votre ex, que ce soit garçon ou fille, comment ça s'est passé, si vous avez des conseils à filer à Flo, eh bien, vous êtes les bienvenus. On en parle. Et vous tomberez donc sur Sandro. Passe un bon week-end de ouf. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas du tout dormi. Non, je suis sortie hier. Non. Ouais. Oh, elle s'est mise en mode dance. Oh, elle était là en mode, elle était là avec une barre de pole dance en train de mutrer son cul à tout le monde. Oh, la folie totale. Elle a pécho, hein. Mais t'as pécho ou pas? Non, j'ai pas pécho. Non, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ta gueule. Ah, donc t'as pécho, c'est non. Bon, ça. C'est pécho, bien, parce que moi, tu sais, j'ai lancé ça comme ça. Mais bah, non. Comment il s'appelle, l'heureux élu? Non, j'ai pas pécho. Non, mais comment il s'appelle? T'as le droit. Mais j'ai pas pécho, les gars. Non, mais t'as pécho, mais il s'appelle comment, le gars? Mais j'ai pas pécho. Roger. J'aimerais bien qu'il ait un prénom. Il n'en a pas. Maxime. Non. Quoi, tu te souviens pas de son prénom? Franchement, c'est dégueulasse. Isidore. On était entre filles, on est resté entre filles. Ah, t'as une meuf? Ah oui, d'accord, ok. Alors, Marie. Non. Charlotte. Arrêtez. Oh, Marie-Charlotte. Oui, c'est ça, Marie-Charlotte. Ah, c'est Marie-Charlotte. Oh là là, Marie-Charlotte. Bon, pourquoi pas après tout, hein, Marie-Charlotte, hein, why not? Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas. Bon, dites-nous, donc, si vous avez aussi passé une soirée comme Sandro, soirée de ouf, où vous avez niqué tout le week-end, c'était la folie totale. Et vous, alors, si éventuellement, peut-être, comme toi, vous avez passé un week-end un peu moins bon, puisqu'il a failli décéder aux urgences. Mais oui, c'était horrible. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je comprends pas. Et ben, en fait, j'ai eu une pierre au rein. Une pierre au rein? Oui, donc c'est très douloureux. Ah oui, bah j'imagine bien. Ça fait très, très très mal, puisqu'en fait je pouvais plus marcher. Oh là là. Ah non, non, mais c'est en sus des résultats de mardi, là. Tu nous as dit que t'allais presque non, mourir. Non, c'était jeudi. Ouais, mais jeudi, t'as dit que mardi, tu nous dirais parce que t'allais faire des résultats. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc demain, j'aurai les résultats de. Enfin, demain ou mardi, j'aurai les résultats des prises de sang. Mais par rapport à la pierre au rein ou c'est en sus? Non, non, c'était la même chose en fait. Oh, quelle horreur. Oh là là. Non, c'était parce que en fait, bon, pour toi, je vais te raconter. Mercredi, j'ai pissé du sang. Ah, sympa. Et donc, c'est pour ça que jeudi, je suis allé faire des examens chez le médecin. D'accord. Il m'a dit oui, mais c'est bizarre que vous n'ayez pas mal, parce que normalement, vous devriez avoir mal si vous avez quelque chose au rein, machin. Et donc, c'est arrivé vendredi. Et donc, j'ai passé la journée aux urgences. C'était horrible. Mais là, ça va, hein? T'as pas mal? Bah là, j'ai pas mal parce qu'il m'a donné 4 boîtes d'antidouleurs, donc tout va bien. Ah bon, bah alors très bien. Bah vas-y, Sandro, tape un peu dans les reins pour voir. Là. Non, mais c'est. Non, par contre, en vrai, ça me fait flipper. C'est juste que j'ai peur que ça revienne souvent, quoi. Ouais. Ah bah oui, mais ça après, ça c'est faut baiser moins. Pauvre teuf. Mais ça n'a rien à voir. Bah, tu fais le malin sur des croix dans les caves. Voilà, hop, exactement. Un petit caillou de la cave dans ta bouche. Et bah voilà, c'est fait. Et tu le pisses. Et Polo qui lui a passé un bon week-end au cinéma. Hein. Ouais, c'est voilà, ça. Voilà, il était voir le film le plus long de la Terre, hein, Le Loup de Wall Street. Voilà, bien ou pas Il est bien, mais faut s'accrocher, hein. C'est tellement long. D'accord. Bon, bah, comme ça, au moins vous le savez si vous n'avez pas encore été voir. Il mérite pas de... Tout le cinéma. Ouais, non, ça mérite pas. C'est pas extraordinaire. Très bien. Bon, et puis moi, j'ai croisé une nouvelle chatte ce week-end. Hein. Je l'ai mis sur mon épaule pour aller la voir sur le Facebook. Bon, elle a pas encore de nom parce qu'elle peut pas encore sortir de chez maman. De chez maman chat. Ah, d'accord. Ah. Elle est trop petite. Donc, du coup, allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez là. Est-ce qu'il faut prendre la chatte ou pas? Donc, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis ce soir, on refera aussi les meilleurs appels de Toff, hein, pour lui rendre hommage justement avant son décès. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, gratté, c'est pour ça. Con. Tu peux être gratté, gros con. Voilà, tous ces amis que nous avons rencontrés cette semaine. On refera évidemment le chéri, je peux te faire cocu de lundi qui était juste épique. Et puis surtout, on va se remettre le canular de jeudi qui lui était énormissime. Un des meilleurs qu'on ait fait, je pense. Ouais. Ah, bah oui. Là, je pense qu'on était pas au top, on était au-delà du top. On écoutera aussi le son de Pharrell Williams. Le son de Pharrell Williams avec Happy, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio dans quelques minutes. Il y aura aussi le nouveau son de David Guetta que vous avez découvert la semaine dernière sur Fun Radio avec Shut Me Down. Et puis je vous calerai aussi encore un son découvert sur Fun. Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Et puis on vous passera aussi le son qu'on est les seuls à vous passer d'ailleurs, hein, le son d'Avicii, le nouveau Addicted to You. Et si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, dimanche soir, on est là, on est bien avec vous toutes et vous tous. Et bah hashtag Mickaël sur le Twitter, pareil sur le Facebook de l'émission, vous demandez les titres. Et puis bah si on les a en magasin, bien sûr, on les passera avec grand plaisir. Il y a Ariel qui dit il faut toujours prendre la chatte, c'est Ariel. Hashtag Polo Style. Il y a Isnoki qui dit j'ai passé une soirée ennuyeuse sans vous, vous m'avez manqué. Bon, on est de retour, merci Isnoki. Camélis qui dit coucou l'équipe, c'est parti pour une soirée de ouf. En tout cas, c'est tout ce qu'on on va faire le maximum pour. Hein. En plus de ça, on a des cadeaux de ouf à vous offrir également ce soir. On aura la colle dans quelques minutes avec notre ami Simon. Et dans la colle, vous allez pouvoir repartir avec un écran plat 32 pouces Full HD. Ça, c'est la folie totale. Et alors, sur le Facebook, vous allez pouvoir repartir là dès maintenant. Hein, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez facebook.com/mikaelofficiel avec un MacBook Air. Vous savez, c'est le petit ordinateur de chez Apple, le extra méga overfine. Wow. Avec 12 heures d'autonomie. Enfin, la folie totale. Donc, si vous voulez gagner ça, c'est le tirage au sort avant minuit, comme chaque dimanche. Vous vous rendez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, eh bien je vous offre votre MacBook Air. C'est aussi simple que ça. Et comme tous les soirs, on aura aussi les sextoys, hein, avec passagedudésir.fr. Voilà, ce sera dans le top tweeto. C'est pour participer, bah là vous tweetez en fait tout simplement avec le hashtag Mikaël. Et plus vous envoyez de tweets, plus vous aurez de chances d'être dans le classement, dans le top 5 à la fin de l'émission. Et évidemment, on offrira le sextoy au numéro 4 ce soir. Et donc il faut poster, mais pas trop, parce que sinon vous allez risquer de passer 3ème, 2ème ou 1er, et là vous perdez aussi, donc faut être 4ème. Et on peut annoncer que bientôt un cadeau d'exception, puisque quand Toff l'aura pissé, le caillou sera offert. Ah bien sûr, évidemment. Ah oui, on offrira le caillou. Exactement, c'est tout à fait. C'est une pierre précieuse. Ah bah, oui, une pierre très précieuse. Ouais, alors là, je vous le confirme. 5 mm quand même. Hein. Ah quand même, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, une belle pierre alors. Oui, parce que j'ai droit à un scanner. Hein. Wow. J'ai droit à un scanner, donc j'ai pu découvrir mon corps coupé en tranches. Ah c'est, cool. C'est très original. Bah file l'image, on va mettre sur le Facebook. J'ai le DVD dans la voiture. Ah bah très bien. Parfait. Bon bah facebook.com/mikaelofficiel, venez parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus comme je le disais. On va également prendre Simon là aussi, je le disais. Bonsoir Simon. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien Simon, sois le bienvenu, on va se faire la colle avec toi. Oui. Ah bah vas-y alors, fais péter la colle pour gagner un écran plat 32 pouces Full HD à la cool. Fais péter la colle. Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit, qui suis-je? Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit, qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben vous jouez. Et Mickaël, espace la réponse, vous envoyez ça par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et je vous mets dans deux minutes aussi la question sur le Facebook, la colle, comme ça vous allez pouvoir la lire. facebook.com/mickaëlofficiel pour gagner un écran plat Full HD. Je traverse tout Paris sans sortir de mon lit, qui suis-je? Simon, avant 22h, on donne la bonne réponse. On te récupère plusieurs fois tout au long de l'émission pour que tu puisses éventuellement rappeler la colle aux retardataires, à tous ceux qui débarqueraient seulement maintenant, d'accord? Ok. Bon, allez, reste avec nous, Simon, là, bouge pas de là. Et puis on va récupérer Florian, surtout maintenant, là. Flo, est-ce que t'es de retour? Oui, je suis là. Très bien. Bon, il y a Magda qui a envoyé un message aussi à l'instant sur le Twitter. C'est bon de vous retrouver ce soir. Merci Magda, on est ravis aussi. Et Miss Geno qui dit c'est parti pour écouter Mickaël et se marrer encore toute la soirée. Effectivement, et je rappelle d'ailleurs que le 9 février, nous serons à Noyon en Picardie pour faire l'émission en direct de chez un auditeur. Ce sera Olivier. Enfin, c'est Olivier qui a gagné. La semaine dernière, on a fait le tirage au sort et on fera l'émission en direct de chez lui. Vous allez pouvoir venir, etc., etc. On sera le 7 avec Jean-Pierre Sauzère notamment, le 7 février également, en Picardie. Et là, ce sera à Compiègne. Oui, voilà, on fera le tour de la Picardie. Et on fera plein de conneries ensemble. Il y a un kart qui est prévu. On va aller bouffer aussi, Sandro, la bonne nouvelle. Bien. Et oui, voilà, tout ça est prévu, évidemment. Bon, Florian, alors, toi, tu nous appelais parce que tu voulais récupérer ton ex, c'est ça? Voilà. Et quand je t'ai posé la question de savoir qui avait quitté l'autre, t'as dit, oh, pff, c'est un peu des deux. Oui, c'est un peu des deux. Alors, c'est-à-dire? Ouais... D'accord, mais je pense qu'effectivement... Ouais, non, mais là, cette explication est parfaite. C'était même très clair. Totalement. On s'entendait plus beaucoup, en fait. Bah, c'est surtout à cause de ma famille. D'accord. Pourquoi? Et bah, c'est mes tantes. Parce qu'en fait, voilà, j'explique, moi, j'habite... c'est plusieurs appartements, et puis c'est bloqué sans famille, quoi. Donc, c'est un peu la galère. Je n'ai rien compris, je vois pas le rapport. Tu habites plusieurs appartements bloqués? En famille. En famille, c'est galère. En fait, ah, c'est un code, ouais. On va le déchiffrer. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, en fait, t'es sûr? En fait, on a un bloc de... C'est un bloc, il y a 4 appartements. Et dans les appartements, c'est que la famille. D'accord, ok. Et quel est le problème avec ta meuf? Je comprends pas. Eh ben, en gros, si vous voulez, la famille, elle a foutu la merde, en fait. D'accord, ok. Ah oui, ok. Donc en fait, vous vous êtes quitté, pas parce que vous aimez plus, mais simplement parce que la famille est relou. Voilà, c'est ça. Bon, bah, monsieur, rien, ça. On va arranger ça dans un instant. Bah, reste avec nous. Mais oui, on va leur trouver une nouvelle famille, ne t'inquiète pas. Mais oui. Bon, bah, appelez-nous maintenant, là. 01 42 48 5000. 02 851 4x0. On en parle. Est-ce que vous avez déjà été, enfin, tenté plutôt de récupérer, de reconquérir une ex ou un ex? Vous m'appelez. On en parle dans quelques minutes. On aura, les meilleurs canulars de Toff également qui vont suivre dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, je vous l'avais promis, le son de Pharrell Williams. Pharrell Williams avec Happy, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes. Et puis soyez bienvenus également sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Vous tapez simplement pour venir nous rejoindre MIKL officiel sur Facebook et MIKL underscore officiel sur Twitter. On vous attend à tout de suite. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France sur Fun Radio, évidemment. Ne loupez pas aussi demain à partir de 6h le grand retour de Bruno dans la radio avec les factures à rembourser, la ligne anti-relou. Bref, tout sera là à partir de 6h évidemment. Il y a Paul PC28 qui dit je tweete pas trop car à cause de la tempête, la radio a coupé. Mais je vais la réparer pour écouter Mickaël Nos Limites. Ah bah une bonne nouvelle Paul, le fait de réparer. Hein. Toff peut intervenir. Bien sûr, j'arrive, je saute sur ma mobilette. Et voilà, il va immédiatement immédiatement essayer de réparer l'antenne. Amélia qui dit Toff meurt, j'ai raté quelque chose ou c'est un rêve? Bah, il sait pas encore, mais il a eu un caillot dans. J'ai eu une pierre, j'ai une pierre au rein, voilà, c'est ça. Donc il a eu de mal. 5 mm. Exactement, il a eu mal ce week-end. Ben, on en a parlé, on en reparlera encore évidemment. Bon, je il est 20h13. Ben, j'imagine, il est 20h13 sur Fun Radio. N'oubliez pas qu'il y a le MacBook Air à gagner encore sur le Facebook de l'émission. On tire au sort avant minuit. Facebook.com/MIKL officiel, vous faites un like et un partage sur la photo où je suis avec le MacBook Air et il sera peut-être pour vous. On écoute maintenant le son de Pharrell Williams, c'est Happy sur Fun Radio. Le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio, c'était Happy. Bienvenue si vous venez de débarquer, si vous êtes nouveau, vous n'avez peut-être jamais écouté Fun ou peut-être jamais écouté l'émission, et ben c'est comme ça que ça se passe. C'est Mickaël Nos Limites tous les dimanches de 20h à minuit et tous les jours de la semaine, bien sûr, de 23h à 2h du mat. Retenez bien les horaires et c'est sur Fun Radio que ça se passe, car oui, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio et c'est sur Fun Radio dorénavant, 20h minuit le dimanche, 23h 2h tous les soirs de la semaine. Il y a Yona aussi qui dit petit message pour vous dire que je vous adore, je vous écoute tous les soirs, vous êtes géniaux. Merci Lyonna, gros bisous à toi. Amélia qui dit un caillou dans les reins, je savais qu'il n'était pas doué, mais à ce niveau-là, il faut quand même m'expliquer. Hein. Bah rien, comment ça se forme un caillou? Je sais pas rien moi. A priori, c'est trop de sel, mais. Ah, c'est trop de sel? Ouais, a priori. Ah, d'accord. Mais bon, ben, j'en saurai plus mardi. Ah, parce que Toff a été à l'hosto ce week-end. Ah, Alice, oui, j'ai souffert, j'ai mal. Salut, Mickaël, j'espère que tu vas bien. Je suis à l'écoute tous les dimanches soirs. Je kiffe ton émission. Merci, Alice, et gros bisous. Et passe le message aussi autour de toi, à tes potes, etc. Hein, qu'il se passe enfin un truc à la radio le soir. Et puis, Félix qui dit ce week-end, assez ennuyant sans vous. Et il y a également Vendeur de maïs qui dit enfin, vous êtes là. Est-ce que vous voulez du maïs? Oh, personnellement, non. Mais, ah, si, un petit maïs grillé. Bah écoute, moi je suis pas fan. Mais enfin bon, si c'est offert, on en fera du popcorn. Bah si c'est offert, éventuellement. Retour avec Simon et la colle dans quelques minutes. Et Florian avec nous de retour. Flo, t'es là? Oui, je suis là. Bon, t'as écouté cette semaine l'émission du lundi au jeudi ou pas? Ouais, j'ai écouté. Ah, donc t'as entendu quand Toff a fait ses appels à la con là? Ouais, j'ai bien. Et quand il s'est fait insulter comme là? Merde. Ouais, tu peux être gratté, gros con. Voilà. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Exactement. Bref, tous ces trucs très gentils, comme d'habitude. Voilà, toujours au taquet, bien entendu. On les réécoutera tout à l'heure. Enfin, on écoutera les meilleurs appels de la semaine. Le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques minutes. Et puis le canular de jeudi qui était juste magnifique. Bon, alors, retour avec toi, Florian. Donc, tu nous avais appelé parce que ta copine, enfin, t'es plus avec elle, mais t'aimerais bien la reconquérir. Et donc, apparemment, vous n'êtes pas quitté. C'est un peu un accord entre vous deux, quoi. Bah ouais. C'est ce que tu nous as expliqué juste avant la pub, en tout cas. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, la première chose, comment est-ce qu'elle t'a largué? En fait, on s'est vu et puis on a dit que c'était plus possible parce que ma famille allait la voir pour lui dire que je la trompais. Et ouais. Puis vice versa, en fait, ils venaient me voir en disant. Ils ont pas autre chose à foutre, la famille? Ah bah non, c'est non, mais tu vois, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Est-ce qu'ils ont pas autre chose à faire? C'est leur grande passion de foutre la merde. Oh là là, c'est un truc de dingue quand même. Mais c'est pour pouvoir te dire après, tu vois, je te l'avais dit. Alors que le meilleur plan, quand même, ça reste le coup de François Hollande. Au moins, lui, il s'est pas emmerdé, il a pas dû dire un truc en face, il a pas dû envoyer un texto, il a pas dû téléphoner. Non, il a fait un communiqué de presse. Hop, l'affaire est pliée, il a fait un communiqué de presse et depuis il est célibataire, hein. Valérie est retournée chez sa mère, hein, c'est le cas de le dire. Mais elle a fait du coup. Ben écoute, je sais pas, mais je pense que ouais, c'est fini, ouais. Oh là là, communiqué de presse, hop, terminé, viré comme une merde. Pépère, dites-nous d'ailleurs, hein, comment est-ce que vous vous êtes déjà fait quitter par votre copain ou votre copine? Est-ce que le mec a été, ou la meuf a été honnête, franche, ou alors genre enfume, texto, WhatsApp maintenant aussi, ou alors carrément Facebook? Statut passé de en couple à c'est compliqué, ou alors c'est célibataire nice. Carrément. Donc venez et appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis bien sûr aussi sur le Facebook et le Twitter de l'émission, où on est d'ailleurs de plus en plus nombreux. En même pas 6 mois, nous sommes déjà plus de 336 000 sur le Facebook de l'émission. Merci beaucoup d'avoir fait passer le message autour de vous qu'il se passe un truc à la radio le soir, et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Bon, Flo? Oui. Bon, alors du coup, maintenant que t'as envie d'essayer de la récupérer, là, tu veux faire quoi, en gros? Tu veux qu'on l'appelle? Tu veux quoi? Bah, moi, ça me dérange pas qu'on l'appelle, mais ouais, c'était surtout pour avoir des conseils. D'accord, mais tu veux... Mais oui, mais parce que le truc, c'est que tu nous expliques pas, en fait. Tu nous dis que c'est à cause de la famille, enfin, c'est assez bizarre comme explication. Et puis à côté de ça, tu veux la récupérer, mais on sait pas très bien pourquoi, on sait pas si tu les kiffes encore, si elle te kiffe encore, depuis combien de temps c'est fini, enfin, tu vois. Bah, donc c'est fini depuis fin septembre. D'accord. Ah oui, il est quand même temps de réagir, mec. Parce que ça se trouve, elle a un autre mec depuis, hein. Non, bah pas que je sache. Ah oui, mais pas que tu saches, ça c'est un problème, ça c'est une chose. Mais la vraie vérité, t'as encore des contacts avec elle? Est-ce que tu l'appelles encore de temps en temps? On se parle encore depuis pas très longtemps, en fait, on se parle. D'accord. C'est devenu une fuck friend ou pas? Après, hein? C'est devenu une fuck friend? Non, pas du tout. D'accord, ok, bon, c'est peut-être pour savoir. Tiens, il y a un message aussi qui est arrivé, c'est Orgasmic sur le Twitter. C'est quoi cette famille de bâtards? Si la mienne fait ça, je coupe les ponts. Non, mais c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a un moment, faut quand même qu'ils aient autre chose à foutre, quoi. Chacun son histoire. Ah bah, c'est ce que j'ai fait, hein. Je parle à plus personne après. Ah, tu parles à plus personne, d'accord, ok, très bien. Quasiment. Bah c'est une idée. Ouais, surtout si tout le monde habite dans le même bâtiment, c'est très pratique. Ah ben c'est clair, hein. On sent le truc vachement sympa. La bonne entente, etc. Vraiment bien. Dites-nous, tiens, comment ça s'est terminé avec vos copains, vos copines, là? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, alors Toff, évidemment, on ne raconte pas de nouveau. C'était une fois de plus cette histoire où il s'est fait larguer par sa première meuf. Depuis, c'est devenu un connard. Mais on peut. C'est vrai qu'on pourrait, pour les nouveaux auditeurs, car oui, il y en a à chaque fois, évidemment, balle la virée avec cette musique. Vite, je tombe. Voilà, après. près un an et demi de 8 millions. Mais arrête. Chaque fois, non, mais ça plus le caillot, moi, elle est. Arrête, on se fout. Je vais mourir, les gars. Mais c'est ça, ouais. Bon, et donc, du coup, elle l'a viré comme une merde en lui offrant cet album de Patrick Bruel à l'époque. Et que depuis, je connais par cœur, et c'est ça qui est dur. Voilà, d'ailleurs, il va nous chanter, allez, c'est parti. Fragile. Non. Bah, si. Non, c'est trop dur pour moi, je peux pas. C'est dur de rien. Ça me remue des mauvais souvenirs et tout. Écoute, allez, refrain. Je te mentirais. En plus, j'ai collé ça, je te mentirais, ça il le fait. Hein. Si je te disais au fond des yeux. Non, c'est très dur pour moi. Que tes larmes ont tort de couler. Ah, c'est marrant, ça, c'est un peu la vie de Toff. Mais oui. C'est ce qu'il raconte aux autres. Je te mentirais, blablabla, je vais pas te dire ça, je vais pas te dire ça. Ah, c'est un peu ça, je pense que. Mentirais. Ah, il mentirait, je pense que tout est là-dedans, hein, d'ailleurs. Hein. Le titre lui va tellement bien. Bah, d'ailleurs, bon, c'est ce qu'elle a fait, hein. Elle est partie avec un autre. Hein. Exactement. Et donc, du coup, bah, forcément, Toff est devenu un sale con. Depuis lors, hein. À l'époque, c'était un mec bien. Hein. Bien sûr, gentil, j'ai failli faire ma vie avec elle. Il a failli faire sa vie, il serait daron, il aurait. Ça, je serais pas là, je serais pas là à côté de la merde. Il aurait un monospace, un chien, des gosses. Et il dirait à ses enfants, écoutez pas ça. Écoutez pas cette émission. Pas ce connard de Mickaël. Voilà, c'est ça, l'écoutez pas, il raconte que de la merde, etc. Et au final, bah non quoi. Donc du coup, eh bah appelez-nous si vous avez déjà vécu ça. Polo, déjà fait larguer comme une merde ou pas? Non. Si. Non. Ah si. Mais si non, c'était marqué non. Sur ta tête quand t'as regardé. Non, il y a eu trop d'hésitation pour je que ce soit honnête. Non. Trop d'hésitation pour être honnête. Cindy qui dit bonsoir à tous, ça fait une semaine que je vous écoute et franchement je rigole toute seule, c'est le kiff. Et je viens de liker la photo avec le chat et honnêtement tu es beau gosse. Que du bonheur. Oh merci Cindy, mais c'est surtout pour le chat hein, qu'il faut voir effectivement s'il faut le prendre ou pas. Marine qui dit le canular de jeudi, ma soeur m'a dit qu'il était énorme. Ah bah ouais, franchement il était vraiment énorme pour le coup. Hugo Réo qui dit franchement je suis en admiration devant Toff son sixième sens, il arrive à se mettre les gens à dos en moins de 4 secondes, respect à lui. Merci. Et Miss Genou qui dit plein de soutien Toff, courage, tiens bon. Merci. Ouais, en fait comme d'habitude, je suis sûr qu'il a un peu eu de caillou, il a vendu ça pour c'est juste pour que les meufs disent ah bah le pauvre. Ah bah attends, mais je vais venir. Non. Je suis infirmière, si tu veux, je viens te t'aider, je viens te relaxer. Se masser le membre. C'est horrible, ça fait super mal. Et le plus horrible, c'est donc parce que donc le à l'hôpital, ils te font boire genre 2 litres d'eau et ils t'injectent un espèce de produit pour dilater le cul. Non, l'urètre. Ah pardon. Et donc pendant tout le temps, tu sens le caillot qui descend. Ah, l'horreur. Bon. C'est horrible. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Bon, il y aura Bérénice dans quelques minutes. Bah là, tiens, Bérénice. Oui, bonsoir. Ça va, Bérénice? Oui, et vous? Bah très bien. Pendant ce temps-là, on va prendre le numéro de la copine de Flo, là, pour qu'on l'appelle en direct. Bon, Bérénice. Oui. Alors, t'appelles de Bordeaux, toi? Tu voulais donner un conseil à Flo? Alors déjà, avant toute chose, comment est-ce que tu t'es déjà fait larquer? Mais ça faisait 8 mois que j'étais avec mon copain et sa sœur ne pouvait pas me saquer et donc au bout de 8 mois il a craqué parce qu'elle lui a dit c'est soit tu la quittes, soit je t'interdis de voir ta nièce. Et donc notre relation s'est arrêtée là. Ah ouais, carrément ouais. Ah non mais mais les gens sont quand même barrés, hein. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Mais parce que pour elle, j'étais pas assez intelligente, j'étais pas assez bien pour lui, je le méritais pas. Mais et quand bien même, c'est pas leur business quoi. Oh là là, ça c'est un truc exceptionnel. Bon attends, et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à filer à Florian alors, Bérénice? Mais je lui dis, mais franchement laisse tomber ta famille, enfin pas laisse tomber, mais écoute pas leur avis, écoute pas ce qu'ils disent, et puis vis ta vie, et puis voilà, c'est tes problèmes, c'est pas les leurs. Bah là pour le coup, ils parlent plus à personne, donc de ce côté-là on est plutôt tranquille hein. Ouais, ça lui évite de s'embrouiller. Ah bah ouais, ça lui évite complètement de s'embrouiller. Bon, alors Flo, ce que je propose, c'est qu'on appelle Ludivine maintenant, comme ça tu lui demandes direct, là, en live, et puis on est pépère. Ouais, bah ok. Bon, alors comment elle s'appelle? Ludivine, bah oui, c'est ce que je viens de dire en plus. Bon. Mais non, mais alors on va appeler Ludivine, comment elle s'appelle? Oh, ça va, voilà. Bon, alors attention, on y va, Florian, tu l'appelles ou je l'appelle? Bah, appelle-la. Ah bah oui, bah c'est moi qui fais le boulot, c'est-à-dire que c'est toi qu'après qui va lui mettre une petite cartouche et moi rien. Bon bah très bien. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. J'espère que ça va bien se passer. Attends, Ludivine, hop. Attends, bouge pas Bérénice, hein. Au moins ça sonne, c'est déjà ça. Il y aura la colle avec Simon aussi, on va en reparler, on va faire les appels de Toff. Allô? Allô? Ouais, allô Ludivine? Oui. Salut Ludivine, ça va, je te dérange pas? Non, c'est bon. Bon, très bien. Tu sais qui je suis ou pas? Oui, j'écoute. Ah bah bravo, bah voilà, hop là, l'affaire est pliée. Alors Ludivine, la France, la Belgique, tout le monde attend une réponse. Coupe la radio, oui. Ludivine, et Bérénice aussi d'ailleurs. Alors attention, quelle est la réponse? La réponse, c'est non. Oh, c'est pas bien. Putain, alors que j'avais tout préparé. Tout était là, tout était... était là. J'ai accordé la guitare, moi. Mais oui, mais tout était là. Et puis, voilà. Ça a terminé en pipeau. Bah, mais j'ai pas duré pour faire plaisir. Ah, bah, si. Non, mais t'as raison, Ludivine. T'as raison. Bon, bah, alors, mais non, pourquoi alors? Bah, non, parce que, bah, déjà, il parle pas à sa famille, mais il vit chez sa mère. Ouais, ok. Donc, voilà, déjà, de un, enfin, faudrait peut-être dire la vérité. Et, de deux, c'est pas quelqu'un qui correspond forcément à ce que je veux en ce moment. Et mais tu veux quoi en ce moment? Oui, tu veux quoi? Mais des plans d'asseoir? Me poser avec quelqu'un qui travaille, qui est propre sur lui, qui est... Comment tu ne te laves pas, Florian? Oh, lui, il vit la classe. Ça va rien dire. Le pauvre, le pauvre. Si tu l'aimes, tu t'en fous qu'il soit sale et qu'il travaille enfin pas. Enfin bon, là, pour le coup, ok, mais Flo, ouais, t'es sale. Mais bon, s'il pouvait se couper les ongles des pieds de temps en temps et enlever la crasse qu'il y a dessous. Bon, et grande classe, Ludivine, hein. Ouais. Ah ouais, trop là, pour le coup. Bon, bah écoute, bah Ludivine, au moins c'est fait, hein, Florian. Ouais. Bah tu sais maintenant à quoi t'en tenir. Voilà. Bon, bah voilà, bah au moins maintenant tu peux aller de l'avant, hein, tu peux tourner la page et passer à autre chose. Et faire la paix avec ta famille, du coup, tant qu'à faire, hein, maintenant que t'as plus aucune raison d'être en froid. Voilà. Ouais, tu voilà. Peux parler avec ta famille, je pense. Exactement, c'est mieux, ouais. Bon, bah gros bisous, Ludivine. Gros bisous, au revoir. Salut, Ludivine, Bérénice, merci d'être passé aussi, je te fais plein de bisous. Bisous. Et tu reviens quand tu veux, et puis bah Flo, évidemment, pareil aussi, hein, tu reviens quand tu veux, hein. Pas de soucis. Te mets pas une balle, Flo, hein. Non, bon, ça va. Non, mais je préfère t'entendre rire, parce que là, le... Ouais, pas de soucis, ouais. Je me dis, putain, on va le perdre. Salut, Flo, bon dimanche. Salut, à plus. Allez, à bientôt. On va récupérer Simon avec la colle dans quelques minutes. Et puis vous, en direct, hein, si vous voulez nous appeler, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Je vous l'avais promis, on se le met maintenant, le son de David Guetta, le nouveau. Vous l'avez découvert, c'était la semaine dernière, en exclu sur Fun Radio. Et à 20h30, maintenant, on écoute le son de Shut Me Down. Bienvenue sur Fun, c'est Mickaël No Limit, dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. I was 5 and he was 6. Le nouveau son de David Guetta sur Fun Radio, qui est juste énormissime. C'était Shut Me Down. Restez bien là aussi, puisque je vous cale Lady Gaga dans quelques minutes. Il y aura Do What You Want. Et puis bien sûr aussi le chéri je peux te faire cocu. Eh bah oui, chéri je peux te faire cocu. Vous allez voir du gros et du très très lourd à suivre. Il y a Dédé aussi qui dit j'adore la nana, elle écoute l'émission et a mis un râteau au mec en direct. Bah oui, elle allait pas dire oui c'est bon, ok d'accord, ok on va réessayer pour le virer. Il y a Benoît qui dit prends le chat et donne-moi le Mac, mort de rire, bisous à Fun Radio. Bah merci Benoît pour le message. Ouais bah le chat vous allez le voir, hein, c'est un petit chaton, enfin une chatte plutôt, sur le Facebook de l'émission, allez la voir et puis donnez-moi votre avis surtout. Et puis on a aussi évidemment le MacBook Air à gagner, ça c'est avant minuit. Pour gagner c'est facile, il suffit d'aller faire un like et un partage sur la photo où je suis avec la boîte du MacBook Air. Vous faites un like et un partage et si avant minuit eh bien vous êtes tiré au sort, vous gagnez tout simplement le MacBook Air. C'est gratos et je vous souhaite évidemment bonne chance. Dimitri qui dit franchement vous êtes trop énorme, on fait que de rigoler en vous écoutant, bah c'est gentil. Et puis Amélia qui dit si toi veux je peux l'aider avec plaisir mais pour l'achever, comme ça tout le monde est content. Ah non, c'est merci. Mal, ça. C'est gentil. Ça c'est une idée. Marine pour finir qui dit bah malade depuis jeudi, donc mon week-end de merde. Et toi? Bah écoute, moi ça a été Marine, hein, tranquillement. Et vendeur de maïs qui dit à cause de Toff, j'ai vomi tellement il est moche. Ah oui, alors faites attention si vous n'avez pas encore vu la tête de Toff et que vous allez sur le Facebook pour la première fois. Ça peut faire mal. Ça, oui, ça peut, ouais. ça peut faire mal, effectivement. Donc faites attention quand même. Allez-y, mais méfiez-vous par palier, malgré par tout. Palier. Ouais, voilà, c'est ça. Méfiez-vous malgré tout. Vous mettez une feuille et vous la remontez petit à petit. Voilà. La colle avec Simon dans quelques minutes. Et puis souvenez-vous, pour ceux qui étaient à l'écoute toute la semaine de 23h à 2h du lundi au jeudi, eh ben on est là aussi. Hein, du lundi au jeudi, on fait les appels avec Toff. Et puis pour ceux qui n'êtes pas à l'écoute la semaine parce que c'est trop tard, eh ben tous les dimanches soirs, on vous met les meilleurs appels. Et là, c'était qu'est-ce qui était mieux, faire l'amour ou attends, faire l'amour ou les soldes, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que, a priori, les femmes célibataires préfèrent faire l'amour plutôt que les soldes, alors que les femmes qui sont déjà en couple préfèrent faire les soldes plutôt que l'amour. Voilà, assez particulier. Il y a une certaine logique. Voilà, c'était un sondage sur lequel on était tombé. Vous le savez, pour ceux qui écoutent souvent, bah, nous on aime bien vérifier les sondages et on appelle chez les gens des numéros que vous nous envoyez, hein, sur le mail de Toff. Vous pouvez le faire dès maintenant d'ailleurs. Hein, toph@funradio.fr. Faire l'amour ou faire les soldes, qu'est-ce que vous préférez par rapport à un sondage? On y va, c'est parti, on appelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préférez faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Bah, c'est qui là? Moi, je m'appelle Toff. Ouais, bah, t'as eu mon numéro à qui? Bah, j'ai eu ton numéro à l'annuaire. Ouais, bah évite de faire des blagues à qui tu veux, mais voilà quoi. Oui, d'accord, mais parce que là, vous n'avez pas répondu à la question. Non, mais tes questions débiles, tu les mets où je pense, hein, parce que j'en ai rien à foutre de tes questions. Je te connais pas, tu m'appelles pas, point barre. D'accord, mais parce que là, moi, je vous appelle juste parce que je voulais une réponse. Non, mais je t'emmerde déjà, si t'as quelque chose à faire, déjà, appelle pas en secret, appelle avec ton numéro. Oui, mais je peux pas, c'est bloqué dans le téléphone. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, ciao. Bah attendez, vous avez pas répondu à ma question. Allô ? Oui, bah au moins, elle a dit ciao. Oui, c'est vrai. Plutôt poli. Donc, on l'avait rappelé. Vite fait, hein. Ouais, mais bon, ça va. On l'avait rappelé. Allez, on y retourne. 20h35. Allô ? Oui, excusez-moi, mais faut pas le prendre comme ça, madame. Non, mais attendez, vous êtes qui à m'appeler ? Bah, moi, je suis Toff, madame. Toff, mais je connais pas Toff. Hein. Non, on se connaît pas. Moi, je vous appelais juste pour vous poser une question. Mais je vous emmerde. Enfin, madame, faut pas le prendre comme ça. Ouais, c'est ça, mais vous avez que ça à faire de vos soirées. À mon avis, vous devez vraiment vous ennuyer pour faire ça. Mais pas du tout, madame. Enfin, pourquoi vous dites ça ? Bon, vous allez fermer votre gueule parce que... Et là, elle s'est raccrochée au nez elle-même. Ouais. Alors évidemment, faut la rappeler. Bah, on n'a pas le choix. Parce qu'elle a certainement dû faire une mauvaise manipulation. Elle a poussé sur un bouton par mégarde. Et elle a raté. Voilà, du coup, on n'a pas eu sa réponse. Donc, hop, on était de retour chez madame. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est, ça ? Oui, d'accord, vous me téléphonez à moi, c'est bien. Alors, moi, je vais vous dire un truc, moi. Oui. Pourquoi vous vous permettez de téléphoner à ma fille, là, hein ? Hein, bah, qu'est-ce que c'est ce bordel là ? Bah en fait, hein, je voulais savoir si elle préférait faire l'amour ou les soldes, monsieur. Alors moi, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Tu viens, je te brûle tout de suite, moi. Moi, tu viens ici, je te découpe en quatre, moi. Je te brûle, je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Enfin, monsieur, faut pas s'énerver comme ça. Ouais, bah écoute, moi tu viens, je te mets de la fine dans ton cul et je te coupe en quatre, moi. Tu sais ce que je fais, moi ? Je te fusille, je te mets 10 balles dans ta gueule. T'as compris ? 10 balles dans ta gueule. C'est un peu violent, alors, quand... C'est un peu violent, hein, quand même, moi, tout ça. Moi, je te nique, ouais, ta mère, je te nique ta famille, moi. Hein ? Mais monsieur, un petit peu de calme, quand même. Ouais, c'est... bah tu viens ici, tu vas voir comment je me calmer, moi. Ouais. Il suffirait tout simplement que tu sois devant moi et puis que tu viens emmerder ma fille. Moi, je te jure que je te claque ta tête, je la défonce contre le mur, moi. D'accord, mais... Hein, ta gueule, je te laisse pas parler deux minutes parce que tu vas venir. Moi, c'est ce que je te fais, je te défonce ta gueule. Je te jure, je t'envoie au CHR. Ils vont mettre 10 heures dans le bloc opératoire pour te remettre sur pied, là. Alors moi, je dis un truc. Tu téléphones à ma fille, encore une fois. Je te le jure. Hein, sur ma vie, je te nique ta mère. T'as compris ? Téléphone-lui encore une fois. Ça le rate. Ah, il était un petit peu énervé, je crois. Ah, il était un peu énervé, effectivement. Je comprends pas pourquoi. Bah non, moi non plus. Que... Je l'appelais gentiment. Bah c'est oui. Amitié. Dans l'absolu, c'était quand même un appel cordial. Mais oui. Une communication très cordiale, justement. Je n'ai pas été vulgaire, pas été vrai. Méchant. Le monsieur était peut-être un petit peu énervé quand même. Hein, mais oui. Un tout petit peu, quoi. Je mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, oui, on l'écoutera aussi, celui-là. Bon, il y a Secret Key qui dit oui, le coup de l'acide, c'était épique. Il y a Gilbert aussi. Émission de dingue, continuez comme ça et vive le Portugal, évidemment. Black Dragon qui dit salut Mickaël, content de te retrouver pour ce dimanche soir, de quoi remonter le moral. Bis à toute l'équipe, bah merci pour tous vos messages que vous envoyez au fur et à mesure sur le facebook.com/mickaël officiel. Ajoutez-moi également, hein, si vous m'ajoutez, eh bien si vous me faites un petit follow, je vous ferai un petit follow également sur le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël et puis underscore, c'est le petit tir en bas, officiel, Mickaël underscore officiel. Moi je follow les filles, toi follow les garçons. Avec plaisir. Voilà, exactement. Donc continuez comme ça, ajoutez-moi et puis on se suivra comme ça mutuellement. On fera d'autres appels encore tout à l'heure et puis on va se refaire un coup la colle avec Simon maintenant là. Simon ? Ouais. Ouais. Allez hop, c'est parti Simon pour la colle et gagner l'écran plat ce soir. Fais péter la colle. Je traverse Paris sans jamais sortir de mon lit. Qui suis-je ? Voilà, je traverse Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. La colle y est écrite, hein, si jamais vous voulez la lire. Parfois, il y en a, c'est peut-être plus facile simplement en la lisant. Vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook et on donne la réponse avant 22h. Je traverse tout. Mais Paris sans sortir. C'est pour moi. De quoi, Simon ? Faut pas qu'il joue, j'aimerais gagner. Ah bah j'imagine, on verra Simon, hein. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à 22h, si ça décroche, si la personne qui a tiré au sort décroche et donne la bonne réponse, elle gagne. Sinon, l'écran est pour toi Simon. A tout à l'heure Simon. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon, il y a Jean-Philippe avec nous maintenant de Bourges. Salut Jean-Philippe. Oui, salut, ça va? Oui, mais ça ira encore mieux quand t'auras le téléphone en main et pas le kit main libre, Jean-Philippe. Pardon? Oui, parce que là, on t'entend super mal. On a l'impression que t'es à l'autre bout d'une pièce. Là, ça va mieux, je pense. Ah, bah là, ça va beaucoup mieux, là, Jean-Philippe, effectivement. Oui, oui. Bon, ben, sois le bienvenu, Jean-Philippe. Alors, t'appelles de Bourges, toi, et tu nous appelles pourquoi, Jean-Phi? Parce que ma copine m'a mis dehors, tu vois, et puis on a acheté une maison, une voiture ensemble, on veut travailler ensemble, donc j'aurais aimé savoir... C'était fini ou si. Ah, bah oui, là, je peux te dire sans être voyant que ça a plutôt l'air mal barré, oui. Moi, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi, je pense qu'il y a une grande histoire d'amour qui est en train de se faire et qui est concrétisée entre les deux. Mais avec une autre. Avec un autre, éventuellement. Merde, c'est ça, ouais. Non, mais il s'est passé quoi? Donc, c'est-à-dire, vous avez acheté une caisse et puis elle t'a viré? Bah, non, avant, je me suis pas trop occupé d'elle et puis je l'ai un peu emprisonné, on va dire. Tu l'as trompé ou pas? Non, jamais. Jamais, bon, c'est déjà ça de prix. Et c'est elle qui s'est barrée? Non, c'est sa maison, donc c'est elle qui m'a mis dehors. Ah, d'accord, ok, donc en fait, t'habitais chez elle, mais vous aviez acheté une voiture ensemble. Voilà. Et la voiture, elle est où? Non, moi, je dois aller la chercher dans la semaine. Ah, vous l'avez pas encore? Non, je l'ai payée, mais je dois aller la chercher dans la semaine. D'accord, ok, bah oui, là, ça paraît un peu compromis, hein, mais il faudrait lui demander pourquoi c'est terminé, parce que tu dis, je l'ai un peu emprisonné, ok, mais c'est-à-dire? Je l'ai pas laissé faire ce qu'elle voulait, je l'ai suivi un peu partout. Ah oui, t'étais chiant en fait, c'est ça? Un peu chiant. Ah oui, voilà. Un peu, c'est-à-dire que attends, la meuf, tu la suivais partout? Ah non, j'allais avec elle, celle qui me disait de venir, mais après elle m'a reproché de tout le temps vouloir venir avec elle. D'accord, donc ça veut dire que. Énorme. Donc ça veut dire que si je ne fais attention qu'à ta version, puisqu'on a que la tienne, c'est-à-dire qu'elle te demandait de venir avec elle à certains endroits et après elle te reprochait de l'avoir suivi. Voilà. D'accord, ok. Non, mais alors, ça est normal. Alors, c'est ce que Jean-Philippe a compris, hein, voilà, évidemment. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'en n'ayant que sa version. Voilà, après, c'est peut-être moi qui ai mal compris aussi. Il y a de fortes chances. Encore que, c'est vrai qu'avec les filles, le problème, c'est qu'elles vont te dire oui, en fait, c'est non. Mais si jamais tu dis, on va pas me la faire à l'envers, hein, moi. Si... Je sais que les filles, quand c'est oui, ça veut dire non. Non. Si jamais elle te dit oui et que tu dis, bah, ça veut dire non, donc tu ne fais pas. Mais non. Enfin, si je te dis oui, c'est que c'est oui. Bah oui, mais en fait, normalement, ça veut dire non. Oui, mais pas là. Voilà. Elle lui a peut-être proposé de venir 2-3 fois au magasin pour porter les sacs. Sauf que lui, il a compris qu'il fallait tout le temps qu'il soit derrière son cul, peut-être. Non, mais attends, non, on va voir. Je pense pas, non. Mais elle a un numéro de téléphone, hein, cette meuf, Jean-Phi? Oui. Comment elle s'appelle? Marie. Bon, on va essayer de l'appeler dans quelques minutes, Jean-Philippe. Comme ça, on va vérifier si c'est vraiment fini, quoi. Bah, exactement, on va faire ça dans quelques minutes. Ça n'a pas l'air très clair. Bah, complètement, tiens. Bon, bah, Jean-Philippe, reste avec nous. On va revenir avec toi et avec vous toutes et vous tous en direct dans quelques minutes sur Fun Radio. Avec Gaël qui a envoyé un message aussi sur le Facebook. Là, bonsoir toute l'équipe, vous êtes au top. Et bonsoir à tous les Picards. Et bah, bonsoir à tous les Picards. Je rappelle que dans 15 jours, on sera chez vous, hein. Ce sera le 7 février. On sera au El Patio. On va pouvoir, se marrer aussi, puisque évidemment, on va faire la soirée au El Patio le soir. La journée, il y a karting. Oui, il y a karting et il y a aussi le restaurant. Non, oui, aussi, mais il y a aussi le truc avec les flingues là, mais pas avec les boules, avec les lasers, un laser game, c'était difficile à dire. Le laser game, on va pouvoir faire ça tous ensemble. Le but, évidemment, au karting, d'écraser Toff, et au laser game, on sera tous contre lui. Enfin, on verra si je peux m'asseoir déjà à ce moment-là. Mais oui, dans 15 jours, bien sûr. Et puis le dimanche, pas prochain, mais dans 15 jours, eh bien, on fera l'émission en direct de chez Olivier à Noyon. C'est un auditeur, un prof de maths qui a gagné la possibilité qu'on vienne faire l'émission chez lui. Il y aura ses élèves. Et puis, si vous voulez passer, on s'arrangera pour que vous puissiez venir également, évidemment. Il n'y a pas de problème. Et Orgagasmi qui dit, j'aimerais bien que mon mec fasse ça avec certaines filles, toujours à se plaindre d'ailleurs. Bon, allez, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y aura, je vous l'avais promis, le son d'Eddie Gaga. Do what you want. Et le chéri, je peux te faire cocu juste après ça. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No limit. 20h minuit. Fun. C'est Mickaël No limit. Mickaël. On Fun Radio. Et on est toujours en direct dans toute la France sur Fun Radio avec, ça y est, il y a la photo de l'intérieur de Toff. Alors déjà l'extérieur c'est dur à voir, mais vous pouvez aller voir l'intérieur sur le Facebook et le Twitter si vous voulez, hein, taper Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Photo évidemment qui viennent d'une radio d'hôpital. Hein. C'est un scanner. C'est un scanner, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel et puis si vous allez sur le Facebook également, eh bien vous pourrez peut-être repartir aussi avec votre MacBook Air, ça vaut quand même plus de 1000 euros. C'est le nouveau tout fin de chez Apple qui tient 12 heures. C'est de la folie totale. Il est aussi fin que tu peux le mettre dans une enveloppe. Voilà, donc si vous voulez, si vous voulez aller le voir et surtout le choper, eh bien facebook.com/mikaelofficiel, vous faites un like et un partage sur la photo où je suis avec la boîte du MacBook Air, et avant minuit on fait le tirage au sort ensemble. Donc je vous souhaite évidemment bonne chance, et puis prévenez vos potes également, on sait jamais. facebook.com/mikaelofficiel, j'attends tout ça avec impatience et tous vos messages, et puis on écoutera aussi dans moins de 10 minutes le son de Lady Gaga sur Fun Radio. Voilà, le son Lady Gaga avec Do What You Want, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio comme promis. Il y a Marion aussi qui dit j'ai fait un tatouage hier, tombé dans les pommes en rentrant, mais heureuse du résultat. Ça fait plaisir de t'écouter. Eh ben écoute, ça fait surtout plaisir que tu sois plus dans les pommes, Marion. C'est surtout ça en fait qui nous rassure. Retour avec Jean-Philippe qui va appeler sa meuf dans un instant. Il y a Simon avec sa colle également, et Elliot qui dit salut toute l'équipe. Je pourrais avoir un message de bienvenue assez violent, s'il te plaît, merci beaucoup. Oui Elliot, tout est possible Elliot. Je suis là qui est pas mal dans le style. Toi fils de pute d'enculé de ta grand-mère. Il était pas mal. C'est un oui, vieux mais il était pas mal. Et Mélissa qui dit vous êtes géniaux, continuez comme ça, Fun Radio au top. Et Christopher qui dit elle déboîte ton émission Mickaël, t'es une tuerie. Bisous à toi et à tout Fun. C'est Christopher de Caen. Merci Christopher. Gros bisous à toi. Gros bisous à vous également pour tous ceux qui débarquent là peut-être pour la première fois ce soir. Eh bien si vous débarquez pour la première fois ce soir, sachez qu'il y a un des moments très très forts dans l'émission, c'est le chéri je peux te faire cocu. Le principe est simple, on vous offre des cadeaux si vous arrivez à rendre dingue votre copain ou votre copine. Le but, on l'appelle. Là on va jouer avec Kelly par exemple. Donc Kelly, on va appeler son mec, on va lui faire, elle va lui faire croire qu'elle a rencontré un autre mec mais avec qui il ne s'est rien passé. En revanche, bah moi, Michel donc va lui proposer de coucher avec elle juste un soir. Et donc Kelly, comme c'est une meuf cool, bah, elle va dire qu'elle est d'accord, mais uniquement si son copain est d'accord également. Donc du coup on appelle son copain pour lui poser la question. Le chéri je peux te faire cocu, comme je le disais, c'est avec Kelly qui est avec nous là. Bonsoir Kelly. Oui, allô. Bonjour Kelly, comment ça va? Ça va, merci. Bon, bienvenue Kelly. Alors, on va donc faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Ouais. Voilà, pour ce faire, nous allons appeler ton mec. T'as vécu depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 4 ans. Ah ouais, quand même? Ouais, on a une petite fille et tout, donc... Oh, ce choupinou. Et tu as, rappelle-moi ton âge? Moi, j'ai 18 ans. Très bien. Alors, le principe est donc... bon, on va appeler ton mec. Maintenant, comment il s'appelle? Cédric, il a quel âge? Ouais. Il a 21 ans. 21 ans, très bien. Il est plutôt du style jaloux? Ouais. Possessif même. Parfait, c'est encore mieux. Est-ce qu'il a un petit complexe, de ce genre, un petit défaut physique? Il est un peu gros, il perd ses cheveux, oreilles décollées. Mis à part, ouais, ses cheveux, parce qu'il rase ses cheveux tout le temps. Mis à part ça, je vois pas grand chose, non. Ouais, mais il les rase parce qu'il aime bien ça, ou il les rase parce qu'il les perd, alors du coup, il préfère les raser? Non, parce qu'il a un peu, il a un don vénitien, en fait. Il est roux? Parfait. Non, hein, non, les blonds vénitiens, ce sont les roux qui ne s'assument pas. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est juste pour pas dire je suis roux. C'est quoi le truc qui gueule derrière là? C'est notre enfant. Ah merde, pardon, je pensais que c'était le chien. Je me dis putain le. Bon. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est un petit jouet. Très bien. Comment s'appelle le petit ou la petite? Eleona. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on est quand même chez moi, que t'es venue avec la petite. Elle a quel âge la petite? 18 mois. Alors, où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Au salon de coiffure où j'ai travaillé pendant les vacances. Mais c'était quand les vacances là pendant décembre? De Noël. Ah bah, c'est Noël. Parfait, très bien. Bon, eh ben écoute, on va y aller, c'est parti. C'est tout ce que je dois savoir, hein. C'est bon. Et bon, on va jouer pour une Nintendo Wii U avec le jeu Mario. On l'appelle maintenant Kelly, c'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, go. Allô? Ouais, allô, ça va chérie? Bah ouais, toi? Ouais, ça va aller en fait, voilà, je voulais un petit peu te parler parce que bon, il y a quelque chose qui me turlupine un petit peu. Turlupine. En fait, très joli. Bah, tu te rappelles, j'ai travaillé pendant les vacances. Bah ouais. Ouais, et en fait, il y avait un type là que j'ai coiffé quand je travaillais. Et on s'est échangé le numéro de téléphone. Un type que t'as coiffé, toujours? Ouais. Tu coiffes des types? Ouais. On s'est échangé les numéros de téléphone et en fait le souci c'est que il m'a recontacté, vu que t'es chez tes amis, il m'a recontacté ici en m'envoyant un SMS. Et on a pris contact et tout. Et ici il est venu chercher en fait, donc je suis chez lui. Et j'ai pris la petite avec et tout, bon c'est vrai avec elle. Mais par contre, je voulais te demander si ça te dérangerait que je couche avec lui juste un soir? Qu'est-ce que tu n'as pour... Hey, franchement, toi, t'es pris à la main, c'est qu'est-ce que tu me fais, là, sérieux? Bah, qu'est-ce qu'il dit? Mais ça va, c'est qu'une fois, De quoi? Hey, t'es avec quelqu'un, là, sérieux? C'est quoi ton problème, sérieux? Mais ouais, je suis Qu'est-ce qu'il dit, Kelly? De quoi? Allez, salut, tu... Attends, c'est pas grave, attends. On va... Non, mais t'es sérieux, t'as vu quelqu'un, là? Mais ouais, ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'il dit? Ta gueule, gros bâtard, écoute. Dis-lui... Qu'est-ce qu'il dit? Attends, non, dis, écoute, j'arrive, je vais appeler Jean-Pétor, il arrive. Mais je suis pas là maintenant, je vais accrocher. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ouais, mais attends, t'inquiète pas, j'arrive tout de suite, et on va rigoler ensemble. Attends, mais passe-toi, sinon, moi, je vais faire... Attends, ouais, attends, mais écoute-le, écoute-le parler deux minutes. Allô? C'est qui, là? C'est Michel. Eh, Michel, essaie de couper ta tête, hein, toi, t'es un grand malade, hein, mon vieux. Comment ça, je comprends pas? Ouais, tu comprends pas, mon vieux. De toute façon, où vous soyez, je vais venir, je vais... Mais on est chez moi, là. Oh, mais t'inquiète pas, t'es où, là, t'habites où? Bah, chez moi. Si t'as des couilles, mon vieux, le tire tout gamin, espèce de gros fils de pute. Non, mais attends, mais je comprends pas, mais alors, je comprends pas pourquoi ton énervement. Ah, écoutez, toi, tu sais même pas, mais t'es un malade, hein, mon vieux. Toi, tu comprends pas que je vais te couper ta tête, hein, mon vieux. Mais je comprends pas pourquoi ton énervement, genre, on a rien fait de mal. Ah, mais je rigole, mais t'es un gros, vous êtes des fous, mais. Mais on a rien fait de mal, pourquoi tu t'énerves? Mais ferme ta gueule, hein, mon vieux, je vais te couper, putain, mais t'es un malade. Eh, vous êtes où? Donne-moi ta putain d'adresse, si t'es pas un couillon. Non, mais on est chez moi, là, on est chez moi, là, pour l'instant, là. C'est parce qu'en fait, elle m'a coupé les cheveux. Alors, du coup, bon, tu sais, pendant les 20 minutes où elle coupe les cheveux, bah, du coup, on a discuté, quoi. Allez, et puis après, bah, comme elle me plaisait, elle était un peu jeune, tout ça, bon, moi, je lui ai proposé de la revoir, elle a dit oui, on s'est revu, donc du coup, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, on peut coucher ensemble un seul soir. Alors, elle m'a dit, bah, il faut que je demande à mon mec, alors, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude, on demande pas, donc, c'est pour ça. Vous êtes avec ma fille, là? Ah oui, enfin, elle est dans la pièce à côté, hein, oh là là. Ah ouais, mais vous êtes... Attends, toi, t'es un suicidaire, mon petit, tu ne rends pas cool. Mais elle est très mignonne, cela dit, hein, c'est du beau travail, hein. Ouais, c'est ça, ouais, mais tu vas mourir. Et puis, elle pleure pas, elle est très gentille, très sage, hein. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, elle a l'air beaucoup plus calme que vous, si je puis me permettre. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr d'être le père? Parce que je sens qu'il y a une ressemblance qui n'est pas là. Non, mais en termes de nervosité, je veux dire, en termes de nervosité. Non, mais sérieusement, vous êtes où, là? Vous êtes... Bah, on est chez moi, là. On est chez moi. Attends une seconde. Kelly! Oui? Tu peux me chercher à boire dans le frigo? Oui, tu veux quoi? Bah, tu prends un coca. Mais tu mets des glaçons, hein, pas comme tout à l'heure, hein. Ouais, ça va. Bah, dépêche-toi, là. Qu'est-ce que... Je vais pas te montrer le chemin, c'est l'autre bout, là. Ouais, t'as des couilles, toi. Ah, bah, oui, elle va le voir, hein, t'inquiète pas. Ouais, tu vas mourir, en fait, tu rends pas... Comment ça, je comprends pas? Ouais, bah, non, tu vas pas, t'inquiète pas. Non, mais je comprends pas quel est le problème. Dis, non, mais je comprends pas le... Je dis à tout à l'heure. Dis-moi, juste un truc. Cédric. Cédric. Cédric. Passe-moi ma femme, gros fils de pute. Attends, elle est aux toilettes. Mais dis-moi. Non, mais j'avais un truc. Dis-lui juste. Non, mais attends une seconde. Attends, parce qu'elle est aux toilettes. Je vais pas la déranger. Je suis un gentleman. Mais j'avais un truc à te demander, justement. Tiens, comme je vois que le courant passe bien entre nous et qu'on peut peut-être devenir potes, est-ce que... Parce que je voudrais pas la décevoir le premier soir, enfin le seul et unique. Est-ce que il y a des trucs qu'elle aime pas sexuellement? Tu vois, j'ai pas envie de lui demander un truc qu'elle aime pas. Comme j'ai droit qu'à un seul coup, j'ai pas envie de le rater, tu vois. Dis-lui juste quand elle est là à côté de toi. Attends, dis-lui juste. Quand elle est là à côté de moi. Attends, t'appelles qui? T'inquiète pas, j'arrive dans 15 minutes. Mais tu sais pas où j'habite? Ouais, mais t'inquiète pas. Attends, parce que répète. Non, mais répète, parce que j'ai raté la moitié de la phrase. Donc il a dit qu'il... Dis-lui, de toute façon, moi j'arrive à la maison, même si vous n'êtes pas là. Il arrive à la maison, même si on n'est pas là. T'inquiète pas. Et qu'il est d'accord, donc on peut rester toute la nuit tant que je te ramène. Hey, tu rigoles, toi? Ouais, c'est moi, mais c'était pour voir si c'était ok ou pas pour... Attends. Attends, ouais, mais t'inquiète pas, il y a Toff, il est là, je m'entends que toi avec lui, je suis là dans 10 minutes. Oh, le bouffon de Toff, ouais. T'inquiète. Même si t'es pas de toute façon à la maison, je rentre, il y a tout, t'inquiète pas, tu vas voir le cardage. Hé, c'est qui, Toff? Ouais, mais t'inquiète, c'est qui, tu vas voir c'est qui tout de suite, t'inquiète. C'est qui, Toff? Parce que moi, j'ai pas envie de faire un plan à plusieurs si c'est plusieurs mecs, hein. Avec plusieurs filles, je veux bien, mais pas avec des mecs. Quand sûrement une des dernières personnes que tu verras, t'inquiète pas. J'ai eu une enfant avec toi, mais t'as voulu tout gâcher. Oh, qu'il est bête! Et il va aller où? Hein, il sait pas où on habite. Ah, qu'il est bête! Ah, mais franchement. Ah merde, il est parti! Ah, il est chaud, ah, lui. Putain, hein. Attends, on va le rappeler. Par contre, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire, hein, je veux pas de problème. Pourquoi qu'il a dit? Bah, il a dit qu'il allait chercher Toff. Je vais chercher Toff, ouais, il a dit. Ouais, ah, c'est son pote, c'est Christophe, et il a dit, c'est ouf. Attends, on le rappelle. Je lui parle, Il est partout, cet enculé de Toff. Ouais. Grave. Oh, allô? Cédric? Ouais. Dis donc, ça se fait pas de manquer de respect comme ça, hein. Oh, il va falloir que je me fâche là, tu veux que je relève mes manches là et que je t'en mette une patate là pour voir comment on fait pour parler aux femmes de nos jours. Oh, hein, mal poli. Bon, écoute, je vais te dire un truc. Ouais, toi, t'inquiète pas. Parce que tu m'as l'air fort sympathique. Hein? Je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Ouais, tout à fait. Mais avant, mais avant toute chose. Je souhaiterais que tu viens, mais tu mettais un grand malade. Je m'appelle Michel, mais avant toute chose, je souhaiterais que j'exige que tu t'excuses. Je m'excuse devant toi qu'on sera. T'inquiète pas. Mais non, mais on va pas se voir. On va pas se voir. On va t'excuser. On va pas se voir. Mais oui. Mais non, on va pas se voir. Donc, je vais te donner une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qui va te soulager. Plus que te soulager même. C'est quoi, c'est vous. Regarde, mais je vais te donner une bonne nouvelle. Tu veux une bonne nouvelle? Allô. Voilà. Ah bah ça va mieux là. Et quoi, t'as crédit gratuit ou mon vieux, t'es un grand. Ah moi j'ai le forfait illimité moi. Ah ouais, bah plus pour longtemps, t'inquiète. C'est ah bon direct. Pourquoi tu vas couper l'abonnement? C'est ça, ouais. Bon, c'est alors ça. Tu t'excuses ou pas? Ouais, c'est ça. Aïe. Dis-moi, Cédric. Ouais. Il paraît que t'es petit. T'es un peu gros là, non? Il paraît, non? Un petit peu. T'as pas des petits problèmes de ventre? Ouais, c'est ça, ouais. Il paraît, hein. C'est ce que j'ai vu sur Twitter. Qu'est-ce que ça apporte? Mais non, mais c'est parce que justement, je voulais donner des conseils. Comme le feeling passe bien et qu'on a l'air d'être potes, moi, je voulais te donner des conseils pour perdre un petit peu la bouée, quoi. Ouais. Bon. Voilà, tout de suite. Bon, mais tu vas aller où? Ouais, non, mais je veux pas parler avec vous plus longtemps, j'arrive. Tu veux que je te la repasse? Ouais. Tu veux que je te la repasse? Vas-y, repasse, vas-y. Bon. Kelly? Oui. Bon, allez, dis-lui, parce que là, il va aller faire le tour de l'Essine. Là, il va tourner. Il sait pas où il va aller, mais il va tourner. Et à force, il va arriver à tourner. Eh bah, exactement, oui. Voilà, c'est ça. Bon, ben, bah, mon cœur, en cette fois-là, t'es piégé sur l'émission Chérie, je t'ai dans le cocu. Chérie, je t'ai dans le cocu. Eh oui, je t'ai bien en faux dans le cocu, tu vois. Bon, Cédric, le truc. Cédric, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. C'est le Chérie, je peux te faire cocu. Oh. Et tout de suite insultes, c'est dingue. C'est la folie quand même. Bah oui, chérie, j'étais dans le cocu, c'est un nouveau nom, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup ce nouveau nom. Oh putain. Oh bah merde, pour une fois il est pour rien lui, c'est ça, il a plus le réseau. Il a vraiment un téléphone de merde. Ouais, attends. Vraiment. Oh putain, du coup on peut tout refaire. Avec un pote boy, il a pas entendu le nom, le chérie, j'étais dans le cocu. Mais d'où, d'où ça sort le chérie, j'étais dans le cocu? Oh merde, c'est le répondeur ça. Non. Bienvenue sur VoiceMail. Ah si, c'est le répondeur. Ah écoute, nous on a fait le boulot, Kelly, on a tout annoncé, après tu te démerdes. Hein. Ouais, tu lui diras. Ouais, ça va, y'a pas de soucis. Attends. Ah, ce serait con si on n'arrive pas à le joindre, t'as perdu le cadeau quoi. Ah, ça c'est vraiment ballot. Chérie, perdre aussi près du but. Ouais, j'étais dans le cocu. Ah. Bienvenue. Ah merde. Oh putain. Ou alors il a plus de batterie, hein, ça c'est possible aussi. Alors ouais, attends. C'est bon, c'est pas du tout comme il était pas avec moi. Bon, dans le pire des cas, on lui laisse un message sur le répondeur. Hein, tant pis, au moins il entendra que tu te fous pas de sa gueule. Ouais, attends. Je vais faire suicider moi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oh, allô. Quoi? Mais t'as entendu jusque où? De quoi? T'as entendu jusque où? Entendu quoi? Avec de quoi tu me parles, mon vieux? Ah, tu t'as pas entendu? Ah non, il a rien entendu. Ah parce que j'étais en train de me la faire d'une violence. Oh là là, c'était énorme. Bon, par contre, comme je suis un peu précoce, c'est déjà fini, donc tu peux venir la chercher. Hein. J'arrive, t'inquiète, j'arrive. Très bien, bon. Ah, c'est bien, c'est l'impression que c'est un jour sans fin. Bon, Cédric. Ouais. Bon, c'est. Tu t'excuses toujours pas alors, non? Non? J'essaye encore un coup, hein. Non? Non, mais y'a pas d'excuse, mon vieux, tu vas bien. Bon, d'accord. Tu vas me frapper? T'inquiète pas, je vais rien faire. Tu vas mettre quelque chose dans le cul ou pas? Non, rien. Est-ce que tu vas m'attacher sur une croix? Non, t'inquiète pas, j'arrive. Mais je m'inquiète pas, moi je suis très zen, ouais, t'inquiète pas, parce que le temps que t'arrives jusque là où je suis, on a le temps de voir venir. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, on discute ensemble. Bon, Kelly, maintenant que t'as bien appris le nom, vas-y, dis-lui. Ben mon cœur, voilà. C'était juste pour te dire que t'étais piégé dans Chérie, je peux te rendre cocu. Bon, presque. Tu vas y arriver. Mais oui, mais c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là, c'est le chéri, ouais, je peux te faire cocu, ça fait quand même deux fois qu'elle l'aura dedans. Ah, ça va bien se passer. Cet appel est interrompu. Bon, Cédric, non, allez, mais oui, t'es sur Fun Radio, oui. Cédric. Attends, je vais te mettre ta jingle, regarde. Tous les soirs. Ouais, blablabla, blablabla, blablabla. C'est vraiment des imbéciles. Mais oui, complètement, oui, complètement, complètement. Oh, et Cédric, t'as tendance à t'énerver un peu rapidement, je trouve. Hein. Non, non, là, j'étais calme. J'étais ah bon calme. Ah bah, faut pas demander. Ça va alors, parce que tu m'as quand même dit fils de pute, enculé de ta mère, etc. Bon bref, t'allais me taper alors que tu ne sais même pas où j'habitais, mais c'est trop. T'as vu que tu t'excuses? Oh bouffon. Surtout qu'il allait, bouffon. Il allait venir avec Toff, surtout. Ah ouais, exactement, ouais. Il allait venir avec Toff. C'est là qu'on sent le mec qui est arrivé avec un argument de poids, quoi. Ah bah oui. C'est du lourd, ouais. Ah bah oui, c'est du très très lourd. Comment ça, tu disais que j'étais gros alors? Tiens, mais j'étais mal ou quoi? Non, mais c'était pour un peu t'énerver, ça a bien marché d'ailleurs. Bon, on va te filer, Cédric, ou plutôt on va le filer à Kelly, après elle fera ce qu'elle veut avec, hein. La Nintendo Wii U avec le jeu Mario dedans, et puis bah Kelly, après si tu veux pas que ton mec l'utilise, tu peux le revendre. Ouais. Vrai, comme ça il aura bien la rage. Bon, allez, salut à vous deux. Salut. Et je vous rappelle que si vous voulez vous aussi jouer, si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu demain, pas de problème. Et ben bah, vous m'appelez dès maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. On va jouer ensemble demain, et puis vous repartirez demain. Bah, il y a des cadeaux, il y a des écrans plats à gagner, il y a des ordinateurs également, et le MacBook Air également à gagner sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, vous faites un like et un partage sur la photo où je pose avec le MacBook Air, et si vous êtes tiré au sort, eh ben je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, c'est un jeu gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Facebook.com/MIKL officiel. Jean-Philippe qui voulait qu'on appelle sa meuf. On aura Loïc et la colle de Simon. Le temps d'écouter au cœur d'une heure sans pub, Lady Gaga sur Fun Radio. Lady Gaga sur Fun Radio, restez bien là, il est 9h08, on est en direct tous les dimanches soirs de 20h à minuit sur Fun Radio depuis le début de la saison, là depuis le mois de juillet. Et ben prévenez vos potes, hein, si il y en a encore qui se demandent ce qui se passe le soir, et ben c'est sur Fun Radio que ça se passe, 20h minuit le dimanche, 23h 2h tous les soirs de la semaine. On écoutera le son également dans quelques minutes de d'Hero avec Yi sur Fun Radio. Je vous cale aussi comme promis Addicted to You, le son d'Avicii que vous avez découvert sur Fun Radio, et c'est normal puisqu'on est le seul à vous le passer. Donc continuez bien sûr à demander les titres s'il y en a que vous avez envie d'écouter. Hashtag et Mickaël sur le Twitter, n'hésitez pas. Et sur le Facebook également, il y a Marine qui dit mort de rire, le chéri, j'étais dans le cocu. Oui, elle avait eu un peu de mal, Kelly, avec le nom du jeu. Denis qui dit ton émission est extra excellent. Bah merci Denis. Et Camélis qui dit c'est triste que Toff soit bientôt mort. Il ne connaîtra pas les enfants qu'il a fait avec Let's Be Freaks. Oui, effectivement, c'est bien dommage. C'est une auditrice Let's Be Freaks, quoi, pour ceux qui débarquent ce soir pour la première fois. Cailloux de leur père, ouais. Mais c'est mieux pour eux. Exactement. Oui, alors tous ceux qui arrêtent pas sur le Facebook, calcul rénal au rein, oui, c'est parce qu'en fait j'avais changé ma phrase à la base. Ouais. Enfin, j'avais mis une phrase à la base avec R1, et puis après j'ai changé ma phrase au milieu, j'ai oublié d'enlever au rein, puisque évidemment un calcul rénal, ça ne peut être qu'au rein. Chaud peut-être chez Toff, ou il peut en avoir peut-être au pied, je sais pas. Chez moi tout est possible. Voilà, car celui qui n'a jamais fait une faute d'orthographe lui jette la première pierre. Et Jennifer qui dit Mickaël, vous êtes pas top, pourriez-vous me passer Tony Junior s'il te plaît, dédicace à mon chéri, ma famille et mes amis, merci à vous pour votre bonne humeur. Merci Jennifer, je te fais plein de gros bisous, et le Tony Junior je te le mets tout à l'heure avant de partir sans aucun problème. Bon, on va prendre Loïc aussi dans quelques minutes, et puis bah, avant de prendre Loïc, on va d'abord terminer avec Jean-Philippe. Jean-Philippe de Bourges, toujours là Jean-Philippe? Salut Jean-Philippe. Bon, il y aura aussi les appels de Toff dans quelques minutes, en plus on est tranquille puisqu'on est au cœur d'une heure sans pub, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et Jean-Philippe, tu nous avais appelé parce que ta meuf t'a foutu dehors de chez elle. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, et tu voudras récupérer aussi toi. Comment? Tu veux la récupérer aussi toi, c'est voilà, ça, c'est ça, ouais. D'accord, ouais, ok, très bien. Bon, alors le concept est très simple, on va l'appeler en direct, hein, je pense que c'est encore le mieux à faire. Elle t'a viré de chez elle puisqu'en fait bah, la maison est à elle. C'est ça, la voilà. Et tu vas reprendre ton téléphone, Jean-Philippe, parce que comme tout à l'heure, t'es de nouveau en quitte main libre, on n'entend rien. Non, c'est bon, je suis pas en quitte main libre. Ah d'accord, ok, parce que le son était un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. On l'appelle maintenant. Tu lui parles ou je lui parle? Faut que tu lui parles au départ, parce qu'elle va pas m'écouter, moi. Ça commence bien. Très bien. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Et elle s'appelle comment, en fait? C'est quoi son prénom? Marie. Marie, ok, très bien, parfait. Allez, on y va. Croisons les doigts, j'ai tout prévu au cas où. Oh Marie. Tout est prévu. Non, des fois que. On sait jamais. On a un caillou. Ouais. Ça a l'air d'être plutôt mal barré. Hein. Je pense. Oui. Allô ? Allô ? Oui. Est-ce que je peux parler à Marie ? Oui. Salut Marie, c'est Mickaël. Allô ? Oui. Ah voilà, donc je disais c'est Mickaël. Oui. Oui, ça va ? Ça va ? Oui. D'accord, ok. Je te dérange pas ? Un petit peu. Ah d'accord, mince alors. Bon bah désolé, hein, je pensais que t'allais dire oui. Je t'appelle parce que, en fait, j'ai deux petites questions à te poser. Je peux là ? Oui. Bah d'accord, ok. Je suis un pote de Jean-Philippe. Oui, bah je m'en doutais. Ah bon, bah d'accord. Et donc en fait, il m'a expliqué un peu la situation, là, qu'il a été relou avec toi, tout le bordel. Mais bon, comme je le crois pas, parce que c'est un mec, je voulais avoir ta version des choses. Parce que lui m'a dit que apparemment c'était fini parce que il te suivait, enfin tu lui demandais de te suivre et après quand tu quand lui te suivait du coup tu l'engueulais, enfin je trouvais ça un peu bizarre comme histoire. Hein ? J'ai pas compris là. Bah en gros par exemple si t'allais, j'en sais rien moi, t'allais faire les courses, bah tu lui demandais de qu'il vienne avec toi et après en fait tu lui reprochais d'être venu avec toi. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre. C'est pas très clair, enfin c'est logique ce que tu dis. Bah non mais je suis d'accord, c'est pour ça que je t'appelle, c'est parce que justement c'est pas logique. Donc du coup je voulais avoir ton histoire quoi. Bah y a pas grand chose à dire, hein. Il m'a menti. Mais à propos de quoi ? Bah plein de choses. Il t'a trompé ? Non. Bon c'est déjà ça de prix. Et du coup c'est fini alors. J'ai jamais dit ça hein. Ah d'accord ok parce que lui m'a dit qu'il était dépité, que c'était fini, qu'il était au bord de la mort, enfin bon bref, j'exagère mais pas loin. Et donc voilà quoi. Ah non mais j'ai jamais dit ça. Ah d'accord, mais quoi, tu dois réfléchir ou c'est quoi ? C'est juste une pause ? Ah non, c'est même pas que quoi que ce soit, c'est que ça fait plus de deux fois qu'il me fout dans la merde et là tant qu'il m'en a pas sorti, je veux plus de lui quoi. À cause de la voiture ? Ah non. Ah rien à voir. Rien à voir. C'est de la merde à cause de l'argent ? Oui. À cause de l'argent ? Ah merde. Oui. Et genre quoi, il a fait de la merde ? Bah genre quoi, je l'aide et puis après c'est moi qui est dans la merde parce qu'il me rembourse pas. Ah oui d'accord, ok très bien. Parce que la voiture ça c'est lui qui l'a acheté ou c'est toi ? C'est lui. Ah c'est lui, mais avec ton argent ? Non. Ah, ça n'a rien à voir avec la voiture. Ah ça n'a rien à voir avec la voiture. Bon bah d'accord, ouais. Ok très bien. Bon donc du coup c'est pas mort mais il faut d'abord qu'il rembourse ta dette quoi. Ouais, un minimum. Un minimum, d'accord, ok. Bon ouais. Bah très bien. Et y a beaucoup là ? Bah pour moi oui c'est énorme. Non mais je dis pas le contraire, hein. C'est juste pour savoir. Non ? Mais bon, vu qu'il a perdu, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas, mais carte d'identité, permis, du coup il peut partir à l'argent, donc je sais pas comment il va faire. Ouais, enfin bon ça marche un temps, mais après tu leur demandes hein, ta carte, hein. C'est pas parce que tu perds tout que t'as ouais, plus d'identité et que t'es mort. Hein. Ça fait plus de mois d'août qu'il a les papiers pour demander sa carte d'identité, que je suis derrière son cul pour lui dire qu'il faut le faire. Ah oui d'accord, ok. Bah alors attends, parce que... Attends, Jean-Philippe ! Oui, je suis là. Bon, bah alors, c'est quoi ton histoire, là ? Tu nous racontes que la moitié, évidemment, toi, hein ? Qu'est-ce qui t'arrange bien ? Comme oui. J'entends rien de nouveau. T'es nouveau à 10 km de ton téléphone ? Non, je suis à côté, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Donc, tu nous as raconté que la moitié de l'histoire ? Non, ça, je l'ai dit tout à l'heure que j'y devais de l'argent, mais... Après, oui, j'y redonnerai, mais il faut que je puisse lui donner. Bah oui, il faut que tu puisses lui donner, oui. Mais donc, comme elle a dit, hein, au final, c'est pas très mort. C'est pas complètement mort. C'est pas très mort. C'est ouais. Pas complètement mort. Voilà, il faut juste arranger les choses. Et parlez-vous au lieu de pas vous parler, là. Bah oui, on n'arrive pas à se parler, oui. Mais t'arrives comme ça, tu fais. Oh Marie, si tu savais. Tout l'argent que je te devais. Tout le mal que l'on me fait. Bah tu vois, t'arrives, tu lui chantes une petite chanson. Oh Marie. Oui, il y en a pas mal en plus, celle que l'on arrive. Hein. Si tu pouvais me le donner, ad vitam aeternam. Bon, t'essayes quoi, tu vois un truc ? J'essaye. Oui, mais enfin, t'as pas l'air d'être très motivé, hein. Marie ? Oui ? Bon, t'es sur Fun Radio, là, il nous avait appelé parce qu'il voulait avoir des conseils. Donc, du coup, bah, nous, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Hein. Et à un moment, il y a un moment, faut y aller, quoi. Hein. D'accord ? Eh, Jean-Phi, tu vas lui rembourser son argent et vas la rendre heureuse. Exactement. T'as oui. Compris ? C'est ce que je veux la rendre heureuse. Eh bah, alors fais-le ! Abruti, va. Voilà, c'est ça, fonce. T'as de la chance d'avoir une meuf. moi et Tov qui nous faisions larguer constamment. Ouais, mais c'est normal. C'est là, y a vraiment, nous, on rêverait d'avoir une meuf comme Marie et toi, tu fais de la merde. Moi, voilà. J'aimerais bien avoir une meuf qui me donne de l'argent plutôt que moi lui en donner. Mais tu peux pas toujours faire avec mon caillou, toi. Ouais, c'est... Connard, va. Il y a Fabienne qui dit Jean-Phi, il y a encore un espoir, mais paye tes dettes. Voilà, tu vois. C'est ce que j'ai compris comme ami dehors. Eh ben, bah ouais, mais c'est dommage. C'est dommage que j'ai vraiment compris. Ouais, mais c'est dommage d'avoir dû attendre qu'elle te foute dehors pour comprendre. C'est bien les mecs, ça, ils vous comprenez jamais rien. C'est pas possible, ça. C'est dingue. Il y a Alice qui dit je vous adore. Moi, la détente. Il est long. Bah oui, mais c'est un mec après, hein. Il y peut rien, oui, il a pas choisi. Détente, c'est vrai, oui. C'est vrai. Il a pas choisi. Bon, allez, parlez-vous maintenant et démerdez-vous, d'accord? OK, merci. Bon, allez, bonne soirée à vous deux. Bonne soirée. Allez, salut Jean-Philippe, salut Marie. Oh. Dis donc. C'est improbable. Complètement. Il y a Simon avec sa colle là, qui est toujours là. On donne la réponse dans trois quarts d'heure, hein, pour gagner l'écran plat full HD 32 pouces. Pour ça, évidemment, il faut répondre à la colle de notre ami Simon. Simon, fais péter la colle, s'il te plaît. Je traverse Paris sans jamais quitter mon lit. Qui suis-je? Je traverse Paris sans jamais quitter mon lit. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous tapez simplement Mickaël, suivi de la réponse au 64 900, ou par SMS au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi aller lire la colle et y répondre en allant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, vous balancez votre bonne réponse. Et si vous êtes tiré au sort dans trois quarts d'heure, vous repartirez avec votre écran plat full HD 32 pouces. Ce qui serait pas mal, n'est-ce pas Simon? Oui. Voilà, donc si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu m'étonnes. Donc si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne. Si mon père, si personne ne trouve la bonne réponse, ou que la personne qu'on appelle ne donne pas la bonne réponse, ou qu'elle ne décroche pas, eh ben c'est Simon qui gagne. Bonne chance Simon, bon, on donne la réponse. Oui, ou qui décroche pas, oui, c'est vrai. On donne la réponse avant 10h. À tout à l'heure Simon. Okay. Allez, à tout à l'heure. Et puis il y a Loïc avec nous également maintenant de Mont-Saint-Martin, c'est dans le 54, ça, Meurthe-et-Moselle. Salut Loïc. Salut à tous. Comment ça va? Bah ça va bien vous? Bah plutôt pas mal. Bon week-end qui s'achève là, tranquille. T'as fait quoi ce week-end, dis-moi? Oh, rien du tout. Rien du tout. Un gros week-end. Et la meilleure nouvelle de ce week-end, c'est Tov va bientôt mourir. Oui, oh, exactement. Là, qu'est-ce qu'on est bien. Je rappelle qu'il y a son scanner qui est disponible sur le Facebook de l'émission. Hein, pour aller voir aussi, facebook.com/Mickaël officiel. Je me trouve très beau. Bah, je vous ai demandé comment vous le trouviez de l'intérieur. Je vois beaucoup de messages qui disent il est toujours mieux que de l'extérieur. Donc, on va aller voir. Je me trouve très très beau. Bah, magnifique. Facebook.com/Mickaël officiel. Dédé qui dit Polo qui prend la défense de la nana, c'est rare pour être souligné, c'est vrai. Non, mais c'est un con, l'autre. Et Orgagasmi qui dit c'est important la communication dans un couple. Et Fabienne qui dit Jean-Phil, il y a encore un espoir. Bah, évidemment. On parle de quoi, dis-moi, avec toi, Loïc, dans quelques minutes? Bordel, quand on fait le bordel en cours. Quand on fout le bordel en cours. Bon, d'accord, ok. Voilà. T'es un fouteur de merde, toi, Loïc, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, très bien. Et tiens, une petite question. Tu bois de l'alcool ou pas, toi, Loïc? Ouais. C'est quoi ton alcool préféré? Vodka blanche Red Bull. Vodka, bon très bien. Alors ça veut dire que tu es difficile à cerner. Oui, parce qu'on est tombé sur un nouveau truc qui veut dire qu'en fonction de l'alcool que vous buvez, pas forcément comme un pochetron et être bourré, hein, mais celui que vous aimez et que vous buvez de temps en temps, eh bien ça vous donne votre personnalité. Donc dites-nous ce que vous préférez. Vous envoyez votre message sur le Facebook. Je vais vous mettre un post dans quelques minutes. Et en fonction de ça, eh bien je vous dirai qui vous êtes. Voilà, donc on fait ça comme ça. Alors il y a whisky, gin, tequila, scotch, rhum, vodka. On en parle dans un instant sur Fun Radio. En attendant, vous m'appelez aussi 02 851 4x0, le numéro du standard depuis la Belgique. Et puis bien sûr aussi sur le 01 42 48 5000. On s'écoute, je vous l'avais promis, le son maintenant de Dero, c'est Yi sur Fun Radio. On revient juste après, c'est Mickaël No Limit. Il est 9h20 et la bonne nouvelle c'est qu'on est au cœur d'une heure sans pub. Voilà, on est tranquille, une heure sans pub sur Fun Radio. Et puis tous vos messages que je vais lire dans quelques minutes et les appels de Toff aussi qu'on va faire dans un instant. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, 20h minuit sur Fun. Déo sur Fun Radio, c'était Yee. Il y aura Avicii à suivre. Il y aura aussi le son de Jason Derulo avec Marry Me. Il y aura les appels de Toff dans quelques minutes également, hein, si vous voulez balancer des numéros de téléphone de gens encore debout. Profitez parce que Toff est sur le point de décéder. Hein, on a mis son scanner sur le Facebook de l'émission. Il a des calculs. Oui. Ah, et des calculs au rein. Donc allez voir hein, facebook.com. Je souffre, ça fait mal. Ah bah oui, c'est clair. facebook.com/Mickaël officiel. Et puis je vous le demandais aussi sur le Facebook. Quel est votre alcool préféré? Puisqu'on est tombé sur un test qui nous dit qui vous êtes en fonction de l'alcool que vous préférez. Bien évidemment avec modération. Hein. pas celui avec lequel vous torchez la gueule évidemment. D'accord. Mais juste voilà, celui que vous buvez en fonction de ça, et eh bien ça dit qui vous êtes. Par exemple, on a eu, il est plus là. On va le reprendre dans quelques minutes. Celui qui aime bien la vodka, et donc ça veut dire qu'on est difficile à cerner, autant que la boisson qu'on boit. Donc il faut savoir aussi si on la prend pure ou avec enfin mélangée. Donc lui c'était avec Red Bull, donc là ça changeait tout. Donc la vodka et l'alcool de ceux qui n'ont pas l'habitude de boire et qui n'aiment pas beaucoup le goût de l'alcool. À moins qu'ils aient l'habitude de trop boire justement. Et donc là t'as plus besoin de goûter pour être heureux. Enfin bon bref, voilà. Donc en gros c'est ceux qui n'ont pas l'habitude de boire, ceux qui teasent avec la vodka. Alors il y avait aussi le whisky, alors ça c'est ceux qui connaissent la valeur du travail et qui suent pour y arriver dans la vie. C'est quand même improbable cette enquête hein, quand même. L'enquête la plus improbable du monde. Ouais, donc, parce que moi je connais un mec qui boit du whisky à longueur de journée et c'est pas un grand bosseur. Ah non, ça c'est clair et net, ouais, ça c'est clair. Il y a Christopher qui proposait, moi c'est rhum, coca, Michael et aussi les gros verres de Mojito. Comme toi, c'est Christopher de Caen. Très bon choix, Christopher. Alors le rhum, c'est tu préfères les tongs aux bottes, les fruits frais aux pâtisseries et tu es toujours partant pour faire la fête. Voilà, donc venez nous en parler aussi, dites-nous comment ça se passe. Orgagasmi qui disait le whisky, bah toi tu connais la valeur du travail et tu sues pour y arriver. Puis il y avait le gin, la tequila, le scotch. On en parle dans quelques minutes. En tout cas, Laetitia qui dit, moi je bois pas d'alcool, juste pour une bonne cause, je suis martini blanc et champagne. Ah, il n'y a pas marqué le champagne. Je crois que c'est plutôt les alcools forts. Oui, c'est les alcools d'hommes. Champagne, vous êtes riche et vous n'avez pas besoin de travailler. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien que l'alcool de gonzesse. Hein. J'aime que tout ce qui est sucré et tous les mélanges un peu exotiques. Enfin, pas exotiques, mais fruités, on va dire ça comme ça. Ce que j'appelle moi les alcools de gonzesse. Donc, moi, je préfère ça. Je déteste le whisky, le gin, le scotch, même le rhum pur, la vodka pure. Tout ce qui est pur, c'est immonde. Quand je vois les gens qui font un rhum, machin pur, une vodka pure. Brrr, quelle horreur. Comment on peut voir cette horreur. Bon bah appelez-nous en tout cas 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon Loïc. Ouais. Bon t'as entendu ce que t'étais toi avec la vodka? Difficile à cerner non? Difficile à cerner, ouais, c'est ça. Et donc apparemment, attends, c'est quoi? C'est l'alcool de ceux qui n'ont pas l'habitude de boire. Mais c'est bien en même temps, hein, tant mieux. C'est mieux comme ça dans l'absolu. Bon Loïc, avant qu'on continue à en parler, on va parler de quoi avec toi, dis-moi? Parce que je fous trop le bordel en cours en fait. Non mais qu'est-ce que tu fous pour foutre le bordel en cours? Ça dépend le bordel quoi en fait. Ça dépend le bordel, oui. Ah, parce qu'il y a un choix. Bien. Ah bah oui, il y a un choix évidemment, oui. Non mais c'est-à-dire, donne-nous des exemples. Donne-nous des exemples plus concrets. Ah bah j'ai déjà été viré parce que j'ai acheté une chaise sur un prof. Oui, bah oui, il y a un truc simple. Attends, t'as déjà quoi sur un prof? Excuse-moi, je les appelle. Il a jeté une chaise. Ah, une chaise. Oui, bah c'est ce qu'on fait aux profs, hein. On leur jette des chaises, c'est tellement normal. Moi, quand j'étais en cours, le prof qui rentrait dans la classe, on prenait notre chaise, on lui balançait à la gueule. D'ailleurs, c'est voilà. Pour ça. Exactement. Non, mais sérieusement, pourquoi tu lui as fait ça? T'es con, quoi? Parce qu'il m'a insulté. Mais il t'a insulté de quoi? Et après que tu lui aies fait quoi? Ah, bah après, je l'ai rendu fou aussi. Non. Après que tu lui... Parce que c'est pas le prof qui a commencé à t'insulter. Il est pas arrivé en disant « Loïc, espèce de fils de pute au tableau !» Ça m'étonnerait. Hein? Non, c'est pas ça, non. Bon, déjà, il t'a insulté de quoi? Bah, je criais, je gueulais. Bah, des conneries de petits cons quand on est en cinquième, quoi. Non, mais c'est lui, il t'a dit quoi comme insulte? Tu dis « Déjà, il m'a insulté, je lui ai mis une chaise. » Ah, il m'a dit « T'es comme tes parents, tu feras rien de ta vie. » Bah, c'est vrai. Non. Mais c'est pas une insulte, c'est parce qu'en fait, tu fais de la merde, donc il te dit ça, il est obligé de te dire ça, c'est un prof. Bon après, peut-être pas la peine d'en parler, de dire par rapport aux parents, mais enfin bon. Ouais. Voilà. Voilà, et du coup, tu lui as mis une chaise dans la gueule pour ça. Tu pouvais pas simplement lui dire, écoutez, ça se fait pas ce que vous dites, connaissez même pas mes parents, blablabla, c'est genre une réaction normale quoi, tu vois. Tu sais quoi la meilleure réponse? C'est de réussir ta vie, d'avoir un putain de métier et de repenser à eux, tu dis, regarde les bandes de cons, vous êtes encore là-bas. Regarde les profs de polo aujourd'hui, ils rigolent bien. C'est vrai. Quand il voit comment tu il sais. Est devenu. Ah mais attends. Hey, qu'est-ce que je t'avais dit à attends, l'époque mais je suis mieux que t'allais mal finir. Ah bah regardez, bah aujourd'hui j'avais raison, monsieur Polo. Mais c'est vrai en plus, tu sais, il me prenait vraiment. Il me dit ouais mais tu vas finir. Tu sais genre il s'imaginait que j'allais finir dans balayeur quoi. Ouais. Et moi genre dans ma tête je dis mais vous êtes des cons, c'est vous. Attention, les balayeurs. Il le fait à la radio hein. Ça il nettoie aussi, hein. C'est pour arrondir les fins de mois, mais hop là, petit coup de balai. Et bah ma meilleure vengeance et ma meilleure réponse n'est pas de les insulter, même si je l'ai fait. Ouais. Et ne mais pas non plus jeter des chaises à la gueule. Et hein, bah, ça sert à rien. Et ben bah, c'était d'avoir fait ce que j'avais envie de faire, de me donner les moyens et d'avoir plus réussi quoi. C'est ça le vrai, la vraie réponse. Ah mais il faut le faire, il faut la le faire. La réponse, c'est de pouvoir traîner dans les clubs de strip maintenant. Ouais, exactement. Comme ouais. un pacha avec des liasses de dollars. Et c'est ce ça. Que je fais, les gars. Non mais cela dit, t'auras pas dû l'insulter. Après, ça s'est fini comment? Bah ils m'ont viré quand je passe en conseil de discipline et puis ils m'ont viré. Bah oui, mais c'est normal, tu lui as mis une chaise dans la gueule. Bah ouais, bah lui, il a rien eu lui. Ah bah oui, mais enfin bon. Il aurait dû avoir une sanction. Mais c'est normal. Je comprends même pas comment. Je comprends même pas à quel moment tu te dis. Mais je comprends pas. Il m'a insulté. Je lui ai mis une chaise dans la gueule. Non mais tu vois. Dites-nous d'ailleurs ce que vous avez fait. Si vous avez déjà fait des conneries aussi au bahut. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait comme conneries? On peut changer votre prénom, votre nom, votre ville. On s'en fout. Hein, votre âge aussi. Si jamais vous avez peur qu'on vous reconnaisse, vous m'appelez maintenant la 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler dans quelques minutes. Juste par curiosité. Voilà. Je suis juste curieux de savoir ce que vous avez bien pu faire, Tof. Non, moi j'étais assez sage au bahut. Le pire truc, c'est on a fait péter des pétards en cours. Bon, ça va. Ça, c'est quand même un peu... Oui, bah ça dépend quel pétard, quoi. Non, c'était des trucs bien violents. Le prof, on a cru qu'il allait faire une attaque cardiaque. Ah, carrément. Bon, on en parle. On a tous eu 3 jours, quand même. Ah oui, carrément. Bon, on en parle dans quelques minutes. Loïc, reste avec nous. Il y a Lala de Paris également qui est là. Salut, Lala. Bonsoir. Comment bonsoir, ça va? Salut. Ça va, Lala? Ça va, Lala. Très bien, mais oui, Lala. Évidemment, on parlait d'alcool. Alors forcément, on l'a appelé, Lala. Ah, et Lala. Oui, c'est pour ça que j'appelle, oui. Évidemment. Moi, alors, parce qu'elle a trop bu. Qu'est-ce que tu bois, toi? Pas encore. Je suis une petite consommatrice de Porto. De Porto? Ah oui, mais le problème, c'est que j'ai pas le Porto, parce que c'est pas considéré, d'après l'enquête en tout cas, comme un alcool fort. Tu bois quoi d'autre, toi, Lala? Chouchen. Du quoi? Ah oui, c'est breton. C'est de l'eau de vie. Ouais, c'est du miel. Ah ouais, ça, c'est un dérivé. C'est comme de l'hydromel. Mais est-ce que tu te reconnais dans le rhum, le scotch, la tequila, le gin, le whisky ou alors la vodka? Oui, le gin. Le gin, d'accord. Mais t'as la cuvée un peu là ou pas, Lala? Non, j'ai pas encore vu. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, et alors le gin, c'est tu te mêles facilement à toutes les conversations et tu t'accommodes de toutes les situations sociales. Le printemps est ta saison préférée, c'est vrai? Exactement, mais c'est vrai que je suis assez sociable. T'es trop fort. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est. Oh là là, ce sondage est exceptionnel. C'est vrai. Regarde, hop, directement on a fait le test avec Lala, boum, directement c'était bon. Il y a Damien également qui va réagir aussi. Bah Lala reste avec nous, il y a Damien et Bruno qui vont débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc restez tous bien là, on va faire les appels de Tof dans quelques instants. On aura le canular aussi qui va suivre dans un gros quart d'heure. Donc restez bien sur Fun Radio. Et puis bah, je vous l'avais promis, le son de d'Avicii, maintenant on se le fait. Avicii, Addicted to You, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit, bienvenue. I don't know just how it happened. On est les seuls à vous le passer, le son d'Avicii, découvert sur Fun Radio évidemment, c'était Addicted to You. Restez bien sur Fun Radio, on est toujours au cœur d'une heure sans pub. Il y a Dimitri qui dit ouais, je me reconnais bien dans le whisky, il y a que ça de bon. Ah bah moi je déteste ça. Oh. Ah le whisky, je peux pas voir ça, c'est juste dégueulasse. Il y a C'est vrai que c'est hyper fort quoi. Mais ouais, c'est clair. Avec l'odeur, moi ça me rend malade. Mais ouais, il y a Tommy qui dit I'm addicted to you, Mickaël. Oh c'est gentil Tommy. Alexandre également qui dit en troisième. Oh là là, j'ai tiré au airsoft sur mon prof de maths. Bon, on vous demandait justement ce que vous avez déjà fait comme connerie en cours, comme l'Aloïc, 18 ans, qui nous appelle parce qu'en fait, il a balancé une chaise sur la gueule du prof. Parce que le prof l'a insulté, entre guillemets, parce qu'il a simplement dit, si tu continues comme ça, tu feras rien de ta vie comme tes parents. Bon, après, c'est vrai que c'est pas grande classe, hein, il aurait pu trouver autre chose. Si, c'est vrai, parce qu'on a eu l'écho que de Loïc, là, on n'a pas eu l'écho du prof. Hein, c'est donc, ça, peut-être que le prof, voilà. Avait une envie, c'était de se suicider, tellement l'autre, il lui prenait la tête. Peut-être, ouais, peut-être. Bon, et avant de continuer de parler de ça, donc déjà, appelez-nous, hein, si vous avez déjà fait des conneries au bahut aujourd'hui, ou il y a longtemps, hein, bah, appelez-nous, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, avant ça, on avait demandé aux gens, pour ceux qui écoutent l'émission de 23h à 2h du lundi au jeudi, on avait appelé des gens pour leur demander s'ils avaient déjà pensé à tromper leur partenaire. Et on s'était rendu compte que 72% des gens pensaient déjà avaient déjà pensé à coucher avec quelqu'un d'autre, mais n'avaient pas franchi le pas. Voilà, c'était le sondage Glidden, hein, ce magnifique site. Sondage Glidden, exactement. Ce magnifique site de rencontres extra-conjugales spécial. Tout à fait. Voilà, donc si vous êtes en couple, allez sur Glidden. Tout à fait. Bon, on y va, on fait le premier appel. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé à tromper votre copain ou votre copine sans l'avoir déjà fait? 72% des Français ont répondu oui. On appelle maintenant pour voir comment ça se passe là-bas. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à tromper votre mari. Ah, écoutez, je pense que si vous avez que ça à faire, moi pas. Merci. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Ah bah, ça n'a pas répondu à la question, je confirme. Bon, là, rappel du coup, hein. C'est parti, on remet le couvert. Allô ? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à la tromper. Vous avez que ça à faire ? Bah oui. Vous avez à tromper la vôtre, vous avez que ça à faire. Bah non, c'est pas la question que je vous pose, monsieur. Mais vous avez que ça à faire. Oui, mais ça n'a pas de rapport, ça, monsieur. Oh, même pas sympa, même pas à répondre, ne fût-ce qu'une fois, oh là là. C'est ça, alors que s'il avait répondu, on le rappellerait pas. Mais évidemment, on l'avait rappelé d'ailleurs. Hop, remettons le couvert. Allô ? Oui, excusez-moi madame, mais vous avez pas répondu à ma question. Mais maintenant vous vous cassez les couilles, d'accord ? Alors vous allez vous faire enculer vous et vos questions, mais... d'accord ? Autrement j'appelle la police et je vous fais rechercher. Mais enfin madame, ça se fait mais, pas. Mais madame, il n'y a pas de madame, vous me cassez les couilles maintenant, oh, merde. Mais enfin madame. Eh ben voilà, mais merde, d'accord, t'as compris ? Bah oui, mais voilà. c'est un peu violent, moi je oui, trouve. Oui, c'était un peu violent. On parlera des sextoys aussi tout à l'heure, donc restez avec nous sur Fun Radio. Il y a Brandon qui avait aussi envoyé son message. J'ai collé la chaise de mon prof avec de la colle pour ongles. Il est resté collé 15 minutes. Oh, les gars. Dimitri qui dit, vous savez pas ce qui est bon, les gars. Whisky pur, il y a que ça de vrai. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, non, c'est on sait pas ce qui est bon, mais on sait ce qui est mauvais pour le coup. Hein. Je me suis fait sucer en cours. Ah, c'est sympa ça aussi. J'aurais bien aimé, moi. Bah ouais, il y a Tom qui dit, ma soeur. C'est ce qu'elle a fait à son ancien prof d'histoire. Il lui a dit qu'elle finirait sous les ponts. Aujourd'hui, à 17 ans, elle a déjà un salaire. Et ça, depuis 3 ans, elle lui a rapporté les dossiers. Il était vert de rage. Après, il y a des profs parfois qui sont contents hein, quand leurs élèves finissent bien. Puis après, il y en a qui sont rageurs, tu vois, et qui se disent, putain, quel enculé. Ouais, il n'était rien en cours, il a réussi. Ouais, ouais. Et bah moi, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Moi, je branlais rien. Pour le coup, j'étais vraiment. En fait, j'étais toujours au minimum syndical, quoi. Voilà, ni plus, ni moins, ouais. Le minimum possible. Dédé qui dit si ma scolarité était à refaire, je ne ferais pas de conneries. J'essaierais juste de pécho des filles au lycée. Mais oui, c'est ça, en fait. Hein, parce qu'on se prenait la tête pour pas grand chose, alors que c'était juste un nid, quoi. Mais oui, c'est ça. Elles étaient toutes là, à portée de main. Toutes là, toutes elles étaient disponibles. Mais oui, évidemment. On leur tend de la main. Bon, Alfred qui est avec nous de Lyon. Salut, Alfred. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bon, oui, ça va bien. Ouais. Tu voulais réagir à Loïc, toi? Qu'est-ce que t'as déjà fait comme connerie, Alfred, au bahut? Ah, moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ça parce qu'il fallait que. Tu m'as rappelé franchement plein de souvenirs de lycée. Les années lycée, déjà, c'est les meilleures, c'est les plus grosses conneries. Ah ouais. Et j'en avais une vraiment à raconter à tout le monde. Faut s'imaginer un peu le truc. Il faisait 40 degrés à peu près dans la salle. L'été, il fait super chaud. On arrivait à l'approche du bac. Ouais. Et puis là, t'as le prof qui nous interdit donc de boire ou de manger pendant toute l'année quoi en cours. Ouais. Et il se présente avec une Perrier bien fraîche. Donc on a commencé à bien prendre les bouches. Quoi. On a attendu tout simplement qu'il aille faire 2-3 photocopies. Et puis je me suis avancé jusqu'à son bureau et puis je lui ai mis un gros molard dans sa canette. Ça se fait pas, mais c'est drôle. Tu vois, c'est magnifique, surtout que quand il revient et qu'il la boit d'une seule traite et qu'il finit tout ça, et ben voilà. Là, on se sent bien vengé. Non mais ça c'est très très bon ça. Non, c'est très bon. Parce que tu vois quand le coup de la chaise de Loïc, tu le balances une chaise, c'est quand même violent, c'est agressif, ça sert à rien. Mais ça, alors je vous invite à ne pas le faire, c'est pas ça. Vicieux, mais ça. Bien vicieux et visqueux. Mais je réagis aussi par rapport à ce qu'a dit un autre auditeur. Après, il faut lui prouver le contraire. Le truc c'est que j'ai été viré. Et donc, ce que je lui ai ramené en pleine face, c'est le bac en étant été renvoyé. Tu vois, donc il faut quand même m'assurer derrière. Je continue à le dire, ça, les conneries, il faut les faire. Vous pouvez faire des conneries, mais par contre, il faut assurer de l'autre côté, quoi. Voilà, c'est là qu'on peut rien vous dire. C'est-à-dire que si vous faites des conneries, mais que vous avez des notes qui déchirent, ben oui. Pour rien dire, quoi, tu vois. C'est clairement ça. C'est leur boulot, c'est ça. C'est les profs. Faut pas les rendre dingues non plus. Hein. Attends, il y a Mélissa également de Royan. Salut, Mel. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va bien? Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, Mélissa. T'as 14 ans, toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, tu es déjà insupportable en cours. Eh, déjà, t'es chiante, Mélissa. Alors, de Royan, là, qu'est-ce que t'as fait comme connerie, dis-moi? Ma prof de techno est passée derrière moi, elle m'a tiré les cheveux parce qu'elle ne peut pas me voir. Sympa. Mais attends, que tu parles de techno, c'est quoi? C'est des cours de son dance floor ou Ouais, exactement, c'est les cours de techno, ouais, c'est ça. Allez, aujourd'hui, on va essayer de voir comment fait le son de David Guetta. C'est ça ou pas, techno? Non. Ah, d'accord. Ah, c'est là que tu vois que les mecs ont été à l'école très longtemps quand même. Bon, allez, vas-y, donc elle te tirait les cheveux, mais comment ça? Et ben en fait elle est passée derrière moi et puis ben en fait elle a distribué des copies, là elle est arrivée derrière moi, elle m'a tiré les cheveux quoi. Et du coup ben, mais est-ce que t'es sûr qu'elle t'a tiré les cheveux ou genre c'était pas un accident, tu vois? C'est ça, ce serait le bouton de sa chemise qui se serait pris dans tes cheveux. Ouais, parce que ça peut arriver ça. Non, elle l'a bien fait. Ah d'accord, ok. Bon, d'accord, ok, très bien. Et donc du coup tu lui as dit quoi en échange? Du coup je me suis levée et je lui ai mis une patate dans la gueule. Mélissa. Ah bah oui, c'est la réponse proportionnelle. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait elle te tire les cheveux probablement par accident, parce que je vois pas son intérêt de le faire de le faire exprès. Je dis pas, hein, ça se trouve t'as raison, j'étais pas là. Oui. Mais c'est juste que il y a un moment, c'est à la limite tu lui dis excusez-moi, mais il y a un moment faut pas tirer les cheveux, je vous ai rien fait, tu vois. Et là oui, tu la mets dans la merde. Mais le problème c'est que à partir du moment où tu lui as mis une patate, c'est elle qui a raison, toi t'as tort. Mais quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'elle ait fait ou dit, tu vois. Je t'aurais défoncé, moi. Ah mais je t'aurais... Oh là là, putain, t'aurais éclaté la gueule. Et t'as pris quoi en échange? Exclu, j'imagine, ou... Ouais, j'étais exclu pendant une semaine. C'est tout? Ouais, c'est tout. Moi je t'exclus à vie pour ça. Grave. Non mais c'est violent quand même, c'est violent. Bon, dites-nous les autres, rappelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. On va récupérer Kylian aussi qui est avec nous, tiens, Kylian de Carcassonne. Salut Kylian. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie en cours toi? J'ai balancé de l'acide sur ma prof. De l'acide? Mais vous êtes complètement barrés les mecs. Bah, de la prison, oui. Parce que pour l'instant, le seul qui m'a fait rire, c'est Alfred, tu sais, oui, avec le coup du crachat dans la merci, bière. Merci. Allez, ouais. Non mais tu vois, c'est rigolo et puis c'est pas méchant. Ouais, mais de l'acide, Kylian, il s'est passé quoi dans ta tête quand tu t'es dit tiens, je vais lui envoyer de l'acide, ça va être drôle? Eh ben, on était en pleine expérience et elle m'a demandé d'enlever mon sac de la table et elle me l'a dit d'une façon qui m'a pas plu et j'ai pris le seau d'acide et je l'ai jeté dessus quoi. Mais tu sais, tu peux aller en taule pour ça? Bah, j'ai été convoqué à la gendarmerie de mon coin. Bah oui, bah c'est ce que je dis. Hein. Mais elle a rien, la prof, ou tu l'as raté, j'espère? Non, enfin, elle a quand même été un peu brûlée. Et il rigole. Tu rigoles, et t'es enfin, vraiment putain, une allez, sans déconner, quoi, Kylian, t'imagines? Bah ouais. Non mais c'est quand même violent, à la limite que vous foutiez de leur gueule avec des trucs un peu bon drôle à la limite, pourquoi pas. Mais là c'est quand même violent, t'imagines, tu peux la défigurer n'importe quoi alors qu'elle... Non, surtout qu'elle, là pour le coup elle le coup... Pas du corps. Ouais, enfin bon même c'est pour le ventre, quoi. Non mais bon, peu importe, tu vois, surtout pour rien, elle m'a parlé, voilà. D'une mauvaise manière, ça veut rien dire, d'une mauvaise manière, tu vois. Mais ça faisait plusieurs jours qu'elle me parlait d'une façon qui me plaisait pas. Bah alors dis-lui, vous me parlez mal, excusez-moi, mais ça me déplaît, voilà, dis-lui. Pourquoi vous parlez bah pas? Moi, je suis allé à l'acide, c'était plus simple. Ouais, oui, c'est tellement mieux l'acide, dis mais donc. Mais quand tu vas finir en tôle, tu vas voir si ça va être beaucoup plus simple, tu vois, la casse-prison directement. Ouais. Tout ça pour rien, parce qu'il s'est rien passé en fait, en plus, tu vois, c'est juste, elle t'a mal parlé, et encore. Elle t'a parlé d'une manière qui ne te convenait pas, au lieu de l'expliquer tout simplement. Bon, mais Fred, faites comme Alfred. Là, au moins, c'est intelligent. Enfin, c'est intelligent. Non, c'est complètement con, mais au moins, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, lui, il a simplement, quand le prof est parti, je sais pas où, là, il a craché dans son verre, et puis voilà. Le prof l'a bu. Bon, bah, voilà, on a rigolé, c'était plié. Voilà, tout simplement. Bon, Alfred, merci à toi d'être passé, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. De rien, pas de soucis, bonne soirée à vous. Salut Alfred. Merci, ciao Kylian. Salut Loïc, salut Mélissa également. Bah, continuez à nous appeler hein, pour nous dire ce que vous avez fait comme connerie. On va revenir dans quelques minutes. Il y aura le canular de jeudi et le son de Jason Derulo qui va débarquer sur Fun Radio. Ce sera Marry Me. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck. Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France avec plein de messages. Ah ouais, il y a aussi, j'ai oublié d'en parler ça, il y a aussi le gros match ce soir, la Monaco-Marseille avec un but pour les Monégasques là, à l'instant là. 1-0 pour l'instant et ça va être la mi-temps dans quelques minutes. Donc on vous tient au jus évidemment dès qu'il se passe quelque chose. Et on verra, Monégasque ou Marseillais, on va voir qui va l'emporter ce soir. Bon, tous les messages qui arrivent donc, comme je le disais, avec le Facebook également qui fonctionne, et pour gagner aussi ce soir votre MacBook Air, il suffit tout simplement d'aller sur le Facebook de l'émission, faites un like et un partage sur la photo où je me retrouve avec le MacBook Air, et si vous êtes tiré au sort à la fin de l'émission, eh bien je vous l'offre, le MacBook Air. C'est aussi simple que ça, le jeu est gratuit, donc profitez-en bien, vous n'avez rien à perdre, sinon peut-être 2-3 secondes pour faire le like et le partage. facebook.com/mikaelofficiel. On va récupérer Lala, Damien, Bruno pour parler de l'alcool, Angèle et Claudia pour parler des conneries que vous avez déjà faites au bahut, Simon également avec la colle, et bien entendu on va s'écouter le son, je vous l'avais promis, de Jason Derulo dans un instant sur Fun Radio. Jason Derulo, ce sera Marry Me en effet. Et il y aura aussi Shotek, il y aura Shakira et surtout une heure sans pub. On remet le couvert maintenant. Il y a Dédé qui envoie un message qui dit les jeunes connaissent le danger uniquement quand ils se prennent le retour du boomerang dans la tronche. C'est vrai. Il y a Dayan aussi qui dit moi j'ai volé les marqueurs effaçables du prof et j'ai dû acheter acheter des marqueurs indélébiles et j'ai changé les cartouches, je les ai remis le lendemain et ils pouvaient plus effacer le cours au tableau. Non mais tu vois, ça voilà. Bon. Non mais tu vois, ça fait de mal à personne, c'est drôle, ça fait rire, ouais, voilà. Ouais. Bon, il a juste pas dû remplacer le tableau quoi. Oui non mais d'accord, mais enfin je veux dire c'est pas catastrophique, personne n'est défiguré, enfin tu vois ce que je veux dire. Gaëtan qui dit nous en début d'année on avait changé nos prénoms et à chaque cours on changeait encore une fois. Déborah qui dit Mickaël, je vous invite au Snack Hôtel de Ville à Châtelet, nouveau gérant depuis samedi, ambiance très familiale et bon un grand merci pour la petite pub de la part de Déborah leur fille, on est en train de vous écouter. Ah bon embras et alors évidemment hein, nous on passe. Si c'est gratuit. Ah bah tiens, c'est où exactement, dis-nous Déborah là, n'hésite pas, tu renvoies ton message sur le Facebook. J'ai craché sur un prof car il m'a dit que j'avais un rire de baleine. C'est Andreas, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur truc à faire. Faites les trucs où c'est drôle. Mais oui. Où ça peut être drôle. C'est pas la peine d'être agressif parce que de toute façon, quand c'est comme par rapport au flic. Hein. Si vous êtes agressif ou si vous voulez faire le malin, de toute façon vous aurez tort et l'autre et le prof ou le flic aura raison. Donc soyez plus intelligent et faites ça de manière au second degré, de manière drôle. Finement. Soyez pas agressif. Exactement. Soyez fin. Voilà, c'est le meilleur conseil. Je pense en tout cas que je puisse vous donner. Bon, en parlant de fin. On va accueillir Rémi pour le canular comme bah, vous avez l'habitude, hein, évidemment, on fait le canular une fois par semaine. Si d'ailleurs vous aussi vous voulez en faire piéger quelqu'un, n'hésitez pas, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 et on accueille Rémi qui est avec nous maintenant. Là. Salut Rémi. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui, très très bien Rémi. Bon, t'appelles pour le canular. Tout à fait. Parfait. Alors, quelle va être l'histoire? Qu'est-ce que t'as pensé à quoi? En fin de compte, j'ai ma mère qui râle tout le temps parce que je conduis trop vite, je suis pas assez prudent. Bah, y a pas que ta mère, à mon avis, les flics aussi doivent râler un peu, non? Ouais, j'ai déjà quelques procès à mon actif. Ouais, d'accord. Bravo! Le contraire m'aurait étonné. Bon, d'accord, ok, ouais. Donc, j'aimerais bien faire un petit canular à ma mère, hein, genre, je vais me faire arrêter par la police, j'ai roulé trop vite. Un petit truc dans le style là quoi. Bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire croire à ta mère qu'on est dans la voiture là et qu'on est en train de tracer on a les flics derrière qui sont en train de nous courser. Ouais. Et que bah il y a un moment on va se faire arrêter par les flics, hein, ça y a pas de solution. Mais du coup bon bah pendant quelques secondes on va faire style qu'on est dans la voiture. Donc moi je suis au volant. À un moment je vais dire passe-moi le téléphone et prends le volant. Donc elle va croire qu'on est à 180 et qu'on va s'échanger le volant comme ça va être violent. Enfin on va voir comment on peut s'arranger mais on va essayer de s'arranger. Voilà, bon on fait avec, hein, j'ai pas une voiture qui va à 200 à l'heure mais on se démerdera. OK? Ouais, OK, pas de soucis. Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Comment elle s'appelle ta mère? Christelle, bon ok d'accord, allez c'est parti, on y va, on appelle Christelle maintenant. Donc n'oublie pas, t'es en panique, hein. Moi je roule là. Ah ok, pas de soucis. Allô? Allô maman, j'ai un problème là. Qu'est-ce que t'as? Bah tiens, c'est que j'ai pris la voiture, j'ai voulu partir faire un tour en voiture avec un copain. Ouais. Et... Allez putain, voiture, casse-toi là, casse-toi, laisse passer putain, quel connard celui-là. Arrête de gueuler. T'as un accident? Mais non, j'ai pas un accident, je suis en train de rouler là. Mais j'ai lancé la voiture à un ami à moi. Allô? Ouais. T'as passé la voiture à qui? Allô? Oui. Je suis en voiture avec un copain à moi, il a pris la voiture. Mais là, il roule trop vite là, on est en train de se faire foncer par les flics. Quoi? Ah, il bouge pas là, quel connard, vas-y, rabats-toi, pauvre connard. Oh putain, la vie encore, la sale gueule. Oui, arrête de gueuler. Allô? Parle. Ouais, en fait, il a pris le volant, mais il veut pas s'arrêter. Il y avait un contrôle de flic, il a pas voulu s'arrêter. Du coup, là, on est en train de rouler. Bah, il est là, t'es poursuivi. Hein? Bah oui, il y a le flic derrière moi, là. Tu lui dis qu'il s'arrête. Mais j'arrête pas de lui dire, arrête-toi. Bah je peux pas là, attends, on va y arriver là, on va y arriver, je suis sûr. Mais non, mais on va y arriver de quoi, ils sont marqués. C'est bon, si on passe la frontière, on va y arriver là. Il y a pas de problème, c'est 3 km. Mec, putain, calme-toi. Allô? Ouais, allô? Mais Gigi qui s'arrête le soleil, t'es plus le soleil ou pas? Bah je sais pas, je vais te le passer.

Écoute, ce qu'on va faire, c'est comme on en a marre de se faire humilier par ces petits cons, nous on va rentrer, on laisse ton fils là et tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Hein. Oui, bah pas de problème, il est important, il a qu'à m'appeler. Bah d'accord, et bah tiens, je te le passe, de toute façon c'est son téléphone. Hein. Allez vous faire enculer, pardon. Rémi. Allô. Ouais. Bon. Et ton père, il vient même pas payer l'amende, dis donc, quel enfoiré quand même. Scandaleux. Ah non, mais t'as vu ça, il m'aurait laissé sur place. Exactement, tout, ouais. Il t'aurait laissé galérer à la frontière. Mais carrément, carrément. Eh, c'est la radio, ça. Bah c'est oui. Il est jamais trop tard. Pourtant, je pensais qu'il allait remarquer plus vite avec le allez vous faire enculer, mais bon. Non, ça a pas marché. J'espère rassurer maman. Eh, rassurez maman, là, avant qu'elle nous fasse non, une sacope. Sanglote, là. Je suis à quelle radio je la connais, mais je sais plus. Oui, c'est Radio Puy Salène. C'est quoi? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, papa. Eh oui, ah. Bande d'enfoirés. Ouais, ah, t'as vu, on avait mis les l'oseille sur les bruitages. Hein. Hélicoptère et doux. Hein. Eh ben évidemment, évidemment. Allez. Bon, papa, comment il s'appelle le père? C'est Laurent. Ah, Laurent, très bien. Et il a l'habitude d'avoir les PV, le Rémi, là? Bah, il en a déjà eu, ouais. Bah, il a déjà eu, bah oui, bah oui. Parce qu'en fait, bon, bah là, on va lui. Bon, là, il va en avoir un vrai, mais c'était pour mieux faire passer la pilule. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon, Rémi, on va te filer le casque Beats by Dre comme promis. Tu vas gérer ça avec Sandro. Ouais, bon, allez, salut à toi, passe une bonne soirée. Gros bisous. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit canular, hein, n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Donc allez-y pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis en bel couvert, hein, on va faire d'autres canulars avec des écrans plats ou des netbooks à gagner. Ce sera jeudi pour le canular. Il y a Camille qui dit mort de rire, allez vous faire enculer, c'était énorme. Elise qui dit énorme le canular avec l'accent belge. Lorraine dans le coffre, j'étais juste mort de rire. Et en France, on tutoie pas les gens là, c'est comme ça. Qu'on vous apprend la police belge. Oui, c'est vrai, hein, la police belge. Hein. Oui, enfin, ça va, hein, on va ouais, se calmer. Bah, non, ici, ça hein. Va pas, justement. Là. Oh. Romain qui dit allez vous faire enculer. Axel qui dit moi je kiffe le allez vous faire enculer. Alan également, allez vous faire enculer. C'est le truc qui vous a le plus marqué, hein, ce allez vous faire enculer à la fin. Totalement improvisé. Sur un circuit. Ouais, bah, oui, sur un circuit, bien sûr. Mactar qui dit trop fort l'histoire des voitures qui passent à côté. Énorme le canular pour Lucas. Secret Key qui dit j'en peux plus. Mort de rire. Et ce canular est vraiment top. C'est Grrr qui avait envoyé le message. Et mort de rire le sketch. C'était Christopher. Bon, donc voilà, si vous voulez faire aussi un canular, n'hésitez pas. Je vous l'avais promis, on va s'écouter Jason Derulo maintenant avec Marry Me. On récupérera Angel et Claudia pour le bordel en cours et on parlera de l'alcool encore comme promis. Il est 22h06, on est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue. 105 is the number that comes to my head. Planeto. Le son de Jason Derulo sur Fun Radio, c'était Marry Me. On l'avait demandé le Tony Junior, on va vous le passer hein, dans quelques minutes. Tony Junior. Il y a Romain qui a envoyé son message aussi énorme, le canular de tout à l'heure là. J'adore Mickaël, un chevreuil mort. Oui, mais ça c'est l'idée top. C'est l'idée de Polo. C'est Polo avec son chevreuil mort. Là. Non, que j'ai transformé en cerf. En reine, exactement. Il y a Devers45 qui dit sérieux, le canular a été trop bon. Il m'a fait presque pisser dessus tellement il était marrant. Marine également, je suis mort de rire. J'avoue, là il a été bon. Dédé qui dit Mickaël est ultra crédible en canular et Polo Etoff imite bien les flics belges. Ah mais non, Polo il était français, lui, des flics français, ah, oui. C'est ça. Et Dasmix Radio qui dit je suis mort de rire. Alexis qui dit j'ai mis une punaise sur la chaise d'un prof. Moi, malin ça. Murphy aussi qui dit je me fais dessus tellement vous jouez trop bien cette blague. Et Magda qui dit j'ai kiffé le canular, il est trop bon. Et alors quoi, Hugo aussi, la meilleure radio c'est Fun. Ben merci beaucoup Hugo et Joshua pour finir. Juste énorme le canular. Je ne m'en lasserai jamais. Bon, continuez à balancer tous vos messages. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Je rappelle que si vous me faites un follow, je vous ferai un petit follow également, mais par derrière uniquement pour les filles. Toff s'occupera des mecs. Bien donc sûr, n'hésitez toujours pas. Par derrière, bien sûr. Voilà, sur Twitter, tapez MIKL_, c'est le petit tiret en bas. MIKL_officiel et sur Facebook. Venez, ajoutez-moi également. On est plus de 337 000 là depuis 6 mois seulement d'émission, ce qui est pas mal dans l'idée. Non, hein. C'est bien. Ce qui est pas mal on du tout. On peut être fiers de nous. Et que des vrais auditeurs. Oui. Que frais, des vrais. Très frais, ouais. Que des vrais, il n'y a aucun achat. Oui, car effectivement, j'ai appris il y a peu qu'on pouvait acheter des likes, ce qui n'a aucun intérêt sinon de s'auto-branler. Tu penses qu'il y a des gens qui font ça? Ah, si, non, mais il y en a qui le font. C'est scandaleux. Clairement, même des radios qui le font et qui s'achètent des likes uniquement pour dire ouais, on est 1 million. Bon, évidemment, la moitié sont du vent, mais sur le chiffre, c'est marqué. Donc voilà. Donc que des vrais, les 337 000, c'est des vrais auditeurs qui sont là et des vrais fans de l'émission. Donc merci beaucoup. Ça fait encore plus plaisir dans l'idée. Au moins comme ça, au moins on voit que c'est du vrai quoi. 337 000 sur la page Facebook. Venez continuer à faire passer le message à tous vos potes, évidemment. Hein. Potes, voisins, amis, cousins, frères, sœurs, bref, tout le monde. Qu'il se passe enfin un truc à écouter à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe le dimanche de 20h à minuit et toute la semaine de 23h à 2h du mat. Bon, à parler dans quelques minutes avec Toff et tous les canulars qu'on a l'occasion de faire tout au long de la semaine. On va également faire la réponse à la colle de Simon, là. On est un peu à la bourre, là. Simon, t'es là? Oui, je suis là. Très bien. Bon, on va faire la... Simon? Oui. T'as le kit Malib, le haut-parleur ou quelque chose, là? Ou alors tu mites très bien, Mickaël. Eh ben, vire le haut-parleur. Simon, qu'est-ce qu'on t'a dit hors antenne? Hein? Pas de parleur. Et qu'est-ce que t'as mis, là? Ah ben, voilà. Le parleur. T'en la joues. Voilà. Non, oui, si tu veux. Voilà. Bon, allez, on y va, Simon, c'est parti. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Ou peut-être personne, hein, on va voir. Hein, on va appeler quelqu'un. Si quelqu'un décroche et donne la bonne réponse à ta colle, il gagne ou elle gagne et tu perds. Simon, si la réponse est mauvaise ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne l'écran plat. On y va, c'est parti. On appelle maintenant le gagnant, la gagnante. On va voir. Allez, ta seule chance, Simon, c'est que ça ne décroche pas ou que la réponse soit mauvaise. Même si ce n'est jamais arrivé. Que ça décroche pas, c'est arrivé souvent, mais que la réponse soit mauvaise, c'est jamais arrivé. Allez, on y va. C'est parti. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de décrocher, Simon. Donc pour l'instant, c'est tout bénef pour toi. Je rappelle que la semaine dernière, ça arrivait deux fois, hein, que sur la semaine complète, que ça n'avait pas décroché. Messagerie orange. Putain, oh ben, ça... Attends. Attendez. C'est pas gagné encore. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio et on t'appelait parce qu'il y a Simon qui avait une colle à te poser. Vas-y Simon, répète la colle. Je traverse tout Paris sans jamais quitter mon lit. Qui suis-je? Bon, on va demander au répondeur s'il a pas la bonne réponse. Répondeur? Ah bah non, on a apparemment pas de réponse là. Bon, dommage. Eh ben Simon, c'est gagné. Bravo à toi, l'écran plat 32 pouces Full HD est gagné. Et puis on ne peut pas saluer malheureusement la personne à qui on laisse un message puisque c'est le répondeur, mais il n'a pas dit son nom, donc on ne sait pas, on est juste sur le répondeur. On sait juste que c'est un 06 je sais pas quoi, mais c'est tout ce qu'on sait. Bon bah Simon, tu peux le remercier ou la remercier, hein. Bah merci monsieur, madame. Et bah voilà, très bien, bah, il va te vénère demain matin quand il va entendre le message sur le répondeur. C'était quoi la réponse, Simon? C'était pas la Seine. Ah bah c'était la Seine. Bah oui, évidemment, je traverse tout Paris sans sortir de mon lit. Qui suis-je? La Seine, bien sûr. Bien vu. Bon bah bravo Simon, l'écran play pour toi. Tu vas pouvoir jouer à la PS tranquille. Ouais, merci. Salut Simon, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao Simon. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Reste encore un MacBook à gagner, un MacBook Air à gagner sur la page de l'émission facebook.com/mikaelofficiel, donc qui ressort avant minuit. Il y a Guillaume qui dit pendant les vacances tu pourrais venir avec Sandro, Toff, Bruno aussi d'ailleurs. À Lyon on ferait du kart et puis le soir une émission tous ensemble. Mais pourquoi pas, c'est prévu, hein. Je rappelle qu'on fait une émission en direct de chez Olivier, un auditeur. On fait ça chez lui, ce sera pas dimanche prochain mais dimanche d'après, on sera à Noyon en Picardie et on passera le week-end avec vous également. Donc pour on a prévu du kart, on a prévu un petit resto également, hein, aux frais de la radio bien entendu. Et puis bah voilà, donc si vous voulez venir avec vos potes, vous serez bien sûr les bienvenus. Il y a Dylan qui dit Toff, je kiffe tes fesses et ton intérieur de corps. Je vous remercie. Oui, parce que Toff a passé un scanner ce week-end à l'hôpital et on a mis la photo sur le Facebook là aussi, allez voir, tapez Mickaël officiel. Et Je suis assez surpris que t'aies pas demandé un toucher rectal, Toff. Mais j'ai demandé mais il m'a dit ça sert à rien. Ah ouais, pour un calcul c'était pas la peine. Ouais c'est ça, je lui ai dit vous êtes sûr vous voulez pas passer par derrière pour vérifier? Il m'a dit non ça peut pas être par là. Bon tant pis. Et Cédric qui dit phrase devenue culte par Mickaël, je follow par derrière pour les filles uniquement. Ah, évidemment. Je vais pas follower les mecs par derrière, ça n'a pas de sens, c'est évident. Pourtant, il pourra apprécier. Oui, très certainement, mais ça ne m'intéresse pas. On parlera encore des bahuts dans quelques minutes. Et puis il y a Bruno également de Grenoble. Salut Bruno. Salut Mickaël, salut tout le monde. Comment ça va? Eh ben ça va bien, là on rentre du boulot là. Eh ben il faut bien, tu fais quoi de la vie Bruno? Je suis agent de sécurité. D'accord, là t'as fini ta journée, là t'es t'es en week-end ou pas? J'ai fini ma journée, je vais dormir peu pour attaquer une autre journée. Ah merde, bon ben bon courage alors, bon courage. Dis-moi, on était tombé sur une enquête, je vous ai mis d'ailleurs le post sur le Facebook. Qu'est-ce que vous buvez comme alcool, puisqu'en fonction de l'alcool que vous buvez, eh bien on peut dire qui vous êtes. Alors tu bois quoi toi Bruno? Alors moi je bois du whisky pur. Ah whisky pur, ah quelle horreur. Alors whisky, donc ça veut dire que tu connais la valeur du travail et que tu sues pour y arriver dans la vie. Ça te parle ça? Ah bah ça me parle, oui. Vu le nombre d'heures que je fais par mois ça peut parler, oui. Bah tu m'étonnes. Attends, il y a aussi Damien qui est avec nous de Marseille là. Salut Damien. Salut l'équipe. Salut. Comment ça va Marseille? Ça va bien, bien, tranquille. Hein. Bon, ça va mieux que l'OM hein, pour l'instant qui perd face à Monaco là. Ah, allez l'OM. Dire, ah allez, bah ouais. Bah ouais, mais bon, bon, faut le dire. Bah c'est pas fini, allez l'OM. Ouais, allez l'OM quand même, toujours, jusqu'à bah, la mort. Jusqu'à ouais, la mort, exactement. C'est le cas là, ils sont en train de mourir là. Oh, t'emballes pas. C'est bon, de suite. Hein. Oh, rigole. Attends. On rigole. Oh. Le match l'OM n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore terminé. Nous verrons à la fin du match comment ça se passe. On verra. Bon. Exactement. Bon, Damien, alors, c'est quoi toi l'alcool que tu bois? Ben, c'est pour ça. Depuis tout à l'heure, en fait, ça m'espante justement d'entendre parler tous les alcools, tout ce que tu veux. Ouais. Et le pastis, on en fait quoi? Ah ouais, c'est vrai ah, qu'on... Le fameux pastaga. Mais oui, mais après, je sais pas, ça se trouve, c'est pas des Français qui ont fait l'enquête, là. C'est donc encore des British, ça. Ouais, ouais, ça doit être des Anglais, à mon avis. Sûrement, ouais. Ça doit être des Anglais. Pastis, honnêtement, c'est une honte, hein. Bah ouais, parce que c'est marrant, c'est que quand, ça doit être des Anglais, parce que quand tu bois du whisky, du scotch, en fait, t'es au top. Ouais. Ouais, bah t'es au top. Alors tu bois du pastaga, t'es à Molo, alors. Bah ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, donc toi, tu bois que du pastis. Ah, moi, je suis monsieur pastis, hein. Ah, avec deux cailloux, et c'est bon. Ah bah voilà, c'est ça, tranquille. Tu bois rien d'autre? Ah si, je bois d'autres alcools, mais après, vraiment, c'est à l'occasion. Mais c'est vrai que, mis à part la bière et le pastaga, rien d'autre. D'accord. Hein. Parce que quand tu te marais sur le scotch, hein, la boisson des Anglais, donc, hein, tu as lu tous les livres, tous les classiques, tu préfères l'hiver à l'été, les cheminées aux piscines. En période de grand stress, tu sais courber les chines et traverser les soucis parce que tu sais que la fête n'est plus très loin. Voilà, ah, c'est quand tu bois du scotch. Ah, ah bah ouais, mais bah, c'est des Anglais, hein, à mon avis, c'est une étude anglaise, hein, je crois que c'est clair. Ouais. Ah ouais, bon, bah, je crois bien, ouais. Tu m'étonnes. Bah merci Bruno, merci Damien d'être passé. Vous revenez quand vous voulez. Alors attendez, chacun son tour. Vas-y Damien, vas-y, vas-y. Alors petite dédicace à ma femme et à mes enfants, mes amours de ma vie. Voilà. Oh, très bien. Et bah le message est passé. Et allez l'OM Damien. Et allez l'OM. Et évidemment, mais oui. Salut Damien, ciao à toi, merci d'avoir appelé. Et à bientôt Damien, ciao à toi. Oui Bruno, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Je dis juste au revoir d'abord à l'autre. Vous avez entendu ce pec qui s'est... Oui. Hop. Comme ça. J'adore. Bon, alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire Bruno? Alors déjà, je voulais faire une dédicace à toute l'équipe de Fun Radio toute la journée. Je vous écoute en longueur journée. C'est un type le plus total. Oh bah c'est gentil. Et je veux faire aussi un gros bisou à Sandro et bon courage pour son régime. Très bien. Eh bah le message est passé Bruno. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir. Salut, salut. Ciao à toi. Bon et oh là là, mais qui oh voilà oh. Hey Gilou. Non. C'est pas vrai. Gilou. Je suis pas mouru. Eh ben comment ça va Gilou? Ah ça va comme un jeune. Eh ben très bien, c'est le principal dis donc. Alors depuis le temps qu'on t'a plus eu au téléphone. Eh oui, ben j'ai eu la grippe hein. Ah bah merde. Oh bah alors Gilou. Ah bah oui la grippe oui, j'étais en pleine ménopause. Ah merde. Ah évidemment, alors pour ceux qui ne connaissent pas Gilou c'est ça. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque s'il vous plaît? Bah voilà oh. Exactement, mais oui mais bien sûr. Bon oui. Alors Gilou. Oui. Bon comment va le père de tes enfants? Eh ben écoute, je l'ai en main, ça va. Je fais pas de bêtises pour l'instant. Il quoi? Il ne fait pas de bêtises. Ah, il ne fait pas de bêtises. Bon, bah écoute, Non, il est sérieux pour l'instant. Mais oui, mais c'est ça, mais j'ai envie de dire, c'est le principal. Le père de ses enfants, c'est sa bite. Hein. Il se tient peineur, hein, il est bah, et quand est-ce que... Ça date de quand, la dernière fois, où il a un peu travaillé, là, le père des enfants? Il y a un petit moment, tu sais, Ah bah oui, bah oui, ça fait longtemps que t'as plus eu Sandro au téléphone quoi. Non mais arrête Gilou, il a rencontré quelqu'un là. Non. Il fait timide, il veut pas le dire. Bah alors. Ouais. Non, je voudrais faire un gros bisou à Mercedes. Elle s'appelle Mercedes ou c'est ta voiture? Ah non. Ah non, j'ai une 605 Peugeot. Ah t'as une 605 Peugeot, d'accord, ok. J'ai une Peugeot. Et donc la meuf que t'as rencontrée, elle s'appelle Mercedes. Ouais, on s'est croisé bizarrement quoi. Et tu l'as. Tu vas se reconnaître. Non mais oui, bah évidemment, avec un prénom pareil, il va se reconnaître, mais c'est surtout que ça fait combien de temps là? Oh, ça fait déjà un petit mois, deux mois. Ah oui, quand même. Mais vous êtes ensemble ou pas? Non, pas du tout, non. Ah bah alors. En région parisienne, mais faut pas le dire tout haut. Non, bah ouais, tu l'as dit tout bas, non. Donc c'est très bien comme ça, effectivement. Non, très bien. Et il y a Christophe qui dit ah Gilou, tu nous as manqué. Ah bah tu vois, il est de retour là, voilà. Ouais. Je vais revenir, je vais reprendre la scène dans pas longtemps. Là. Ah, très bien. Avec le soleil. Ah bah oui, mais t'as raison, Gilou. Bon bah très bien, écoute. Et vous savez, vous êtes les meilleurs. Hein. Oh, c'est gentil, Gilou. Quand on écoute Europe, quand on écoute tout le connerie qu'il raconte. Ouais, ah oui, fait, mais oui, mais vous ça savez, c'est... Schumacher, il est en train de mourir. Qui ça? Schumacher. Ah bah oui, mais ça fait un petit temps, là. Bah, il est dans le coma, quoi. On sait pas s'il va mourir, ah mais... Non. En tout cas, non, ça y est, il est parti, il est monté au ciel. Il est mort, hein, Schumacher? Ah bah, je sais pas, je vérifie. Bah Gilou ne dit, donne pas d'infos comme ça, ça se trouve, Isabelle n'est pas mort. Bah attends, mais t'es sûr ou pas? Parce que j'ai rien vu là. Ah mais moi c'est ce que j'écoutais à la télé là maintenant. Ah, ah ouais mais la télé, c'est des cons à la télé. Ah bah, parle-nous plutôt Gilou de, du père de tes enfants quand même, c'est important. Oui, bah il a l'arme à l'œil un peu. Bon. Ah oui. Ça fait longtemps qu'il a plus pleuré. Ah depuis qu'il a appris la mort de l'autre. Ah, ah bah oui, là forcément j'imagine. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ça arrive même au meilleur hein Gilou hein. Ah bah il y a que vivant hein. Non, non. Bah c'est clair, c'est clair. Bon eh hey, ouais. Gilou. Oui. Bon bah tu nous rappelles à l'occasion hein Gilou hein. Ah ben je veux bien, je veux bien. Bon bah avec... J'aime bien la tote de chez vous, là. Comment ça s'appelle déjà? Qui ça, Sandro? Oui, Sandro. Ah voilà. Bah bien sûr, bah je vais te la repasser Gilou là. Elle a une belle voix. Hein. Bah, ah, sort, bah ouais. Hey, Gilou, sors le père de tes enfants. Vas-y Sandra, parle-lui. Ah non, non. Gilou, sors le père là. Sandra. Ouais. Oui. Gilou. Ouais. Ça va mon Gilou? En plein boulot. Oui. Oh là là, Gilou. Oh, oh là là. Comment ça va, Gilou? Oh, ça va, ça t'es va. T'es chaud? Ouais, oh. Tu t'astiques, mon Gilou? Je suis en pleine sueur. Oh, vas-y. Ouais. Vas-y. Oh, je vais vous faire un baiser à la coque à tous. Hein. Ah oui. C'est quoi ah, un oui. baiser à la coque, Gilou? Ouais, puis demain, je vous paye un café de crème. Demain matin. Oh. Oh. Tu veux pas me donner un peu de crème tout de suite? Ok. Oh, alors. Allez, vas-y. Bon, attends, hé, Gilou. Oui. Gilou, attends, Sandro va te reprendre dans quelques minutes, d'accord? D'accord, d'accord. Bon, reste avec nous, Gilou. Ouais, là. Ouais, ouais, j'écoute, j'ai été à la radio. Hein. Bon, bah, très bien, bah, continue comme ça. Gilou, reste avec nous, ne raccroche pas. On va récupérer Claudia, Angel et Romain dans quelques minutes. On fera les appels avec Toff. Et puis, je l'avais promis, le son de Tony Junior, on l'avait demandé tout à l'heure là sur le Twitter. Et si vous voulez choisir des sons, vous le savez, vous demandez. Nous, je vous. Bah, moi, je vous les passe tout simplement. Hashtag et Mickaël, continuez tous vos messages. On est au cœur d'une heure sans pub. Ça, c'est la bonne nouvelle. Toujours 1-0, je crois, si mes souvenirs sont bons pour Monaco. Ah non, 2-0 pour Monaco-Marseille. Ah, ça commence à du cul pour Marseille là. Bon Tony Junior, on écoute Twerk Anthem sur Fun. C'était Tony Junior sur Fun Radio, Twerk Anthem. Il y a Hugo qui dit salut, mort de rire le Gilou. Il y a Mathieu également qui dit moi j'étais puni de récré en CP, j'ai pissé dans le seau à éponge. Ouais, ouais, c'est rigolo. Estep qui dit je vous écoute chaque soir, vous êtes énorme, merci. Et Guillaume qui dit notre Gilou c'est culte. Mickaël, fais gaffe, je crois que Fun veut l'engager en tant qu'animateur. Bah, va savoir, Guillaume, il dit que c'est une blague, mais on sait jamais. Hein. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Gilou, c'est Magda et énorme le Gilou, c'est Joshua qui avait envoyé son message. Et Ariel aussi, Gilou est en pleine ménopause, c'est donc pour ça qu'il était absent. Mais oui, voilà, exactement, nous avons maintenant la réponse. Bon, on va parler sextoy avec Toff, puisque vous le savez, tous les soirs on appelle des gens pour leur demander, bah, en gros, s'ils ont déjà vécu des trucs par rapport à des enquêtes qu'on trouve. En gros, c'est ça. Voilà, on t'entend mal, Toff. Exactement. Micro. Et donc, du coup, bah, on les appelle tous les soirs grâce aux numéros que vous nous envoyez, les numéros que, bah, que vous connaissez, des gens que vous connaissez, qui sont en debout tard, qui sont plutôt nerveux, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire suivre ces numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et donc là, on parlait sextoy. Oui. Et je ne me souviens plus ce que c'était. Ah bah parfait, tu vois, c'était sextoy. Bah, bien vu. Si, voilà, c'était le il y a plus de 3 fois M sur 4 qui trouvent ça dégueulasse d'avoir un sextoy. Exactement. Et donc du coup, on a décidé de les appeler pour voir un peu comment ça se passait chez elles, quoi. Bah exactement, parce que moi je trouve pas ça de moche, c'est pas c'est bien d'avoir un petit sextoy à la d'ailleurs, maison. D'ailleurs, on en offre dans le top tweetos dans quelques minutes, enfin du tout à minuit, quoi, grâce à passagedudésir.fr. Évidemment. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant par rapport au sextoy. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des sextoys chez vous. Ah, va te faire foutre. Mais enfin monsieur. Oui, bah, va te faire foutre, hein. Je pense que ça avait le mérite d'être clair. On avait donc rappelé un petit coup là, c'est parti. C'est reparti même. Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Ouais, va te faire enculer. Ah mais non monsieur, enfin. Ah bah si. Bon, allez hop, on l'avait encore rappelé. On va te faire foutre et va te faire enculer. Ouais. Oui, mais enfin monsieur, faut pas le prendre comme ça. Bah écoute, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Bah rien, moi je. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais je veux juste savoir si vous avez mais des sextoys. J'ai rien. Enculé, bah. Mais enfin, monsieur. Bon, je pense qu'on a compris qu'il voulait que t'ailles te faire enculer, quoi. Oui. je pense que ce n'était pas très gentil de sa part. C'était pas aimable du tout, même, j'ai envie de dire, effectivement. Bon, ben c'est rien, c'est pas grave, on fera d'autres appels tout à l'heure. Il y a Adjé aussi qui dit: Mickaël, est-ce que t'as gardé le petit chat? Bah non, pas encore, parce qu'il est trop petit pour quitter maman chat, donc c'est pas possible encore pour l'instant. Mais j'ai mis la photo sur le Facebook, hein, c'était hier, facebook.com/mickaël officiel. Et alors Christophe qui dit: franchement, comment aimer cette radio? Même les replays nous font mourir de rire. Bah c'est le principal, hein. Merci en tout cas Chris. Et Léo aussi qui dit: l'équipe, moi ma prof m'a dit que j'arriverai à rien de ma vie si je continue. Et ma mère lui a sorti: oui, bah j'espère juste qu'il va pas finir comme vous. Ouais, mais après faut voir aussi, il faut voir. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est pourquoi pas, ça peut être drôle. Il y a Angel qui est avec nous. Salut Angel. Salut. Ça va être... Ça va? Oui, ça va, tranquille. Très bien. Bon, ben, bienvenue, j'allais dire ça va et toi, mais comme je me suis rendu compte que tu m'avais pas demandé comment j'allais, ça, j'allais passer pour un con. Bon, bienvenue Angel. Qu'est-ce que ça fait comme connerie au bahut, toi, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure? Oui, mais alors, ce que j'ai fait, c'est ma prof d'histoire, elle m'a donné mon carnet, enfin, elle me l'a jeté sur la table, quoi, et en fait, je lui ai renvoyé ma trousse en plein miel. Ah ouais, c'est genre, c'est tu t'en la joues, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Et du coup, t'as pris quoi comme t'as pris retenue, t'as pris quoi? J'ai pris 2 heures de colle mercredi, quoi. Ah, c'est tout? Non. Et j'ai pris conseil discipline demain. Ah, c'est demain? Ouais, demain. Ah, c'est bon ça. Et très bien. Tu risques quoi? Ils t'ont dit? Je pense que je vais te dire def, quoi. Ah merde. Mais t'avais déjà fait d'autres conneries avant? Ah ouais. Ouais. T'avais fait quoi comme autre connerie? Moi, je me suis barré 2-3 fois du bahut. Je me suis fait choper des clopes et voilà. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, donc t'en es pas à ta première. À 15 ans, c'est pas mal, Angel, hein. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Et tes parents, ils sont comment? Ils sont contents? Mon père, non, il est vénère. Tu m'étonnes, mais ma mère est contente, non? Non, pas trop. Ah non plus. Mais ils sont contents, ils sont contents. Ils sont au courant pour le conseil de discipline ou pas? Ouais. Ah bah, et on va te rappeler demain, Angel, pour savoir comment ça s'est passé. Mais ça marche, ouais. Eh bah très bien, donc on rappelle... Enregistre. Exactement, on va te rappeler demain, Angel, à 23h pour voir comment s'est passé le conseil, d'accord? Ok, ça marche. Allez, bon courage, Angel, hein. Ouais, merci. Enfin, bon courage, non, en même temps, t'as ce que tu mérites, Angel, en même temps. Ouais. Ah bah oui, j'espère que ça te fera réfléchir, en tout cas. T'inquiète pas, au pire, t'es viré. Oui, bah c'est ça, on trouvera un autre bahut pour l'année prochaine. Mais évidemment. Ouais. Attends, il y a Claudia aussi qui est avec nous de l'Ardèche, de Annonay. Salut, Claudia. Salut. Comment vas-tu? Ça va, super, et vous? Bah très bien, Claudia. Qu'est-ce que t'as déjà fait comme connerie à l'école, toi? Alors en fait, j'avais une prof d'écologie qui me cherchait un peu des noises et en fait, je l'ai traité de connasse. Sauf que donc, ils ont téléphoné à mes parents pour s'expliquer. Quand mon père a su quel prof c'était, il leur a dit que de toute façon, j'avais eu bien raison, c'était une grosse connasse. Voilà. Non mais c'est bien quand t'as le daron. Il est bon, ton daron. Non mais c'est bien quand t'as le daron avec toi, mais pour le coup, ça fout la merde après avec l'entente, avec le prof et tout, non? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ils l'ont pris assez bien. Ouais, déjà, c'est une connasse. Et puis en fait, comme j'étais enceinte de 6 mois, j'allais passer mon bac, du coup, ils vont pas trop fait chier, quoi. Mais, d'accord, ok. Attends, t'as passé ton bac à quel âge? Ben là j'ai 23 ans, je passais mon bac, j'avais 18 ans. D'accord, et t'étais enceinte de 6, ouais, donc du coup, très bien. Ouais, un petit mec, on le voulait de toute façon, voilà. Oui, mais y a pas de mal, et donc du coup, t'as eu ton bac et pas de problème. Ah ouais, j'ai eu mon bac, 15 de moyenne, tout va bien. D'accord, attends 2 secondes, Claudia, il y a Romain également qui est avec nous de Toulouse, là, salut Romain. Ouais, salut Mika, salut l'équipe. Comment vas-tu? Mais ça va et vous? Bon, très très bien Romain, bah merci d'écouter Romain. Bon, y a pas de problème. Alors, t'appelles de Toulouse, la ville rose. Voilà, exactement. Bon, et qu'est-ce que ça fait comme connerie toi? Vas-y, balance. Eh bien alors moi, écoute, en fait, j'avais une prof d'anglais qui m'aimait pas trop, j'étais plus ou moins en froid avec ma copine. Ouais. Et du coup, elle lui a conseillé de me larguer, et du coup, moi, pour rattraper... pour faire un petit coup monté, ouais. Et ben j'ai réussi à trouver des photos d'elle, je les ai modifiées, j'ai envoyé tout ça à son mari. Et du coup, ben voilà. Et t'as modifié comment? Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai un collègue qui est pas mal calé en informatique, hein, et puis on a réussi à se démerder un peu, à la mettre dans les bras de la bonne compagnie, quoi. Oh, ça c'est dégueulasse. Oh là là. Il pourrait être dans pour dents. Écoute, oui, non mais d'accord, mais là quand même. Et alors, tu sais si ça a foutu vraiment le bordel ou pas dans le couple? Eh ben disons que bon, pendant un jour elle est pas venue. Ouais. Et après bon, j'ai pas eu trop d'écho, personne s'est dénoncé parce que bon, on savait que ça venait de la classe, quoi. Et bon, on n'a rien eu de grave, mais bon voilà, c'était. Bon, sur le moment c'était marrant quand même. Ah bah oui, voilà. Sur le moment évidemment, ça je veux bien croire. C'est juste que après, t'imagines après la meuf toute sa vie est flinguée parce que son mari l'a peut-être cru, a peut-être pas cherché plus loin, il l'a quitté. T'imagines toute sa life est morte, quoi. Non mais je suis d'accord, imagine que moi c'était peut-être la femme de ma vie aussi hein. Oui, non mais bien. Non mais je dis pas le contraire, hein, je dis pas le contraire. Mais comme on parle de ça, il y a un truc qui tourne sur Facebook, alors je sais pas si c'est vrai, mais ça serait drôle, c'est il y a un couple, ils ont genre 96 et 98 ans, et le mari a demandé le divorce parce qu'il vient d'apprendre que sa femme l'avait trompé dans les années 40. Non ah, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je trouve ça très drôle. T'imagines divorce à 97 ans quoi. Oh la violence mec. C'est clair, c'est clair. Attends, il y a Raphaël aussi qui est avec nous là, de Haute-Savoie. Salut Raph. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien, Raph. Alors t'as fait quoi comme connerie toi? Alors moi j'en ai fait plein. Celle que je me rappelle le plus, c'est que il y avait mon prof qui m'a... Enfin j'avais fait une connerie en français, la prof elle me demande le carnet, je la regarde et je lui fais non, je lui donne pas. Donc s'approche, elle vient pour me choper le carnet, elle me le redemande. Ouais. Mais toujours sur un ton, tu sais, super sec, agressif. Ouais. Je la regarde, je lui fais non, je te le donnerai toujours pas. Mais au final, elle prend dans mon sac et je la gicle et je prends le carnet, je le balance à la gueule. Ah bah bravo. Ah ouais, et du coup, t'as pris quoi? Presque rien, vu que de toute façon, elle pouvait pas me blairer et que chaque cours, j'étais dehors. Ah oui, bah comme ça, t'es tranquille au moins, tu vois, tu devais pas assister aux cours et tout, c'était bien. Ah bah, non mais de toute façon, à chaque cours, j'étais dehors et de toute façon, j'avais bien sympathisé avec le dirlo, donc à chaque fois que je passais, le dirlo était au courant, donc... Non, c'est genre le mec, il est sympa. Tu sais, ouais, de toute façon, moi, il pourrait m'arriver, je connais le directeur. Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Et tu sais, je pense que c'est elle qui va rire dans quelques années. Peut-être. Ça, non, non, franchement, si. Non, je l'ai recroisé il y a pas longtemps, franchement... Ah, j'ai recroisé un prof mais... comme ça aussi à qui j'ai pris la tête et puis... Ah, comment ça va et tout, il était content. Non mais en fait, ça fait un peu naze ce que je veux dire, mais tu t'en rendras compte plus tard que t'es en train de foirer ta vie en fait. Ah oui, ça fait naze, ouais. Non mais je t'assure, Attends, j'étais en 5. Et dans quoi? Raph? Ah, il est décédé. Merde, on a perdu Raph. On l'a perdu. Bon, on a perdu Raph, c'est pas grave. Il y a Oussama également qui est avec nous là. Allô Oussama? Ouais, salut Mickaël. Oh, ouais, Oussama, on a rien fait hein. Comment ça va Oussama? Ça va et toi? Bon, t'as le haut-parleur là, non? Non. Le kit main libre? Non, rien du tout. La radio? Non, même pas. Bon, téléphone ça de fait, merde. Ça fait de l'écho, ça fait de l'écho, c'est bizarre. Bon, alors Oussama, toi tu t'as fait quoi comme connerie toi pour terminer là-dessus? Oh, il en a fait une grosse. Alors, hein ouais. Moi qu'est-ce que j'ai fait? C'était un mercredi, il était midi, j'avais une heure de colle après et on devait recopier le cours, j'avais rien recopié. Ouais. Et ma prof, elle me fait ouais non, vous sortez pas tant que vous avez pas tout recopié. Il y avait au moins trois tableaux, j'avais pas le temps quoi. J'avais pas le temps. Bah non, j'avais FIFA à faire là, je peux pas être partout là. Non, oh merde. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre, je suis passé par la fenêtre, je suis sorti. J'ai regardé la prof, je lui ai fait un doigt, je lui ai dit vas-y tiens. Et du coup le lendemain, parce que sur le moment même t'as dû faire le grand prince, mais le lendemain il s'est passé quoi? Le lendemain je suis revenu en cours, elle me regarde, elle me fait ah c'est bon, t'as joué l'acrobate avec la fenêtre. Je fais ouais c'était marrant, je suis arrivé chez moi juste à temps. Elle m'a fait ouais c'est bien, attends, je vais voir le directeur et tout. Pour finir, elle est partie voir personne et rien du putain, tout. Putain, t'as eu de la chance hein, mais n'y crois pas que ça va le faire comme ça à chaque fois hein, où ça va là. T'as juste eu de la chatte là à mon avis. Hein. Je pense en tout cas. Bon attends. Il y a Anthony aussi qui est avec nous de Limoges. Salut Anthony. Salut toute l'équipe, ça va? Bah, ça va bien et toi? Ça va. Bon alors pour terminer là, le dernier à propos du bordel dans les bahuts, t'as fait quoi comme connerie Anthony? Le prof m'a dit de prendre la porte, j'ai pris la porte, je suis descendu dans le CPE, la prof m'a dit de descendre au CPE, je suis descendu au CPE avec la porte. Ils m'ont dit de descendre voir la directrice, je suis descendu voir la directrice, j'avais toujours la porte. Ça c'est mais drôle. Mec, c'est archi lourd une porte. Comment tu t'es gâté? Mais ça dépend. Mais t'as des portes qui pèsent que dalle. Ça dépend. C'est une grosse boîte. Une porte. Ouais, c'est une porte en carton. Des portes de merde. Oui, c'est ça. Genre, tu t'es barré avec la porte et il a pas essayé de te rattraper avec la porte. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il m'a dit d'aller voir la directrice avec la porte. Non, mais elle a dit, tu prends la porte. Mais toi, t'as pris la porte vraiment. Oui, j'ai dégondé la porte et je suis allé voir. Et elle m'a dit d'aller voir CPE avec la porte. D'accord, ok, très. Oui, parce que tu l'avais prise. Ouais, mais toi, ça c'est drôle encore, ouais. Tu vois. Parce que t'as rien fait, t'as pas balancé de l'acide comme l'autre auditeur de tout à l'heure là, où t'as fait des trucs violents quand même là. Bon, après, c'est rigolo. Non. Et t'as pris quoi derrière? T'as pris retenu, viré ou quoi? Un rappel à l'ordre et 2 heures de colle. Ne pas démonter les portes de l'école, s'il te plaît, Anthony. Oui. Très bien. Bon, ouais. Ben, merci en tout cas d'être passé. Oussama, Anthony, Romain, Claudia, Angèle, ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais, pas de problème, Anthony. Tu vas retourner chez Sandro Standard pour le pack fun. Et Oussama, tu voulais dire quoi, toi? Une dédicace. Eh ben, vas-y, profite-en. Moi aussi. Allez, Oussama. Dédicace déjà à vous, à toute l'équipe. Oh, merci, Oussama, c'est cool. Tu peux lui mettre un coup de pelle, s'il te plaît? Bah, avec plaisir. Voilà, je lui mets même ça, tiens. Merci, voilà. Oussama, ça m'a fait plaisir. Complètement dans sa gueule, c'est très bien, Oussama. et tu reviens quand tu veux, Oussama. Ok. Salut à toi, bye bye. Allez, salut. Claudia, tu voulais dire encore un truc? Ouais, juste que c'est juste possible d'avoir un cadeau, quelque chose pour mon petit tout de 4 ans qui est à côté de moi et qui est trop content d'entendre sa maman à la radio. Bah, on va lui envoyer des capotes. Bah oui, il va être content, tiens. Bon, tu vas, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec le standard, Claudia. Je te fais des bisous. Super, merci, bonne soirée. Je t'embrasse, ciao, Claudia. Romain, tu voulais dire un truc aussi? Ouais, moi, une petite dédicace vite fait. Bah vas-y, Romain, une seule personne, hein, n'oublie pas, attention, la règle. Une seule personne, y a pas de problème. Vas-y, vas-y. Dédicace à Jaco, voilà, qui est pas très loin. Et voilà, je vous embrasse l'équipe, je vous adore, et je vous écoute tout le temps, y a pas de problème. Merci beaucoup, Romain. Passe une bonne soirée en tout cas, à l'écoute de Fun, à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Eh ben voilà, et puis on va prendre Alex dans un instant. Salut Alex. Salut. Comment salut, ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. On parle de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Alors moi en fait, je voulais parler. Ça s'est passé au jour de l'an. J'ai fait un plan à trois avec les deux meilleurs amis de ma mère. Ah très bien, bah écoute, reste voilà. Avec nous Alex, on va en parler dans quelques minutes. Et puis on va récupérer Gilou aussi juste après la pub. Là, bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. On va s'écouter aussi dans quelques instants le son de Chucky avec Skydive. Ça va arriver dans quelques minutes sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No Limit 20h minuit. Fun. C'est Mickaël No Limit. Mickaël. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France comme tous les soirs. Il y aura Party Fun tout à l'heure évidemment à partir de minuit sur Fun Radio. Je vous rappelle également qu'il y a toujours eh bien les un MacBook Air à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Si vous voulez le gagner, n'hésitez pas, il suffit d'aller faire un like et un partage sur la photo que je pose avec le MacBook Air. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, eh bien ce sera gagné. Il y a Lucie qui dit en cinquième, on avait un nouveau prof de français en milieu d'année et le premier jour avec lui, paf, deux boules puantes en même temps, à peu près toute la classe a participé. Ah bah il a bravo. Dû être content, il a dû être très très content même. Et Mickaël, j'ai le gros seum, c'est moi que t'as essayé d'appeler pour la colle. J'ai la, la preuve avec le message vocal, j'avais mon portable à la main mais rien, il buguait. Oh putain, ça, dommage. Lose. Ah ouais, bah, en plus ça a sonné, hein. C'est pas comme si t'étais directement le répondeur. Putain, ballot quoi. Bon bah écoute, la prochaine fois mec, t'inquiète. On écoutera aussi sur Fun Radio puisqu'on lance une heure sans pub, là on écoutera aussi dans quelques minutes le son de Chucky. Ce sera Skydive. Voilà le son de Chucky sur Fun Radio, Skydive au cœur d'une heure sans pub, c'est ce qu'on écoutera dans quelques minutes, donc restez bien là. Et puis ce que nous allons faire également d'ici peu, c'est ce qu'on fait tous les dimanches soirs, c'est le match d'impro. Voilà, si vous voulez tenter le match d'impro, alors comme évidemment Toff a failli y rester à l'hôpital ce week-end avec son calcul rénal, oui, on va faire hôpital, voilà, film de cul à l'hôpital, évidemment, comme d'habitude c'est toujours film de cul, mais après c'est le sous-thème qui change. Toff fera le patient. Bah, évidemment, sûr. Donc si vous voulez, on cherche un garçon et une fille pour jouer avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'il y a gagné? Eh bien c'est simple, soit netbook, soit écran plat. Si vous êtes bon, mais il faut être bon, hein, attention, hein, pas faire de la merde. Hein. Je donne des pistes, vous pouvez utiliser l'anus de Toff pour faire les... Voilà, tout est possible. Voilà, là-dedans. Pour faire ce que vous voulez, n'hésitez pas. Donc si vous voulez vous inscrire maintenant, appelez Sandro, vous appelez maintenant le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. On fera le match d'impro tout à l'heure. Le principe est simple, vous êtes deux auditeurs, un garçon et une fille de préférence. Vous passez l'antenne et on fait un match d'impro tous ensemble, c'est-à-dire on donne le thème film de cul, le sous-thème hôpital, et il faut arriver à tenir 3-4 minutes avec nous, et puis chaque acteur entre guillemets va balancer un truc, il faut que l'autre arrive à faire de l'improvisation pour continuer à faire une histoire qu'on invente au fur et à mesure. Donc si vous voulez tenter votre chance, on va bien se marrer tout à l'heure avec vous, et vous appelez donc le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique. On attend évidemment tous vos messages. Il y a Marine qui dit tu lis surtout Mickaël, gros bisous, merci Marine. Et Alexandre qui dit le petit chat est trop mignon, mon pote lui a mis son téléphone sous le plafond du collège et on l'a appelé, le prof a pété un câble, il a fait une dépression. Allez, faites gaffe aussi parce que la dépression parfois est pas très loin. Hortense qui dit ça fait longtemps que je vous écoute, je pourrais avoir un message de bienvenue, bisous à toute l'équipe. Bien sûr, pour le message de bienvenue, avec grand plaisir. Attends, on va mettre un des nouveaux là pour ceux qui n'ont pas écouté cette semaine. Il y avait celui-là qui était pas mal. Attendez, faut que je le retrouve. Alors moi je viens, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille moi. Voilà, il était tellement sympathique celui-là, tellement classe. Et il est venu Toff ou pas? Eh ben non. Non, toujours pas. Non, il est pas venu. Il est pas venu. Bon Gilou. Oui. Bon, très bien, Gilou de retour alors, très bien. Je sucerai les seins et tout, tu verras. Bien sûr. Bon Gilou, on a toujours Sandro là qui te parlait tout à l'heure là. Oui mon Gilou. Oui. Ça va, t'es chaud mon Gilou? Oh, on ferait mieux si on était ensemble. Ah oui, je pourrais te caresser mon Gilou. Je pourrais te toucher. Tu commenceras par quoi? Mais je commencerai par te lécher les tétons, mon Gilou. Toi aussi? Ah oui. Puis je descendrai tout doucement. Oui. Hein? Et puis là, j'arriverai pour dire bonjour au père de tes enfants. Oh, c'est gentil, ça. Ah oui. Ça te dirait que je le mette dans ma bouche, mon Gilou? Oh, t'es en route de le réveiller, là. Ça te dirait que je l'avale tout entier? Oh, j'aime bien t'entendre parler comme ça. Oh. Oh là. T'es excité, mon Gilou? Oh, je te sens tout dur. J'ai envie. Ah, moi aussi. Oh là. J'ai envie. On peut se revoir encore une fois? Mais bien sûr, mon Gilou. Je te boufferai le gland. Surtout pas d'infidélité. Hein. Oh non, tu sais bien qu'il n'y a que toi pour me faire mouiller comme ça, mon Gilou. C'est gentil. Ah oui. Je ne sens plus ma culotte tellement elle est trempée. C'est pas vrai, tu es mouillée? Si. Ah oui. Oh. Oh là là. Je suis toute mouillée, toute mouillée, toute mouillée. Tu vois, il te laisse le kéto. Ah oui. C'est vrai? Ah oui. J'ai envie que tu me fasses jouir, mon Gilou. Ouais, vas-y. Que tu me fasses hurler de plaisir. On est au top. Je tente la jambe, vas-y. Ouais. Vas-y, encore un peu. Encore. Laisse-moi être ta petite chienne, mon Gilou. On n'a pas entendu se branler encore. Gilou. T'as mis de la mousse à raser? Pourquoi tu veux que je mette de la mousse à raser, mon Gilou? Mais il y a plus de poils autour, ma chérie. Mais non. Tu sais bien que je n'ai aucun poil. Je suis lisse comme une boule. C'est pas vrai. Moi aussi. C'est pour que tu puisses glisser tes doigts tout de suite dans ma fente. Oh, il n'y a pas que les doigts. C'est ma belle queue te fera bien du bien. Oh oui, mon Gilou. Enfonce-la moi bien profond. Oh, bien profond, oui. Ah oui, que je la sente dans mes amygdales. Oh, elle n'est pas si longue que ça. Je suis obligé de tirer la rallonge. Ah, Gilou. Comme j'y pense maintenant, j'ai un petit bout de rallonge, 3-4 cm. Ah ben vas-y. C'est peut-être faisable. Ah, Gilou, j'ai envie que tu me fasses entendre le père de tes... Comment? J'ai envie que tu me fasses entendre le père de tes enfants, mon Gilou. Oh, je vais essayer, mais je te promets rien. Ah oui. Je commence à avoir l'Alzheimer un peu. Ah. Quoi? N'importe quoi, l'Alzheimer. Ah voilà, mon Gilou, je l'entends. Ouais. Oh. Ah oui, astique-là, mon Gilou. Attends, attends. J'ai réussi à mettre la sonnette en route. Ah, vas-y, plus vite, mon Gilou. Oh. Vas-y. Ah ben, c'est possible. J'ai envie de t'entendre remettre partout. Oh ben non, oh non. Imagine que j'ai ma tête juste en dessous. Oh non, j'ai déjà changé de temps ce matin alors. Quelle horreur. Oh l'horreur. Mais prends un mouchoir, mon Gilou. Mais j'en ai plus. Mais allez, je peux utiliser déjà. C'est comme les mégots, comme les cigarettes. Ah oui. C'est dommage, mon Gilou. Comment tu vas faire avec toute la pression qu'il y a dedans maintenant? Je vais attendre demain. Ah oui, il faut attendre demain. Je vais acheter une bombe. Tu vas te caresser en pensant à moi demain? Oh, bien sûr, même toute la nuit si tu veux. Ah oui, j'aimerais bien, mon Gilou. Ouais, si tu vois ma copine Mercedes, oui. De gros, gros bisous. Ah oh, oui, je lui léchouillerai les tétons. Mais elle est où Mercedes là? Elle est garée dans le parking. Non, c'est drôle. Gilou. Elle est dans le parking. Ah, elle est dans le parking. Ah ouais, très bien alors. C'est pas. Non, c'est... dans Paris. Ah, dans Paris. Je croyais dans le parking. Non. Ah bah peut-être. Ah bah je sais pas. Elle a quel âge, Mercedes? Non, je peux rien dire de plus. Ah, tu ne peux rien dire. C'est secret défense. Non, c'est une affaire qui roule ou pas? Bah oui, ça roule comme une Mercedes. Je n'ai pas fait exprès. Ouais. Bon, ouais, bah très bien. Cool. Ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a donné une petite maladie. Ah merde! Ah bah non, mais alors il faut aller faire le nettoyage directement là! Ah merde! Gilou, parce que sinon après. Ah bah très bien! Ah bah il faut, mais il faut mettre des capotes, Gilou là quand même! Eh oui, mais. Bah oui! Bon! Je vais voir mon docteur! Bon, et Gilou! Le docteur m'a dit. Parfait! J'avais mangé de la viande qui était pas bonne et tout! Ah! J'ai attrapé deux boutons! Ah merde! Sur le bout! Non! Sur le père de tes enfants? Ben bien sûr. Non. Mais le docteur m'a dit, maintenant, il faut peut-être venir me revoir. On va couper. Mais je vais vous donner un petit truc pour l'instant. À chaque fois que vous allez manger, vous allez mettre une capote sur la fourchette. Et comme ça, vous n'aurez plus de maladie. Eh ben voilà, exactement. Tu mets une capote sur la fourchette. Je manque de capote. Ben voilà. Eh, dis-moi, Gilou. Oui. Est-ce que tu veux faire le match d'impro avec nous après, avec des auditeurs, à l'hôpital? Non, je vais prendre un plaisir à vous écouter. Bon, bah très bien. Alors, si tu veux, parce qu'il y a plein d'auditrices qui veulent parler avec toi, est-ce que tu es disponible dans la semaine? Dans la semaine? Bah oui, moi tous les jours. Ah bah très bien. Bah écoute, alors je te repasse Sandro et puis on va arranger un rencard avec plein de filles. D'accord. Parfait. Bah, bon. Appelez-nous les filles si vous voulez parler à Gilou, commencez à vous inscrire dès maintenant. Bah, bien sûr, oui, 01. Ben, voilà. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Salut Gilou. 34 centimes de la minute, c'est pas cher. Non, mais c'est gratuit, arrête de dire n'importe quoi, Gilou. Bon, salut à toi, Gilou, passe une bonne soirée. Il y a plein de messages, Alex qui dit il est terrible, pervers, petit téléphone rose gratis, quoi, effectivement. Hein. Vous faites rêver, sérieux, péter de rire avec ma femme. Il y a Florian qui dit énorme, vous êtes des grands malades. J'avais lu vite, je croyais que c'était des glands malades. Oui, mais c'est plutôt Gilou, ça, avec le gland malade. Jean-Pascal qui dit crise de rire, plie de rire. Ariel qui dit Polo, vomissons en cœur, si tu le veux bien. Écoute avec plaisir. Et Magda qui dit oh que c'est écœurant cet appel, mort de rire. Bah c'est Gilou quoi, c'est Gilou. Bon, Camille avec un K qui passe le permis demain, un petit message d'encouragement. On veut bien sûr Camille avec un K, t'inquiète. Tu pourras le repasser dans 3 semaines. Ouais, si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois, t'inquiète pas. Bon, je vous l'avais promis tout à l'heure, on va se le mettre, le son de Shakira sur Fun Radio maintenant, que vous avez découvert sur Fun Radio, bien sûr. Can't remember to forget you. On va récupérer. Ah, c'est Alex dans un instant, toujours là, Alex? Ouais, toujours là. Parfait, bon bah tu restes avec nous, on s'écoute Shakira, ouais, et on parle avec toi après, d'accord? Pas de soucis. Très bien, et on fait le match d'impro juste après, donc restez bien là. C'est Fun Radio, Mickaël No Limit. Et au cœur d'une heure sans pub, Shakira et la belle Rihanna, maintenant sur Fun Radio. C'était Shakira sur Fun Radio, Can't Remember to Forget You. Et puis on va se mettre à l'autre Shakira dans quelques minutes, parce qu'on l'aime bien. Voilà, on va se mettre un bon vieux Rihanna aussi avec Don't Stop the Music qui va débarquer sur Fun Radio dans quelques minutes. Donc restez bien là, on est au cœur d'une heure sans pub. Il y a Guillaume qui envoie un message qui dit: l'année dernière j'avais un prof qui puait de la gueule, et pendant qu'il m'engueulait, je l'ai coupé, j'ai sorti un paquet de chewing-gum et je lui ai dit: monsieur, vous en voulez un? Il y a le Divine qui dit: c'est vraiment un gros dégueulasse le Gilou. Mais non, mais c'est Gilou, c'est Gilou. Et Simon qui dit: bonjour, c'est une super radio, je suis fan de Fun. Merci Simon, et puis sois le bienvenu et préviens tes potes également qu'on est là tous les soirs, tous les dimanches soirs de 20h à minuit et tous les jours de la semaine également de 23h à 2h du mat. Hugo Réo qui dit: ah, Gilou nous avait manqué. Et alors Léa qui dit: hello l'équipe, je fête mes 18 ans aujourd'hui. Pourrais-je avoir un message pour mon anniversaire? Bah écoute, j'ai envie de te dire ouais. Hein, finalement, j'ai envie de te dire ouais, même la musique de l'anniversaire, carrément là. Voilà. Voilà. Bisous, je vous adore. Surtout toi, Mickaël, je t'adore, tu es mon préféré. Merci beaucoup, j'aime aussi Sandro et Polo. Pour toi, je l'aime aussi, mais moins que les autres. Merci Léa. Très bien Léa, bah, bon anniversaire en tout cas à toi. Et Christophe aussi qui dit: salut les artistes, toujours à la cool. Comme chaque soir, ne changez rien. Eh ben écoute, on compte plonger de toute façon. Et Lucas qui va se faire opérer demain. Bah bon courage Lucas, dis-nous de quoi tu vas te faire opérer. Tiens, si c'est grave ou pas grave, qu'on puisse savoir en fait, tout simplement. Allez, donc comme je le disais, le son de Rihanna à suivre dans quelques minutes. Et puis on a Alex avec nous maintenant là. Allô Alex. Allô. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah oui, très bien Alex, tranquillement. T'appelles des Landes toi? Ouais, j'appelle de Biscarros. De Biscarros, très bien. Et on parle de quoi avec toi, dis-moi? Moi je veux dire en fait, ça s'est passé au jour de l'an. Ouais. Et j'ai fait un plan à trois avec les deux meilleurs amis de ma mère. Oh, sympa l'enculé. Ah ouais, et le pire c'est qu'elle le sait pas. Mais comment ça s'est passé? Hein? Comment ça s'est passé? Bah en fait il a eu ses les meufs, elles sont arrivées et puis il les a baisées quoi. Voilà. C'est ça, voilà. C'est des voilà. Mecs ou des femmes? Comment t'expliquer? Ça me paraît un peu simpliste. Je me foutais de la gueule de Toff, mais comme il a pas enchaîné, Alex. Non mais comment ça s'est passé? Comment se fait que les deux meufs sont arrivées vers toi? Enfin, les deux meilleurs amis sont arrivés vers toi, tu vois? C'est-à-dire que c'était jour de l'an, complètement bourré et tout, tu vois. Ben, je vais aux toilettes et si tu veux, la copine de ma mère, tu vois, était complètement torchée et tout. Et du coup, elle commence, si tu veux, elle arrive aux toilettes après moi, tu vois. Et elle commence à me perdre des avances et tout. Ouais. Du coup, je dis ouais, laisse tomber et tout. Du coup, elle repart, elle va chercher sa pote. Ils arrivent les deux sur moi et voilà, tu vois, tu peux pas résister hein, dans ces cas-là. Ouais, mais d'accord. Donc en fait, t'es chez toi et les deux elles arrivent alors que ta mère est dans la pièce à côté. Dans une salle des fêtes, ouais, c'est dans une toilette d'une salle des fêtes en fait. La toilette, la fameuse toilette des salles des fêtes. Voilà. Mais oui, où tout le monde se fait prendre le cul. Mais oui, exactement. Voilà. Et toi, du coup, t'as eu le jackpot, t'en as eu deux pour le prix d'une. Ah, mais oui, jackpot. Mais le pire, c'est qu'elle le sait pas. Et franchement, si elle le sait, je crois qu'elle fait un câble, mais vénère. Bah, sans déconner, oui. Mais elles ont quel âge, les deux amies là? Eh ben, il y en a une de 39 ans et une de 42. Ah oui, ça va, tu t'es mis pas mal, toi, enculé. Hein. De la MILF. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, voilà. Tu t'es mis plutôt pas mal, Alex. Ah ouais, bien. Et je sais pas si t'avais écouté, on avait eu Elias également, c'était la semaine dernière, qui nous avait parlé d'une histoire à peu près semblable. Je vais vous le remettre maintenant parce qu'il était assez drôle. T'as écouté Elias la semaine dernière ou pas? Non, j'ai pas écouté. Bah, alors justement, regarde. Attends, merde, parce que ça marche pas. Bon, attends, il y a Elias aussi avec nous là, Elias. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Bon, alors c'est quoi ton histoire, toi? Tu voulais aussi réagir par rapport aux premières fois? Ouais, ben moi en fait c'est hyper bizarre. Genre je sortais avec une meuf et en fait, t'as vu ses parents? Genre ils étaient, comment ça s'appelle? Ils étaient libertins. Ouais. Et genre un jour, ben la première fois qu'on a couché ensemble, genre j'étais, elle commençait à me chauffer tout ça et tout ça. Et à un moment, et tu vois, on était à la soirée avec ses parents et tout, chez eux quoi. Et genre ouais. sa mère elle a commencé à prendre un truc bizarre, tu vois, bon elle s'est défoncée quoi. Et genre nous on a fumé un peu, t'as vu? Genre après je suis allé avec elle. Et tu vois, moi j'aime pas quand tu fais ça dans la lumière, tu vois, je préfère dans le noir. Ouais, d'accord. Et genre à un moment elle me dit attends, tu sais, je vais aller faire un truc. Et genre elle part. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui revient. J'ai compris en fait c'était sa mère qui était venue. Et genre moi j'étais en train de baiser la mère. J'étais en train de baiser sa mère. Dis donc Elias. Ouais. T'es sûr de ton coup là? Mais oui, bien sûr. La tête de ma mère, c'est un mytho aussi. Ouais, où est-ce que t'es comme Polo? Sérieux là? Hey. Ouais. Elle était avec moi pendant 2 secondes. Bon, elle a fait normal. Vas-y, j'ai dit. Vas-y. J'étais HS. Non mais attends, ouais. Ça devait être une ouf la daronne. C'est-à-dire que quoi, la meuf elle s'est assise et puis bah, elle s'est levée quoi, et puis ça fait t'avais fini. Mais non, moi genre tu sais, moi j'étais couché tranquille et genre en même temps, sa mère elle est venue et je sais pas, elle m'a fait un truc de vieille quoi. Mais elle m'a fait un truc en 2 secondes, ça y est, j'étais. Elle t'a fait du vice. J'étais en film X quoi. Mais ouais. Que je veux dire. Et en fait c'est pas fini parce qu'à la fin. Il y a le daron qui est rentré. Non. Je me suis tapé le père. Il y a ma meuf qui est revenue. Ouais. Bah, c'est normal, à un moment, il fallait bien qu'elle revienne. Voilà, et il y a les deux, ils étaient dans la chambre, et genre, elle allumait la lumière, et parce que moi, j'étais bon. En fait, c'était moi qui jouissais, tu vois. Exactement, il veut savoir la fin de l'histoire. Tout à fait, et du coup, donc, la suite de l'histoire. Et ben, en fait, quand la fille, elle est venue, et elle est venue et tout, et genre elle a allumé la lumière. Ouais, parce que tu t'es tapé la mère de la fille 2 secondes. Oui, mais moi je savais pas, moi. Non, mais bien sûr. Non, mais d'accord, mais j'ai pas le contraire. Mais donc tu t'es tapé la mère de la fille 2 secondes. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un va, un vient et. Mais non, je l'ai même pas pénétré. Elle a juste mis sa bouche, c'est tout ça. Ah ouais, t'étais vraiment au bord du bord, quoi. Ah non, mais j'étais en extase. Tu m'étonnes, bah oui, mais t'avais quel âge? J'avais 13 ans, je crois. Oh là là. Ouais, j'avais 13 ans. Ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Et genre après, la fille, elle est venue, enfin ma copine, quoi. Elle a ouvert la porte et elle l'a vu en train de me pomper. Et genre moi, je me suis dit, ça y est, c'est la mort. Elle va aller, elle va me tuer, elle va tuer sa mère, elle va péter les plombs. Et ben en fait, non. Elle est venue, c'est partout. Bah oui. Elle s'est rajoutée au lot. Au lot. Mais j'étais chaud. Tu travailles sur les marchés, toi, non? Elias. Je me suis dit, oh putain, j'ai une cougar et j'en ai une, elle est chaude. T'es fort, toi. Ah ouais, t'étais au taquet, toi. J'ai tout ça à 13 ans, rappelons-le. Ah ouais, ouais. Et après, t'as pris les clés de la Ferrari et t'es rentré chez Watt. Non. Pépère, quoi. Il y avait pas de Ferrari. Il y avait pas? Non, il n'y avait pas. Blue gosse. Par contre, c'est dommage que Toff, il était pas venu. Mais ouais, moi j'aurais bien aimé, hein, parce que si j'avais pu me serrer la daronne, moi je l'aurais fait avec plaisir. Ah bah tu m'étonnes. Et surtout, du coup Alex, est-ce que c'est comme Elias l'histoire, toi aussi t'as mis deux cartouches comme ça en 2 secondes ou pas? Ouais, voilà. Non, moi. Ah si, t'as été rapide, hein, d'accord, ok, t'es précoce. Non mais c'est bien de l'avouer. T'as mis le temps qu'il fallait, toi t'étais en mode beau gosse, toi. Moi j'étais pas pressé, hein. Ah bah oui, c'est ça. Bah, en même temps, Elias, c'est-à-dire que comment te dire que si son histoire est vraie, tu te mets à sa place, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a une MILF qui débarque, et ça va un peu vite, quoi. C'est comme voilà. Ça. C'est comme ça. C'est le problème des MILF, hein, ça va toujours un peu vite. Bah évidemment. Et puisqu'on parle de ça, justement, est-ce que vous avez déjà eu des coups d'un soir catastrophique? Oui. Oui, ah bah bien, j'imagine. Et toi, Alex? Alex? Une histoire. Alex! Ouais, Alex nous a quitté malheureusement. Est-ce que tu as déjà eu des coups d'un soir catastrophiques? Non. Ah merde. Bon, dites-nous les autres, mais vraiment le truc que vous regrettez encore. Je vous demande ça parce que sur un blog, il y a une fille qui raconte sa soirée avec un mec et c'est assez horrible. Alors donc je lis texto. Hein. Un mec est venu avec une capote donnée dans la rue et il s'inquiétait. Ouvrez les guillemets. Si ce n'est pas ma taille, on fait quoi? Fermez les guillemets. Elle répond. Bah au pire, si elle est trop petite, il est possible qu'elle change de bord. Mais vraiment, ce n'est pas très grave. Sauf que c'est effectivement arrivé et que j'ai dû la récupérer. Comme discussion d'après Coït, on fait mieux que. Mais t'es sûr qu'elle n'est pas quelque part dans le lit? Non, non, elle est forcément chez toi maintenant. Je ne le souhaite à personne. J'ai mis une demi-heure à réussir à la récupérer. Donc c'est ce qu'on appelle un plan de merde, puisque finalement ils ont plus pris de temps à retrouver la capote qui était paumée qu'à baiser. Ouais, dans l'idée c'est ça. Donc est-ce que t'as déjà fait un plan de merde, Polo? Non, tous les plans étaient bons. Bah il faudrait demander aux filles que les meufs que Polo les est appelé pour voir. À part une pénétration anale, il y a pas de plan de merde. Non quoi. Mais oh si bon, oh là là, qu'est-ce qui est dégueulasse. Oh, rigole, oh là putain, on dirait Toff. Et Toff, le pire coup d'un soir, foireux. Le pire coup foireux, j'en ai quelques-uns quand même. Hein. Bon, mais donne-en un et puis on verra. Il y a la meuf qui bougeait pas, ça c'était le pire. Ouais. Enfin, c'était un des pires. Il y a la meuf qui bougeait pas, il y avait l'hystérique. L'hystérique? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la meuf, une fois que je l'ai pénétrée, c'est genre, il fallait que ça aille archi vite, mais j'ai cru qu'elle allait me démonter la tub. Bon, ça posait pas de problème pour toi, ça allait vite, non? Non, c'est pas d'aller vite dans l'éjaculation, d'aller vite dans le mouvement, quoi. La meuf, enfin, je sais pas, c'est fallait que ça aille vite. Ah, d'accord, ok. Je ligne de plus en plus vite. C'était horrible. Surtout moi qui n'ai pas de condition physique. Avec son poumon crevé. En plus, ouais. Et son calcul. C'est peut-être de là que ça vient sa pierre dans les reins, là. C'est de là que ça vient, le poumon. C'est ouais. Ça, c'est Stéphane. Mais avec l'éjaculation, t'aurais pu la tuer avec le caillou. Exactement, t'imagines, tu lui envoies une comète. Ouais. Hop. La violence. Comme une balle. On en parle des pires coups là. Est-ce que vous avez une étoile filante? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà fait des coups foireux? Enfin, des coups foireux. J'en ai d'autres. J'imagine. Votre pire coup d'un soir. Venez nous le raconter maintenant. Ça se passe au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alex, reste avec nous. Vous pouvez aussi envoyer vos messages depuis le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Il y a Christophe qui dit bonjour le mytho. Et Toff est enfin bon, mais vu de l'intérieur, mort de rire. Et il y a Christophe qui dit ma prof de maths m'a dit que j'aurais jamais l'examen. Résultat, j'ai eu 17 sur 20. Alex, un coup de pelle à la prof, évidemment. Voilà, je vous l'avais promis. Allez, on se met le son de Rihanna maintenant, à défaut de se mettre Rihanna. Ce qui est dommage. Non, mais oui. C'est vrai. Bref, personnellement. Ça doit être un bon coup d'un soir. Bah, écoute, je sais pas, mais elle est plutôt mignonne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Don't Stop the Music, c'est maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Et on est en direct sur Fun Radio, comme tous les dimanches soirs de 20h à minuit. Et comme tous les soirs de la semaine de 23h à 2h. Rihanna, Don't Stop the Music. On écoute maintenant. Et on récupère comme promis juste après Alex. Et on fera bien entendu aussi le match d'impro, voilà. It's getting late, I'm making my way over to my favorite place. I go side, mama say, mama side, mama. Please don't stop the music, music. Rihanna sur Fun Radio, don't stop the music. Et puis bah restez là évidemment, puisque je vous calerai tout à l'heure le son d'Afrojack sur Fun Radio avec The Spark. C'est ce qui va débarquer avant minuit, donc restez bien sur Fun Radio. Et si vous voulez écouter un son en particulier, demandez-le, n'hésitez pas, hein, hashtag Mickaël, puisqu'on vous invite à le faire, profitez-en bien. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission et puis on passera votre titre, hein, si jamais on l'a, avec grand plaisir. Vous pouvez aussi demander sur le Facebook, bien sûr, facebook.com/Mickaël officiel. Coucou Mickaël, c'est Sabrina, je suis fan de vous, j'ai 24 ans, j'ai entendu que vous allez aller au El Patio. Je peux venir et faire du karting avec Polo, il est trop beau. Oh bah merde alors, ça alors. Pour une fois qu'on trouve. Hey, laisse ton numéro, je t'invite Sabrina. Voilà. Une fois qu'on trouve une meuf qui open sur Polo. Elle a peut-être des problèmes de vue. On verra. Mais Sabrina, je renvoie. Suis mariée. Parce que t'as envoyé un SMS, donc renvoie un SMS parce qu'on n'a pas ton numéro avec le, ton numéro de téléphone et je t'invite. Voilà, c'est pour Mickaël. Voilà, tu seras invité Sabrina avec la copine de ton choix ou le mec de ton choix, peu importe. Mais bon, tant qu'à faire, autant voir deux filles quoi. Hein. C'est mieux. Voilà, je rappelle que le 7 février, on sera au El Patio à Compiègne. Si vous voulez faire la teuf avec nous, on fera un kart l'après-midi. On ira également faire un petit peu de laser game. Si vous voulez venir jouer avec nous, on mettra toutes les infos sur le Facebook de l'émission. Et on fera l'émission en direct de chez un auditeur. Ce sera le 9 février. Ouais, le 9 février, c'est ça. Et ce sera à Noyon, toujours en Picardie. On fera l'émission en direct de chez Olivier, qui est un prof de maths qui a gagné la possibilité qu'on vienne faire l'émission en direct de chez lui. Normalement il va venir avec ses élèves et tout, ça va être la folie totale. Vincent également qui dit oui, la capote qu'il a chez la meuf qui veut pas se faire pénétrer sans capote, pire coup d'un soir. Mais en même temps la raison, Vincent, de pas vouloir se faire pénétrer sans capote, t'as qu'à prendre de vous n'aviez qu'à avoir plus de capotes et ben pas en mettre qu'une seule. Elle a totalement raison et je dis oui, je suis totalement pour les meufs, les mêmes les mecs. Si la capote craque, vous avez rien d'autre, tant pis, bah stickez-vous et terminez comme ça. Mais ne dites pas ouais mais oh, bah, c'est pas grave pour une fois, parce qu'il suffit d'une fois et après tu peux te choper toutes les maladies, même aussi avoir des gosses, hein. Faites gaffe aussi avec ça quoi. Ouais, t'en profites pour une petite faciale. Merci Toff. Il y a Floris aussi qui dit merci Mickaël, je reviens sur Fun après 15 ans d'absence. Je suis ravi, Jean-Pierre Sauzère est toujours là. Ah oui Floris, il est toujours là et toujours fidèle à lui-même. 15 ans après, toujours, ouais, toujours fidèle à lui-même, je confirme. Et Samy qui dit bon mon coup foireux, c'était dans l'école, aux toilettes, on a commencé à baiser, puis l'alarme s'est enclenchée et on s'est fait choper dead. Oh merde, putain la poisse. Mickaël, vous êtes des malades. Oui, surtout Toff avec son calcul là. Oui, oui, je calcule dans son rein là. J'ai beaucoup souffert ce week-end. Et Amélia qui dit Toff de l'intérieur, c'est pareil que de l'extérieur, c'est une merde. Oui, allez le voir, hein, j'ai mis une photo de son scanner qu'il a été faire à l'hosto, Toff, ce week-end. Donc allez voir et dites-nous ce que vous en pensez de lui, justement, de l'intérieur. Oui. Facebook.com. C'est la beauté intérieure qui compte, on l'a toujours dit. Ouais. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, on parle des pires coups d'un soir. On fera aussi le. Chaque fois j'oublie ce nom, c'est quand même exceptionnel. Le match d'impro, voilà, pour gagner écran plat ou pour gagner tout simplement des netbooks qu'on a à vous offrir ce soir. Si vous voulez participer, on a déjà un garçon, il manque une fille. Si vous voulez jouer avec nous au match d'impro spécial film de cul, hôpital. Voilà, allez, c'est les deux thèmes. Donc allez-y les filles, si vous voulez jouer, vous savez quand même, vous allez pouvoir quand même gagner les cadeaux. Hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Pire coup d'un soir avec Cédric avec nous maintenant de Metz là. Salut Cédric. Salut oui. Cédric. Oui, je suis là. Ah, très bien. Cédric de Metz, comment ça va? Oui, ça va. Bon, eh ben très bien. Bienvenue à toi, Cédric. Bon, exactement. Cédric, c'est quoi ton histoire, le pire coup d'un soir, toi? Vas-y, balance. Bah, en fait, ça dépend. Il y a la version courte et la version longue. Ouais. Alors, ça dépend, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, la version... Drôle. La version drôle, voilà. Fais un mix des deux. La version drôle. Alors, la version drôle, tu vois, c'était... quand j'étais jeune, je sortais avec une fille, j'avais genre 12-13 ans, tu vois, et puis après, bah, la vie a fait qu'on s'est quitté. Et il y a genre 3 ans, j'arrive à avoir son numéro, tout, je le rappelle, ouais. Et elle me donne rendez-vous. D'accord. Donc moi, super content, tout, je me dis, bon, ben, ça va le faire, quoi, puis voilà, je me prépare, tout bien. Et le soir-là, j'y vais, il y a de la neige. Et en fait, on était dans ma voiture. Et je lui dis, bah écoute, attends, tu vas me passer un coup de lingette. Et je me passe un coup de lingette. Sur la vite? Oui, oui. Je me passe un coup de lingette. Bah, mais normal, tu vois. Non, mais à la limite, nettoie le gland. Mais non, mais que tu le fasses, mais lui dis pas à la limite. Enfin, tu vois, ça fait quand même, ça tue l'amour. C'est comme si la meuf, elle veut tout de suite dire, attends, je vais d'abord aller me le laver parce qu'il pue. Il pue la pisse. Non, mais tu vois, c'est tue l'amour à mort. C'est comme, enlever mon gland dans la merde. Ouais, mais c'est pareil, tu veux faire un cul à une meuf et tu te dis, attends, je vais me laver parce que je pue. Parce que tu peux lâcher. Non, mais. Je vais chercher un gant de tout. Attends, ça pue le fennec. L'horreur. Bon, non, bah alors vas-y, continue. Mieux, ouais. Je veux dire, c'est quand même mieux quand. Je veux dire, quand elle te suce, c'est quand même mieux d'avoir passé un coup de lingette. Quoi. Non, mais on est d'accord. Dans la rue, on est d'accord que c'est mieux quand. Ouais, mais c'est mieux quand c'est propre, mais il faut pas le dire texto, quoi. Ouais, tu fais discrètement. Bah oui. Ah non, mais on l'a fait tous les deux. Elle a fait elle de son côté, moi j'ai fait de mon côté. Ah, c'est un prostitué, ça. Ouais, bah ça fait vraiment. C'est tue l'amour, quoi. Mais bon, ok, d'accord. Non, c'était pas ça le problème. Bref, on s'est préparé chacun, tu vois, de notre côté, bref. Et donc, le pire coup d'un soir, c'est qu'en fait, bah, après, j'arrivais plus à bander. Donc, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Puis, j'arrivais plus à cause du froid, quoi, en fait. À cause du froid. Putain, bah, moi je peux dire que si la meuf elle me plaît, il peut faire moins 10 ou plus 40, c'est pas un problème. Hein. Ah ben... En fait c'est pas compliqué, j'ai jamais eu de panne. Moi non plus. Ah oui. Jamais. Qu'est-ce que tu es fort, Mickaël. Attends. Cède, j'ai pas dit que ça ne m'arriverait jamais. J'ai simplement dit que pour l'instant je n'en ai jamais connu. J'ai jamais eu de panne, j'ai jamais eu de problème pour bander. Jamais ça m'est arrivé. Mais je dis pas que ça m'arrivera pas, hein, mais voilà, moi ça m'est jamais arrivé en tout cas. Ben écoute, moi jamais j'ai pensé que ça m'arriverait un jour, parce qu'ensuite, en plus la fille elle me plaît, et puis c'est une des plus belles filles avec qui je suis sorti. Ouais. Et je suis bien sorti avec des ouais, boudins. Ouais mais attention, parce que regarde, quand Toff nous dit ouais mais c'est une des plus belles filles, alors ouais. C'est une des plus belles ouais. Par rapport à toutes, à toutes les autres, et je peux dire que c'est pas non plus la folie. Hein. Et dorénavant, il sort avec un pistolet chargé, puisqu'il a un caillou dans la bite, et exactement. Ça va tirer bientôt. Ouais. Totalement. Il va tuer la prochaine. Totalement. Toff, t'es déjà tombé en panne toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Ah, ouais. Ah c'est bizarre. Ah ouais, Polo, jamais toi. Jamais, non, honnête, jamais. Moi, lui, il est honnête, voilà. Mais non, mais, c'est non pas, mais moi aussi, je suis honnête, je te dis que ça m'est jamais arrivé. Non, moi, il m'est arrivé d'être rapide. Tu sais, oui, des mais là, ça, moi aussi, ça, moi aussi. Tu contrôles plus le machin. Tu copines en ce moment ou pas? Moi, ouais. Ouais. Mais voilà, mais ça m'est jamais arrivé. Mais comme vous voulez, ça m'est déjà arrivé d'être rapide, ça, bien sûr, ça, c'est clair. Mais jamais eu de panne, pour l'instant, en tout cas. Mais voilà, touchons du bois, hein. Okay. Que ça n'arrive pas. Il y a Ludivine qui dit, moi une fois avec mon copain dans un chemin plein action, un mec tape le carreau et nous dit je fais que passer. Mais qui ferme sa gueule pour qu'il passe pas tout seul. Pourquoi il doit frapper à la porte, con, ouais. Christophe pardon qui dit pas de capote, fini par une faciale, mais pour Polo, rien de tel que finir dans les cheveux. C'est ah vrai. Oui, bah c'est oui, mais ça c'est son fantasme suprême. Il y a Greg également de Belfort. Salut Greg. Salut tout le monde. Comment ça va? Très bien et vous? Bah très très bien. Alors c'est quoi ton pire coup toi? Alors moi mon pire coup... T'as un pire coup d'un soir hein. Ouais, ça s'est passé il y a relativement longtemps. En fait, c'était une rencontre, on va dire, rapide. Ouais. Et décidé de regarder un petit film, on s'est posé devant le film, on a commencé à s'embrasser, à se caresser. En fait, quand j'ai commencé à la déshabiller, on va dire que c'était pas du tout les sous-vêtements glamour. Ah d'accord, je croyais que c'était un mec. Culotte. Non. J'ai eu peur, je me dis putain le pauvre, il s'est tapé un mec. Non, j'aurais dû vérifier avant quand même. Bah on sait jamais, hein, on sait jamais. Exact. Et ouais, c'était absolument pas glamour du tout. La grosse culotte, donc qui freinait un peu au départ, je me suis dit bon tant pis. J'ai avancé. Et en continuant, en fait, c'était une fille qui... C'était quoi, c'est quoi? C'était une fille qui voulait, qui bougeait absolument pas, qui donnait aucune émotion. Ah ouais, mais ça c'est horrible. Ouais. Au final, en fait, j'ai fini de regarder le film et pendant qu'elle était sur moi et qu'elle continuait. Oh merde, putain, ah, de pire. Je me faisais tellement chier que on a fait, j'ai regardé la télé. Et moi ça m'est arrivé, donc tu sais, à la fin, la meuf, moi j'étais dégoûté, donc je lui dis bon, écoute, je suis désolé, voilà, je vais y aller quoi. Ah bon, déjà, mais parce que c'était bien, donc si tu veux, on peut le refaire. Non, ça non va mais aller. Ça va, j'ai piscine là. Ça va aller. Oui, ça va aller. Et toi, Alex, tiens, tu nous appelais parce que t'avais fait le plan cul avec les meilleurs amis de ta mère là. C'est ouais. Quoi ton pire coup d'un soir en fait, tant que t'es là? Bah, j'en ai pas spécialement. Hein. Ah, je sais pas. Peut-être que t'en as un. Je pense que je pose la question. C'est celui-là, c'est tout. C'est pas vraiment un pire coup, tu vois. Mais... Non, mais je parle pas de celui-là qui était le pire. Je dis, est-ce que t'en as un dans l'absolu, un pire coup d'un soir? Non, pas vraiment. Hein. C'est celui à venir. Ah et après il y en a qui vont peut-être venir, oui ça c'est sûr aussi. Ouais, attends, il ouais. Y a aussi Ulrich qui est avec nous, salut Ulrich. Salut. Ça va? Ouais Ulrich. Ouais. C'est quoi ton pire coup d'un soir Ulrich? T'as un compresseur chez toi, t'as un truc pour la voix, c'est ça? T'as non, 50 ans, t'as mis de l'hélium. Ulrich. Oui. C'est quoi ton pire coup d'un soir parce que t'appelles pour ça? Ouais, j'étais avec mon nounours, il a pas voulu dormir avec toi. Ta gueule. Bon, en fait j'ai couché avec une fille tranquille et puis la fille elle arrive, elle me fait mais t'es un gros bâtard, fils de pute et tout, elle commence à m'insulter, je lui fais calme-toi. J'ai pas compris, elle s'est tirée, il y a sa mère qui est arrivée, elle me dit t'es un gros con, va te faire enculer et tout. Et puis voilà, moi je me suis pris plein la gueule par mon père. D'accord. Non, c'est pas une fille, Cédric, c'est un garçon, c'est Ulrich. Ah merde. Et donc, ça c'est ton pire coup d'un soir. Enfin, c'est le seul. C'est bizarre d'avoir un prénom allemand et l'accent du sud. Hein. C'est vrai. Mais donc ça c'est ton pire coup d'un soir, Ulrich. Et en fait, ouais, mais après ça s'est pas terminé comme il fallait et tout. T'as fait dans une boîte à partout. C'est ça. Elle a gardé le paquet de bonbons. Elle a gardé tous les bonbons, c'est ça. Salope. Avec toutes les billes. Donc vas-y Ulrich, ah, dis-moi Ulrich. Je me suis pris des claques à tir à l'arigot, moi. À tir à l'arigot. Merde. Je croyais qu'il n'y avait plus que mon daron qui utilisait cette expression. Bah non, apparemment elle revient à la mode. Qui t'a giflé Ulrich? Mais c'est la meuf. À tir à l'arigot. C'est la meuf qui t'a giflé Ulrich? Ah ouais, non, mais oui. Mais pourquoi elle t'a giflé? Bah parce qu'apparemment j'étais un gros con. Ah j'avais bon bah écoute Au début j'avais pas tout compris parce que ça a été un gros. Mais Ulrich, t'as des poils ou pas? Bah oui. D'accord. Et quand tu t'es déjà branlé? Bah oui. Et il y a un truc qui sort à la fin? Bah oui. Non, bah très bien. Non, mais on pose des questions. Hein, parce qu'après, c'est pas toujours fini pour toi. C'est pas toujours clair pour tout le monde. C'est évident. C'est évident. Top. Ouais. Ouais. J'ai peut-être une voix de merde, mais maintenant, moi, j'ai 14 ans. Donc, j'ai peut-être une voix de jeune, mais en attendant. Et en même temps, Ulrich s'est peut-être tapé une meuf qui était vachement plus bête que toutes les meufs que Stoff s'est tapé. Bah, plus bête peut-être. Exactement. Plus belle. Ah, pardon. Voilà. Plus bête, c'est sûr. Ah, mais plus bête, ouais, non, bah, ça, c'est certain. Ouais. Bon, bah, très bien. Bah, merci Ulrich d'être passé, hein. Beau gosse. Ouais. Eh, on rigolait. Salut ma gueule. Mais oui, on rigolait évidemment. Salut Ulrich. Et on va te filer un pack fun, Ulrich. Reste avec nous. S'il te plaît, merci. Je t'en prie, avec plaisir. Greg et Cédric, encore un truc à ajouter, les gars? Moi, c'est bon. Bon, très bien. Bah, vous revenez. Et bah, vous revenez quand vous voulez. Tente encore un petit détail. Vas-y, Greg. Bah, vas-y. Ouais, je crois que je me souviens d'un coup en boîte et Vas-y, raconte. C'était avec une fille qui était relativement charmante, mini jupe, bon, la grosse allumeuse, certes. Ouais. On avait commencé dans les toilettes et on a fini assez rapidement parce que à côté ça a commencé à gerber. Oh. Et du coup on s'est dit écoute, on finira chez toi ou chez moi, mais on peut pas finira quoi. Ah. Et du coup c'est vrai que celui-ci m'avait un peu marqué aussi. D'accord. Et un peu moins pire que le premier, mais c'est vrai que quand t'entends quelqu'un à côté, quelqu'un qui est malade, ça t'arrête net dans ton élan. Quoi. Ah bah tu m'étonnes, hein. C'est clair que quand t'es un mec qui commence ou une meuf qui commence à être malade, c'est clair que ça peut te bah t'arrêter, c'est le cas de le dire. Merci Greg d'être passé. Ouais, mais merci à vous, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bien, je l'écouterai encore jusqu'à ce soir. Ah bah j'espère bien, c'est gentil Greg, tu reviens quand tu veux évidemment. Il y a Chéri qui dit aussi mon pire coup d'un soir, c'est que mon homme a voulu se taper une vache. Ah oui, là oui, c'est effectivement. Et ridiculissime sur le Twitter qui dit mieux que la sarbacane à air comprimé, le caillou dans les rantoff. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Bon allez, restez là, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Les derniers appels avec Toff, le temps de se faire le son de Asie maintenant sur Fun Radio, c'est Born Again. C'était le son d'Asie à l'instant sur Fun avec Born Again. Il y a Habib aussi qui dit oh putain le petit c'est un énorme mytho. Il y a Quentin qui dit le pauvre Toff, je suis sûr qu'il doit qu'il le dit pas mais il va finir par faire une dépression. Mais bon c'est vrai qu'il est moche. Mais oui, j'ai besoin de réconfort les filles. Mais oui, et Océane aussi qui dit vous déchirez grave, merci Océane. Et Alexandre qui dit le coup foiré qui m'est arrivé, c'est qu'une de mes ex me dit de venir chez elle pour bah voilà et que au bout d'une heure j'arrive, elle me dit bah désolé j'ai mes règles. Alors l'angoisse. Ça ah, c'est putain, bon. Ah ouais ça c'est l'angoisse. Alice qui dit je vous adore, je vous écoute depuis octobre, je pourrais avoir un petit message de bienvenue s'il vous plaît. Bien sûr Alice, avec grand plaisir, et je vais te mettre un petit sympa, celui-là il est pas mal. Si mes souvenirs sont bons. Eh bah va te faire enculer déjà. Eh bah voilà, très bien, je te mets même celle-là, tiens. Tête de bite. Voilà, et encore un. Allez vous faire enculer profondément. Voilà, comme ça au moins t'as même eu une petite triplette, voilà. Et en parlant d'insultes, je rappelle que Toff appelle tous les soirs, évidemment, des gens à gauche, à droite, un peu partout en France, en Belgique. Sympathique. Tout à fait, bon, on essaye en tout cas, avec des thèmes bien précis, mais toujours très importants. Ah bah c'est le plus important, c'est le thème. Évidemment. Et donc là pour le coup c'était une pénurie de sperme en Belgique. Les banques de sperme étaient vides. Oui, il n'y a plus de sperme en Belgique. Parce que voilà. Il y avait genre 180 donneurs et sur les 180 donneurs, il n'y en avait même pas 50 qui avaient été retenus quoi. Une catastrophe. Bah oui, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Voilà, donc il n'y a plus de foutre. Voilà. Et il paraît que la plus grande banque du sperme qui est au Danemark n'accepte plus le don des roues. Non. Parce qu'il y a oui parce que personne demande le sperme de roue et donc en fait ils en veulent plus. Tu m'étonnes. Bah oui. Ouais, donc voilà. C'est clair. C'est assez drôle. Bon bah du coup on va donc on avait appelé hein, des gens pour essayer de voir s'ils étaient d'accord de donner un pot de sperme pour les banques de sperme en Belgique. C'est parti, on y va, on appelle, let's go. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce qu'il y a pénurie de sperme en Belgique, monsieur. Écoute, tu te prends pas un malin, bah arrête de casser les couilles là, c'est déjà 3-4 fois que t'appelles, c'est de Johnny, va. Mais pas du tout, monsieur, moi je vous appelle parce qu'il y a pénurie de sperme en Belgique, monsieur. Ouais, va te faire enculer, connard. Mais enfin, monsieur. Enfin, allô. Oh, quelle agressivité, et voyons. Oui, il t'avait quand même traité de Johnny, hein. Oui, Johnny. C'était une insulte. Une très belle expression. Bon, bah oui, bon, du coup, on rappelle, hein. Allez. Oui monsieur. Tu sais quoi, je vais appeler mon fournisseur, je vais demander à afficher ton numéro, la tête de la mère, tu vas voir. Mais oui, je vais aller porter plainte, t'inquiète pas, tu vas voir. Mais vous voulez pas faire un don de sperme plutôt monsieur? Je vais faire un don de défonce ta gueule, etc. Hey, gros fils de pute, t'as que ça faire ta vie ou quoi, espèce de blaireau? Mais enfin madame, calmez-vous. Graphique de bête. Il va appeler son fournisseur. Hein. Oui, bah, qu'il appelle son fournisseur, son fournisseur de téléphone. Exactement, qu'il appelle le fournisseur, évidemment. Oh. Bon, Audrey aussi qui dit, moi, mon pire coup d'un soir, c'était dans le lit des parents qui s'étaient absentés pour un repas. Il a lâché un P à cause de... Attends, c'est quoi ? Il a lâché un P à cause de rien, puis une fois fini, on va se coucher dans son lit. Le matin, je vais dans la cuisine, sa mère vient me voir et me parle que ce matin, en enlevant les draps, elle est tombée sur une trace de merde. C'est là que j'ai compris qu'en pétant, il a un peu chié. Oh, ah, la grande classe. Et bon appétit si vous êtes en train de bouffer quelque chose là. Il y a Mlle Océane qui dit, je voudrais un message de bienvenue s'il te plaît. Allez, toi aussi t'en veux un, toi aussi tu vas en avoir un avec grand plaisir. Et ça va être celui-là. Allô, faire un culé, gros pédé. Ah bah non, t'es une fille, alors attends, je suis obligé de changer. Alors attends. Mais je m'en branle de vos questions de merde ou pas merde. J'en ai rien à foutre. Voilà, et puis Stevie aussi, salut Mickaël, un petit message, bah toi aussi. De bienvenue pour moi, j'avoue, je vous kiffe, pardon, vous faites délirer, continuez comme ça. Et un coup de pelle pour Polo également. Tiens, c'est rare, d'habitude c'est surtout pour Toff, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, bah, chacun son tour, Polo, et du coup, voilà, je la mets pour Toff aussi, comme ça moi c'est fait. Et le message de bienvenue, eh ben on va se mettre celui-là, ça fait longtemps. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà, au moins, au bon accueil, bonjour. On n'a pas l'aspirateur pour aspirer le caillou par la. Bah, c'est pas sûr hein, que ça fonctionne. Ah, je vais essayer ce soir, je vais me mettre sur la teub. Bah attends, Polo, essaye de lui mettre directement là pour voir. Attends. Mets ta bite sur la table. Laisse-moi le brancher. Oh, genre. Bon, attends, j'allume. Vas-y. Marche pas, hein. Non, attends. Même l'aspirateur, il veut pas de la bite de Toff. Bah elle est un peu petite, hein, elle s'est noyée dans la poussière. Ouais, c'est bon, ça. Voilà, on aura au moins essayé. J'aurais dû sortir l'aspirateur de table. Ça aurait peut-être été mieux. Hein. Ah, tu vas mourir. Ah, bah, hein. Peut-être. Bon, on va prendre... où est-ce qu'ils sont ? Noémie et Hadj qui sont là. Salut Noémie. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien Noémie, sois la bienvenue, t'appelles de Rouen toi. Et Hadj de l'autre côté, c'est Hadj ? Tout à fait. Comment ça se dit Hadj ? Tout à fait, ça se dit Hadj. Ça va Mickaël ? D'accord, bah, très bien. Et toi, c'est de quelle origine ça Hadj ? Algérien. D'accord, ok. Ah bah je connaissais pas. Algérien. C'est algérien. Oh, c'est drôle. Ça. Voilà. Qu'on m'avait jamais fait celle-ci. Ah t'as vu hein. Et il fallait bien arriver ici pour le on faire. Le badge. Ah oui, le badge aussi, c'est pas mal. Algérien. Bon, t'appelles de Lyon, toi, Hadj, et on va se faire évidemment maintenant le petit, la petite impro, bien entendu. Le meilleur des deux va repartir. Pour l'instant, les auditeurs ne sont pas forcément très très bons. Faut dire ce qui est, c'est vrai. Faut être honnête à un moment. Hein. C'est vrai. Et j'espère que vous allez faire remonter la moyenne. Noémie et Hadj, est-ce que vous avez bien compris le concept ? Ouais, rappelle-le quand même. Bon, je vais le rappeler. Bon, Toff, un calcul rénal. Je souffre. Il est donc à l'hôpital. Voilà, donc là, il est à l'hôpital, voilà, etc. Je suis le brancardier, là, poussez-vous, là. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vas fermer ta gueule. Il est à l'hôpital, voilà. Et donc, vous êtes ce que vous voulez. Soit Noémie est infirmière, Hadj est médecin, soit l'inverse, enfin, on s'en branle. Et donc, tiens, dans ta gueule. Et donc, le principe, c'est que on va improviser une scène qui va durer 2-3 minutes grand max, ok ? Film de cul. Ouais. Donc, nous sommes dans un film de cul qui est tourné dans un hôpital. Ok. Donc, ta gueule. Le malade est là. Voilà. Et toi ? Oh, qu'il est relou. Bon, et donc voilà, donc on est dans un hôpital, vous prenez les rôles que vous voulez. Nous évidemment on va arriver au milieu pour lancer Il va saouler lui. Je souffre. Voilà, pour lancer le délire d'un côté ou de l'autre, et après il faut nous suivre évidemment, il faut arriver à retomber sur ses pattes, bref, de l'impro, d'accord ? Okay. Et ensuite les auditeurs voteront pour soit toi Noémie, soit toi Hadj, et un des deux repartira soit avec le netbook, soit avec l'écran, d'accord ? Ok, pas bon, de soucis. Allez, okay. Vas-y, t'avais une question, Hadj ? Non, juste Noémie, tu fais l'infirmière et moi je fais le gars qui vient voir son pote. Comme tu veux. Pas de soucis. Comme tu veux. Eh ben voilà. Comme ça, ouais. Eh ben partons là-dessus, l'infirmière et Toff est le malade. Donc, Toff est le malade. Ta gueule ! Oh là là, il m'a saoulé. Toff est le malade, Noémie est l'infirmière, Hadj est le pote de Toff qui vient le voir. Et puis moi je serai docteur Michael. Ok. Voilà, donc je passerai à un moment ou à un autre. Bon, on est donc à l'hôpital. Alors Toff, comment ça va ? Oh putain, t'as mal et tout, elle est passée à l'infirmière ou quoi ? Non, elle est pas passée ? Bon, je l'appelle. Bonjour madame l'infirmière, alors mon pote il a un souci là, il a mal là. Oui, mais je vais m'occuper de lui, hein. déshabiller par contre. Ouais. Allez-y, occupez-vous, allez-y. Hein. Je suis bien par contre. Hein. Ah. Je dégagé ton petit pantalon. Ouais. Ah là, c'est bien comme ça là. Vous voulez m'aider? Ah ouais. Ça m'arrangera ouais. un petit peu. Ouais. Tu fais lui la bite pendant que je vous regarde. Hein? Ouais. Moi, je me mets à l'aise. T'inquiète, je suis à l'aise. Moi, bon, y a pas Mettez-vous de souci. Mettez-vous à l'aise, oui. Moi, je suis à l'aise. Moi, en plus, t'es super bonne et tout. Vas-y, branle mon pote et tout. Vas-y, t'as fait tout. Ah, ouais, je vais enlever ma veste. Ah, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne et tout. Ouais. Si vous pouvez me flotter un petit peu, ça me ferait du bien. Pas de soucis, regarde, moi je te l'ai sorti et tout, regarde, elle est là. Prends-la dans ta main, vas-y, oh putain, tu la sens, parce qu'elle est grosse et tout, hein, elle est grosse, hein. Ah là, elle est bonne, hein. Est-ce que tu peux venir derrière moi? Ouais, mais y'a pas de soucis, moi je te la... Je m'occupe de ton copain. Vas-y, je me mets derrière, moi je te la rentre dans le cul direct. Moi, là, je te la rentre, je suis dedans, vas-y, tu la sens, ma grosse bite là. Ah oui, nickel, vas-y, prends-la bien, vas-y. Vas-y, je te la mets, vas-y, suce mon poids de top, vas-y, suce-le. Vas-y, tu la sens là, vas-y, oh c'est bon ça, vas-y. Elle est montée sur mon pote, vas-y, elle est montée sur mon pote. Elle est montée sur mon pote, moi je te monte derrière et tout, on fait une double peinée. Vas-y, grosse fessée. Excusez-moi là, docteur Michael, bonjour, qu'est-ce que vous faites là avec le patient? Salut docteur, vas-y, sors là, tu l'as mis dans sa bouche, vas-y. La bouche de qui là? Du patient? Non, vas-y, regarde, attends ça. Mais dis donc, infirmière Noémie, qu'est-ce qui vous prend là? Mais j'ai envie de baiser. Elle est trop bonne pour l'infirmière, on est en train de la baiser là avec mon pote là, vas-y. Vas-y, viens, parle à ta grosse fille, tu peux la laisser parler. Ah, je laisse la parler un peu parce que nous on bande aussi. Elle peut pas, elle a la bouche pleine. Bon bah alors infirmière Noémie là, dis donc, qu'est-ce que vous voulez faire alors? Bah je veux bien avoir une bite dans le cul, une dans la chatte et une dans la bouche. Non, moi je coupe mon micro. Ça vous tente? Vas-y, sors là, écoutez, avec plaisir. Attendez, j'appelle l'homme de ménage. Oui, bonjour, je veux faire le ménage. Alors, j'ai la bête. Oui, bonjour monsieur, vous aussi, vous voulez prendre votre coup? Non, je vais d'abord astiquer et après je fais le coup. Vas-y, pas de soucis, vas-y, astique tout. Alors, elle est où là? Je sors la bite. La bite est sortie là. Mais y'a plus de trou là, mets-la dans l'oreille au pire. Y'a plus de trou là, c'est tout pris déjà là. Vas-y, je te laisse mon trou, moi, si tu veux, vas-y, monte-lui dessus. Allez, Noémie, vas-y, salope, vas-y, allez, oh, prends oui. comme ça, je vais te retourner, allez, oh, vas-y, oui, salope. Oh oui, prenez-moi bien, oh allez, oui. C'est le cœur du patient, il s'emballe. Vite, du bouche à bite. Faut que je fasse éjaculer, ça va aller mieux. Donne ta face, je te mets tout dans la face, là, Noémie, vas-y. Je suis bien. Vas-y, mets-la, vas-y, ça sort, tiens, prends tout. Oh bah ça va mieux. Ah bah voilà, terminé. Bon bah c'est terminé pour aujourd'hui. Bravo. Ah vous avez été pas mauvais, été bon là. Ah oui, putain, ça change, dis donc. Vous avez pas été mauvais là, dis donc. C'est bien. Eh hey, bravo Noémie, bravo Hadj. Ouais, j'ai pas trop parlé. Ah bah ouais, c'est vrai que Hadj, il a un peu pris le dessus là, mais c'est pas grave. Alors écoutez bien. Donc je le dis aux auditeurs parce qu'ils vont voter maintenant en envoyant simplement le prénom qu'ils veulent. Donc vous envoyez et Mickaël suivi de Noémie ou suivi de Hadj au 64-900 ou au 30-44 pour la Belgique par SMS ou alors Facebook et Twitter, vous donnez vos avis, lequel des deux a été le meilleur. Prenez bien en compte également que Noémie a essayé de parler plusieurs fois mais que Hadj était un peu envahissant, comme un coq, tu vois, qui prend tu vois, qui c'est le sexe fort. C'est normal, il domine. Donc lequel des deux, le dominateur, lequel des deux doit gagner à votre avis, lequel des deux a été le meilleur à ce jeu là À l'improvisation. Vous mettez tout impro. C'est grave que j'arrive pas à revenir le nom, c'est dingue. Il y a Serge qui dit excellent l'impro, là, dur de les départager. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Civi qui dit ah putain, ils sont trop forts, j'adore. Hadj était à fond dedans, c'est Snooki. Guillaume qui dit c'est épique, je bande on fun radio, lol. Nicolas qui dit Noémie parce que je la veux, c'est Ken. Il y a quoi aussi? Magda qui dit très bon match d'impro, je suis plié et trop délirant pour Mystique. Bon, très bien. Alors, ce qui pourrait peut-être éventuellement. Peut-être aider Noémie, ça m'étonne d'ailleurs que Toff n'ait pas vérifié à quoi elle ressemblait d'abord. Mais c'est vrai Noémie, combien mesures-tu? Ah, moi, je sais pas, moi, 1m68. Combien pèses-tu? 1m67, 1m68, 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ben, en fait, j'ai des enfants, je mets du 100D. Oh, 100D! Oh là là, alors qu'on aurait pu se noyer dans ses seins. Ah bah ouais, on aurait pu faire un petit plongeon là. Et la taille du dernier pantalon? Bah là j'ai du 42. 42, dans le 4. C'est quoi? C'est 100D, c'est ça? Oh oui, 100D. Bon, je me permets hein. Oh mais c'est bien. Oh, il y a de la place, bien, il y a de la place, j'y vais, allez, j'y vais. Hop, je fais la bombe. Oh putain qu'on est bien. Ah bah voilà, là, on était parfait là, on était parfait, parfait, parfait, parfait. Petit poumon, tu veux pas y aller? Oh, je sais pas si je peux. Non mais non, il peut pas monter jusque là où tu. Ah oui, mais c'est trop pour moi. Ça va lui faire un infarctus. Bon, reste avec nous Noémie. Hadj, reste avec nous également. On va reparler avec Johan du pire coup également. Avec Anthony pareil. Et puis on va faire le gagnant ou la gagnante Facebook. Je le rappelle, il y a toujours le MacBook Air à gagner. On en reparle dans quelques minutes et on tire au sort avant minuit sur Fun Radio. Bienvenue et merci d'être là tous les soirs sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France avec Party ouais. Fun qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun à partir de minuit. Le retour aussi de Bruno, bien sûr, dès demain matin, dès 6h avec toute l'équipe, avec les factures, avec la ligne anti-relou également. Que Toff s'est ramassé d'ailleurs, la ligne anti-relou. Hein. Ah bah, trop souvent. Bah, plus souvent qu'il ne le croit d'ailleurs. Oh. Bon, il y a DJ Roms qui dit moi je vote pour Noémie. Normal, ses jouissements étaient excitants. Bah, continue à voter d'ailleurs hein, pour Noémie ou pour. Hadj, donc lequel des deux doit gagner le match d'impro là à l'instant. On va clôturer les votes dans une dizaine de minutes grand maximum et on va également se faire le top tutos dans quelques instants et nous allons également, et ça c'est lourd puisqu'on vous offre le MacBook Air ce soir sur le Facebook de l'émission, tirer au sort le gagnant ou la gagnante pour le MacBook Air. Si vous voulez le gagner ou la le gagner ou la gagner. Si vous, parce que c'est un ou une MacBook Air. Hein, je veux dire. Non, si vous voulez gagner le MacBook Air, et eh bien dès maintenant, vous n'hésitez pas, rejoignez-nous. Sur la page de l'émission hein, facebook.com/MIKAELOfficiel, on est quasiment 338 000 ce soir. On vous attend, n'hésitez pas, prévenez vos potes qu'il se passe un truc enfin à écouter le soir. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, ça tombe plutôt bien. MIKAELOfficiel, on vous attend. Et c'est le son d'Afrojack qu'on écoute maintenant. C'est The Spark sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer. Afrojack à l'instant sur Fun Radio, c'était The Spark. Et donc tirage au sort dans 5 minutes sur le Facebook pour gagner le MacBook Air. Facebook.com/MIKAELOfficiel pour tenter de le gagner. On tire au sort dans 5 minutes, donc maniez-vous. Et il y a Isnoki qui dit mort de rire cette soirée, la meilleure de toute ma vie, putain que des bons à vous écouter. Bah c'est gentil, merci beaucoup Isnoki. Magda qui dit ils ont été très bons tous les deux, mais je vote pour Noémie, solidarité féminine. Il y a Miss Geno qui dit Noémie direct pour une fille, elle a franchement pas été coincée comparée à certaines. C'est pour elle la victoire. Il y a Mystique qui dit Noémie, même si elle a pas eu. Même si elle a pas beaucoup parlé solidarité féminine quand même. Sébastien qui dit pour rassurer Toff, j'ai un pote qui a eu un calcul rénal mal soigné et actuellement il risque de perdre son rein. Ah ouais, bah, ça va alors. Trop bien cette nouvelle. Ah bah voilà, il est content, tiens. Epic, il y a du level, il mérite tous les deux de gagner, j'y ai bandé. Ah bah carrément. Hein. Et GTR qui dit Mickaël, elle a sucé les deux morts de rire. C'est Polo qui l'a fait, c'est pas moi. Et Alexandra qui dit j'ai un malade qui gémit comme ça, je lui fais une injection directe. Ah bah oui, il faut le piquer hein, directement, c'est terminé. Ah bah il faut arrêter ses souffrances là et les nôtres aussi d'ailleurs. Bon, et après, Hadj et Noémie. Ouais. Bon, alors, quel est le gagnant, Toff? Je pense que la solidarité féminine a bien travaillé, puisque c'est Noémie. Oh, eh ben, bravo pour les Noémie. Deux. Merci. Mais vous avez été bons tous les deux. Ouais, bon, franchement, vous avez été bons tous les deux, je le confirme, c'est vrai. Bravo à toi, tu t'as bien joué aussi. Merci, bravo à Noémie. Bah voilà, merci. Écoute, bravo. Il fallait une des deux, il fallait un gagnant, bah voilà, c'était une chance sur deux, hein, note. Hein. Bon, Hadj, j'espère que t'es pas trop déçu, et puis tu reviens quand tu veux, surtout, Hadj. Ouais, pas de soucis. Oh, Michel. Oui, Hadj. Moi, je peux gratter quand même une petite GoPro 3, non? Pour la moto, ça irait bien, non? Ah ouais, ce serait très bien, ouais, mais normal, non, t'as perdu, normal que tu gagnes un cadeau. Mais ouais, non, mais c'est surtout qu'on en a plus, là, c'était la semaine dernière, ça, Hadj, les GoPro. Sinon, j'en aurais filé avec plaisir, j'en aurais donné deux, tiens, une devant, une derrière. Ouais, c'est vrai, et trois, une sur le casque aussi. Ouais, comme ouais, ça, le casque, c'est important. Mais évidemment. Non, Hadj, on peut te filer un petit pack fun si tu veux, mais des GoPro, on en a plus, c'était la semaine dernière. Ouais, bah pourquoi pas, une petite dédicace quand même. Eh bah, avec plaisir, vas-y, Hadj. Bah, petite dédicace au club de Léman, à mon petit frère Momo, Baldou, voilà quoi, tous ceux qui me reconnaîtront. D'accord, bah, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut Hadj. Merci bien. Allez, merci, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Bon, Noémie, je te fais des bisous en tout cas aussi. Gros bisous, merci. Et tu reviens quand tu veux, bravo à toi Noémie, à bientôt, je t'embrasse. Merci beaucoup, au revoir. Ciao. Bon, on va faire le top tweetos dans quelques minutes. Le gagnant également sur Facebook. On va terminer avec Anthony aussi pour les pires plans d'un soir. Salut Anthony. Salut toute l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ça va, la bonne année commence bien. Eh ben bah, oui, oui, plutôt. Ouais. Bon Anthony, c'est quoi ton pire coup d'un soir toi? Alors mon pire coup d'un soir, hein. En fait j'étais avec ma copine chez moi quoi. Ouais. Chez mes parents à l'époque. Ça avait bien commencé, massage et tout ça, quoi. Ouais. Et j'ai eu l'idée de l'attacher sur le lit, quoi, avec les menottes. Ouais. L'attacher sur le lit, on a attaqué et tout. Ouais. Elle a demandé que j'accélère. J'ai commencé à accélérer le lit. Le lit s'est déboîté, il est tombé. Oh merde, ça c'est bon ça. Ouais, mais là, mais c'est pas fini, c'est pas ça. C'est qu'on s'est mis à gueuler sur le coup, ça nous a fait sursauter, t'as vu. Bah oui, tu m'étonnes, évidemment que ça fait sursauter, c'est clair. Ma mère et mon père qui arrivent en courant dans la chambre. Et alors? Bah on s'est fait choper quoi. Ah bah oui forcément avec le lit qui craque, tu m'étonnes. Bon bah ça va, mais ça reste un bon souvenir. Ouais franchement ouais. Bah oui bah tu m'étonnes. Bah voilà très bien. C'est un bon souvenir mais pas pu finir hein. Ah oui bah ça, on peut pas tout avoir hein. Ça c'est sûr, bah, ça c'est sûr. Impossible de sortir de la chambre après. Ouais bah oui tu m'étonnes. Avec le lit qui casse et tout on est au top. Bon attends, il y a Alex également. Alex qui a été qui a lancé sans le vouloir le sujet sur les meilleurs et les pires plans cul, hein Alex. Ouais. Bah merci en tout cas, on s'est bien marré du coup grâce à toi. Vas-y, moi je peux passer une petite dédicace hein. Vas-y, profite Alex. Je passe une dédicace à Romain et à la Fouine. Et du 200 à Evreux. Très bien. Pêche, hein. Et bah les messages sont passés Alex, passez une bonne soirée. Merci Anthony également d'être passé. Ouais tu gères ça avec Sandro Alex, pas de problème. Salut Alex, salut Anthony. Juste une question. Vas-y Anthony. Ouais, je pourrais avoir un passel ou pas? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse maintenant. Merci beaucoup. Y a pas de problème. Merci. Salut Anthony, à bientôt. Bonne soirée. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, et notre ami Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre. Ah, oui, le sifflement est là, c'est Jean-Pierre. Bravo. Comment ça va, Jean-Pierre? Comment ça va? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, écoute, impeccable. Ouais. Alors, Jean-Pierre Sauzère, a passé un bon week-end? Ouais. Bon, n'oublie pas qu'on se retrouve le 7 à Compiègne, hein, au El Patio. Hein. Ouais, puis je voulais te dire, de toute façon. Je vais passer avec la tribu, avec Evan. Oui, non, mais ça d'accord, mais... Evan, c'est chaussures. En direct, Evan. Comment? Tu pourrais pas l'appeler Evan en direct? Non, bah là, il dort. C'est un ami, mais qui dort tôt. Sur Pluton. Et tu peux passer une chanson de moi, par hasard? Là, non, mais demain, promis, parce que là, il y a Party Fun, là, qui va arriver. Moi, j'ai le numéro direct, maintenant, de Evan, il me l'a donné. C'est vrai? Oh là là. Tu le tiens aussi? Oui, bah, évidemment, il n'y a pas de problème. Tu demanderas au stagiaire à Dexter. Ok ouais. Il va transmettre ouais, l'info. J'en ai un mais j'arrive pas à te joindre dessus donc. Ah bon? Bah c'est que c'est un con alors. Mais en même temps c'est voilà. Stagiaire, excuse-moi, on peut non, rien mais pour toi, lui. Tu me l'envoies carrément. Oui bah bien sûr évidemment mais de toute façon il y a pas de problème hein, en même temps. Bon n'oublie pas El Patio hein. El Patio le 7. Le 7 février. Le 7 février tu seras là, Toff en mode lapin puisqu'il va danser et tout, ça va être la folie. Oui. Voilà, pendant que tu vas chanter, tu vas bien nous chanter tu vas chanter quoi, tu sais déjà? Ouais, bah, je vais te chanter Jean-Pierre au Pays des Merveilles. Ah non, Jean-Pierre une Wonderland. Ouais, voilà, et que de rock. Eh ben voilà. Je suis Jean-Pierre au Pays des Merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Voilà, ça ce sera en live et ce sera en Picardie et ce sera à El Patio. Et on va être bien la semaine prochaine. Dans deux semaines. Tu viens faire un karting avec nous, Jean-Pierre, ou pas? Non. Ah bon, bah alors, et pas un laser game non plus? C'est quoi ça? Bah c'est avec des fusils, c'est avec des lasers. Je sais pas. Comme dans Star Wars. Comme dans Star Wars. Ça va bien, ça dépend de l'heure que j'arrive. Bon bah d'accord, ok, non, bah alors on va. C'est pour moi que je fasse ma prestation chantée. Puis oui, voilà. Bah bien sûr, t'inquiète. Toi t'es là pour prester, bien sûr, promo, évidemment. C'est ça, t'es un artiste, un vrai Jean-Pierre. Et la promo, évidemment, très bien. Bon, et n'oublie pas qu'il faut faire les balances aussi avec Toff avant. Hein. Bah oui, évidemment. Bah ouais, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver là et faire de l'impro, le son sera mauvais. D'accord, ok, bon, bah alors c'est parfait, alors impeccable. Bon, bah tu penses à passer mes chansons? Eh bah demain, on te rappelle demain, je la passe demain. Ah bah écoute, si tu m'appelles, je m'appelle vers 11h30 parce que après je décroche. D'accord, ok, après tu décroches. D'accord, ok, ça roule. Salut JP. Fais confiance, hein. Ça roule, t'inquiète pas. Va. Salut. Merci. Jean-Pierre. Salut. Ciao à toi, bye bye. Kevin. Oui. Salut Kevin, ça va bien? Ça va. Bon, très bien. On va parler de quoi demain? Dérange pas Kevin parce qu'on a plus le temps. Non, c'est pas grave, parce que moi je suis accro aux putes. Ah d'accord, ok. Bah, écoute, c'est un bon sujet. Soyez là demain, 23h, vous allez voir. on va bien commencer la semaine. Enfin, on la commence aujourd'hui, mais pour les gens normaux, ils la commencent lundi. Donc, on commencera très bien la semaine, Kevin. Ça roule. Bon, on te reprend demain 23h. Ok, ok. Au revoir. Salut, Kevin. Ciao à toi. Et on appelle également le gagnant du MacBook Air. Vous avez eu l'occasion de le gagner depuis 20h. Il suffisait simplement de s'inscrire sur le Facebook de l'émission. C'est ce qu'a fait cette personne qu'on appelle maintenant. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Hakim. Salut Hakim, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Est-ce que t'as fait un like et un partage sur une photo où il y a un mec avec une tête de con et une boîte d'un ordinateur? Eh ben voilà Hakim. C'est ça, c'est Hakim hein. Ouais, c'est ça. Très bien. Eh ben MacBook Air pour toi, 12 heures d'autonomie, la folie totale. C'est trop bon, ça. Eh ben nickel Hakim. Merci beaucoup. Je croyais vraiment pas, c'est le genre de choses que je fais pas habituellement, pourquoi pas. Bah tu m'étonnes. Bon, en même temps, ça coûte rien. Suffisait de faire un like et un partage et c'était plié. Ben merci beaucoup Hakim d'avoir joué. Merci à vous. Et tu reviens quand tu veux sur Fun. Salut Hakim. Salut. Bah tu m'étonnes qui vit Fun Radio. Bah oui, forcément, 1000€ l'ordinateur, comment te dire. Bon bah bravo en tout cas. Et puis on remettra le couvert avec d'autres jeux, bien entendu. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis on va faire le top tweetos maintenant. Mais bien sûr, également. Allez, allez, c'est parti. Top tweetos numéro 5. Numéro 5, c'est le numéro 5, c'est Marine. Numéro 3. Numéro 3, c'est Dédé. Numéro 2, c'est Magda. Numéro 1, c'est Cédric. Et le numéro 4, le gagnant, sauf s'il a déjà gagné, à ce moment-là, ce sera le 5e, 6e, jusqu'à c'est que quelqu'un. C'est Fabienne. Qui a déjà gagné. Il me semble. On va vérifier quand même. En tout cas, bravo. Donc, c'est le numéro 4 qui gagne. Comme je le disais, sauf si Fabienne a déjà gagné, à ce moment-là, on verra le 5e, 6e et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné. Il y a Vincent qui dit merci, Mickaël, pour cette émission. Pendant que je travaille l'histoire, j'étais passé à Fun il y a 2 semaines. Ah, bah ouais, bah bon courage, Vincent. Et Dédé qui dit ils sont bons à ce jeu de l'impro, ça change de la semaine dernière. Ah, ça, je confirme également. Bon bah merci en tout cas d'avoir été là ce soir Cédric, Alexandra, Maïva, Fabienne, Secret Key, il y avait Echo, il y en avait plein aussi qui avaient envoyé des messages sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission, de plus en plus nombreux. Il y avait Jus de Pomme également qui était là, il y avait Mathilde et Amandine, il y avait Fabienne Jadi, il y avait Grrr également, Holly Fun, Alex qui vient d'arriver, il y a Serge, Nono, Mathias, Didier, bref, évidemment j'ai pas le temps de tous vous citer, mais merci en tout cas d'avoir été là, de plus en plus nombreux comme je le disais depuis depuis plusieurs mois maintenant, à nous suivre tous les dimanches soir de 20h à minuit et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du matin. Voilà, bon allez, générique de fin avant de partir quand même, un minimum syndical. Ah oui. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouts des bites, te sucer, toi l'enculé. Ah oh, putain. Je veux que tu rigoles toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui enculé. Donc t'es un enculé. Pas dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Et j'arrive mieux à la deuxième partie maintenant. Bah oui, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Merde. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Toff a failli mourir. Oui. J'ai acheté un costume pour rien. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Allez, ferme ta gueule. Toi l'enculé, tu bourres des pitaf te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, merci Lilou, comme d'habitude. D'avoir été au taquet, bien sûr, avec son petit suspabide habituel. Voilà. Quel talent, c'est vrai. Demain, exactement. Bon, passez une bonne nuit, tout le monde. On se regarde demain à partir de 23h. Nos limites. 20h minuit. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Ah, et ben c'est Party Fun qui va démarrer là. Ouais. En pleine forme, Party Fun. Ouais. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer de beau là? J'ai vu qu'on allait faire un orchestre là. Ouais, ce soir, il y a l'Orchestre National de Belleville qui est là, donc ça va être un gros truc. Oh, la folie. Non, donc Party Fun en mix ce soir jusqu'à 2h du mat avec Nati Reco qui est mon invité ce soir, qui va jouer du sax, qui va faire, tu sais, les tubes Fun Radio un petit peu en live comme ça va être assez sympa. Ah, ça on va se faire un truc ça. À la cool ce soir là. Ah, si cool. Vous voulez rester, vous prenez un petit café, un truc là, on tamise, un petit sax, vous allez être bien. Voilà. Attends, parce qu'il y a Polo qui veut savoir s'il y avait des gonzesses. Est-ce que la barre de pole dance arrive également? rapidement ou pas? Putain, ça on n'a pas prévu. Ah merde. On gère la musique, nous. Après, vous démerdez. Ah bon, bah, prochaine fois, tu nous préviens, on ramène la barre de pole dance, nous. Et on l'avait déjà en plus. Bah, bien sûr. Oui, c'est vrai que vous en avez une. Bah, oui, bien sûr qu'on en a une de barre de pole dance, là. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on est des professionnels. Attention. C'est sérieux, c'est sérieux. Bon, party fun donc. Yes, jusqu'à 2h du match, là, pour bien fait terminer le week-end. Comme voilà, tous les dimanches. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain, juste après Loving Fun. Est-ce que Karel aura encore. Est-ce que ça aura encore pause caca ou pas? Je ne sais pas. On verra. Mais c'est toi qui fais le morning demain matin, non? Oui, moi, je fais le morning. Je remplace Anso et je remplace Dario aussi. Moi je fais tout le temps, moi je vais juste faire une petite sieste là maintenant là pendant que tu fais pendant que tu fais party fun et puis je reviens. Donc c'est bien, mais au moins quand je suis malade, on t'appellera pour voilà, mixer. Ça va, Mickaël dans la radio demain 6h. Allez, bonne nuit, amusez-vous bien. Ça roule, salut les gars. Ciao, bye. Are you ready for this?